Bonjour, bien Dieu. Et bienvenue à cette réunion une fois de plus ce matin. Amen. Je pense qu'il est temps pour nous de commencer. Alléluia. Et je voudrais inviter l'homme de Dieu, le frère Junior, amen, amen, à prendre la parole pour certainement ordonner la réunion de ce matin. Amen. Amen. Et selon comme le Saint-Esprit va le diriger, c'est lui qui va ordonner les travaux. Amen. Amen. Et il nous dira par où nous commençons. Amen. Amen. Donc, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Bonjour, bonjour frère. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Veillons nous lever et on fait le tour de la salle pour saluer, nous saluer les uns les autres et vérifier que vous connaissez le nom d'une autre personne. Donc saluez-vous les uns les autres, pas ton voisin parce que tu lui as parlé. Marchez, saluez-vous les uns les autres. Bonjour, bonjour. Good morning, good morning. How are you? You are welcome in the name of the Lord. I can see you around by you, the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. I can see the Lord by you, the glory of the Lord. You are welcome. Baissons la tête et prions. Père, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Dans les cieux et sur la terre, tu règnes en maître souverain. Amen. Nous voici au devant de toi, Père. Nous prions, Père, que tu nous diriges comme tu le veux maintenant. Que tous ces moments soient pour la gloire de ton saint nom. Et que ton règne s'établisse dans les cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande chacun de nos cœurs ici, Père de gloire, que toi-même tu plantes et que tu fasses croître ce qui est de toi. Et tu estimes de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, daigne pardonner, ô Dieu de gloire, nos manquements. Daigne pardonner, ô Dieu de gloire, notre faiblesse. Et que ta miséricorde parle plus que les accusations de l'ennemi sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Je prie, Père de gloire, pour tous ceux qui sont venus avec un handicap quelconque, qui rentrent restaurés dans tous les domaines au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Amen. Précieux peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Donc la grâce de notre Dieu vous soit multipliée. Nous allons passer des très bons moments encore. Après dimanche, le frère a ouvert ses cahiers de questions. Je crois que vous avez un micro qui se balade dans la salle, n'est-ce pas? Oui. Au cas où, quand on va commencer avec les questions. Mais je constate déjà que les femmes qui étaient là la semaine dernière ne sont pas là. Elles ont mangé un gros morceau, elles n'ont pas pu avaler ou c'est comment. Mais souvenez-vous, je viens, ma Bible, je n'ai pas ouvert depuis la semaine dernière, je n'ai pas ouvert ma Bible. Ça peut vous surprendre, pas vrai? Depuis dimanche dernier, quand on a quitté, je n'ai pas ouvert ma Bible. Quand je suis rentré déposer là-bas, je l'ai pris ce matin. Parce que si j'étais occupé à Eo et en bas. En fait, hier même, j'ai prêché même sans ma Bible. Parce que je suis venu à l'assemblée, parti quelque part. Je me suis retrouvé là-bas pour prêcher. J'ai pris la Bible de quelqu'un. Donc, c'est pour vous dire que je ne me suis pas préparé contre vous. Donc, je suis venu avec la liberté de l'esprit pour que vous posiez vos questions. Nous essayons de regarder au travers des Saintes Écritures. Vous posez toutes les questions. Je crois que la semaine dernière, nous avons laissé en suspens quelques questions. Et aussi, j'ai apporté l'ordinateur pour vous parce qu'il y a des enseignements là-bas. Si vous posez des questions, dont les réponses sont déjà dans les enseignements. Au lieu qu'on perde encore le temps dessus, vous allez récupérer seulement les enseignements. Comme ça, on répond aux questions qu'on n'a pas encore développées. Ou bien s'il y a des incompréhensions quelque part, qu'on puisse vous les expliquer. D'accord? Avant qu'on ne passe aux questions, permettez-moi de parler d'un sujet. Et je crois qu'en parlant de ces sujets-ci, ça va nous... Là derrière, vous m'écoutez bien. Vous m'écoutez. Si vous n'écoutez pas, vous avancez. Je vais parler d'un sujet avant que on entre dans, en prenant les questions en compte. Écoutez très attentivement. Je crois que c'est bon, vous êtes bien positionné, n'est-ce pas? Dieu a un but pour lequel il fait des choses. Dieu a un but pour lequel il fait des choses. Et Dieu a fait toutes choses, chaque chose a son but et son objectif. Dieu ne fait rien pour rien. Lorsque vous voyez la poule marcher, vous allez regarder qu'il n'y a pas de défaut sur la poule. Quand vous regardez bien, vous comprenez tout simplement que la poule, s'il fallait être poule, c'est que c'est seulement comme ça que ça devrait être. Si vous regardez votre visage, vous allez remarquer que le nez est positionné à sa position. Si ça avait été ici, ça ne devait pas bien fonctionner. Donc chaque chose est à sa place. Donc quand vous regardez l'univers, vous voyez tout simplement que tout est parfait, parfaitement à leur place, bien réglé. Il dit, toutes les questions que vous allez poser aujourd'hui vont tourner autour de ceci. Toutes les questions. Vous souvenez la semaine dernière, vous avez dit que toutes les questions tournent autour de qui est créé. Il dit toutes les questions que vous allez poser dans cette salle, c'est mais vous posez n'importe quelle question, ça se trouvera, tournera autour de ce que je viens d'expliquer là maintenant. Et par conséquent, les cheveux ne pouvaient pas vous pousser dans les yeux. Ça devrait être sur la tête. Quand vous regardez tout simplement, vous imaginez-vous n'importe quelle position. Si vous imaginez n'importe quelle position de votre corps où l'air pouvait se retrouver, vous serez seulement les zombies. Si l'air devait être à un endroit autre que là où ça se trouve, vous êtes un zombie. En fait, regardez les films des zombies, vous allez voir effectivement quand on met l'œil ici, vous voyez que ça effraie, pas vrai? Mais l'œil, les yeux sont positionnés tels que ça devrait être là-bas tout simplement. D'accord frère? Donc que Dieu vous bénisse. Voilà la courte exhortation que je voulais donner. Je voulais que vous sachiez, mais bien que vous le sachiez déjà, mais je vous ai rappelé que tout ce que Dieu fait est parfait. Je voulais rappeler que tout ce que Dieu fait est parfait et qu'il faut qu'on se souvienne de cela avant d'avancer. Donc quand on va entrer dans la Bible, on va se souvenir de ceci. Tout est à sa place. Toute chose est bien réglée. Si vous levez votre main comme ça, vous allez remarquer que si le petit doit être à la place des grands, ça ne marcherait pas. Vous prenez les animaux, le singe qui est proche de Rome, si sa main est comme ça, ça ne marcherait pas. Tout est seulement à sa place. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis donc à votre service. Je suis à votre service. Posez toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Toutes. Toutes les questions. Alléluia. Nous revenons au sujet de la semaine passée. Oui. Moi, ma question était, qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Oui. Parce que je connais qu'il y a deux termes. Il y a l'Église spirituelle et l'Église physique. Bon, c'est quoi que tu appelles l'Église spirituelle? Qu'est-ce que vous appelez par Église spirituelle? L'Église spirituelle, c'est le corps de Christ. Selon moi, c'est le corps de Christ que j'appelle l'Église spirituelle. Et physique maintenant? Et physique maintenant, c'est les bâtiments. Ok. Et... Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on va tourner que tout là maintenant. Sortons donc les Bibles. Souvenez-vous, à chaque fois que toute question d'ordre biblique doit avoir les réponses que se retrouvent dans la Bible. Si vous posez une question qui n'est pas de l'ordre biblique, ça va toucher maintenant l'intelligence humaine. Mais si c'est une question d'ordre biblique, ça doit se retrouver dans la Bible. La solution doit se retrouver dans la Bible. Et quand la solution se trouve dans la Bible, ça suppose donc que c'est la pensée de Dieu. Souvenez-vous de ceci. J'ai dit, si vous posez n'importe quelle question d'ordre biblique et que Dieu a réglé ses problèmes dans la Bible, aucune personne ne peut plus dire autrement. D'accord, frère? Donc, comptons sur lui donc, maintenant pour nous guider. C'est quoi donc l'Église? Et on va voir avec ce que tu as défini. Tu as dit Église, il y a la partie physique, la partie spirituelle. Et tu as dit la partie physique, c'est les bâtiments. On va aller dans la Bible et on va voir ce que le Seigneur en dit. Ok. Donc, la première mention du mot Église, c'est bon, frère? Tu iras avec la traduction? Donc, on prêche comme ça. Tout le monde est francophone ici. Ok, donc je crois que ça va aller rapidement dans ces cas. You are you getting when I speak in French? Do you understand what I'm saying? Okay, thank you. Ma soeur, ça c'est bon là? Ça va? La première mention du mot église se trouve dans votre Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu chapitre 16. Nous allons lire Matthieu chapitre 16 et on va lire ce qu'il en est. Donc nous allons prendre la définition qu'il a donnée, puis on va voir ce que la Bible en dit. Et on va tirer la conclusion par rapport à nous aujourd'hui. D'accord? Et on va tourner autour de cela pour voir ce que la Bible dit, ce que devrait être l'église et constater ce qu'on en a aujourd'hui. Donc si vous y êtes, vous prenez, qui a le micro? Matthieu chapitre 16, lisons les versets 16 jusqu'au verset 18. Oui, derrière là, oui, il a le micro, oui. Bon, il est là. Assez toi, frère, sens-toi à l'aise, la chaise est faite pour être assis. Ah, merci. Voilà, c'est toi. Merci. Alléluia. Matthieu 16, du verset 16 au verset 18, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Amen. Donc je crois que de temps en temps il faut éteindre, c'est ça? Voilà. Donc, le Seigneur Jésus-Christ se trouve à la sortie du ministère. Il a les sorties de son ministère terrestre. Il pose les disciples réunis. Il leur demande, qu'est-ce que les gens disent de moi là-dehors? Vous savez, on dit toujours les choses des gens. C'est pour ça que si vous posez des questions, on va vous dire. Il y a des gens qui par respect ne vous parlent pas. Vous dites que qu'est-ce que tu penses de moi? Il dit que tu veux qu'il dise la vérité. Il te dit, tu dis mince. Tu avais toujours ça dans ton cœur comme ça. Et on se rencontre. Donc on dit toujours des choses des gens. Le Seigneur voulait donc se renseigner par rapport à faire. Il n'a pas besoin de renseignement. Il voulait donner un renseignement en prenant leur renseignement. Il leur a demandé qu'est-ce que les gens disent de moi. D'autres ont commencé. D'autres disent que tu es un ancien prophète. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es ceci. Il dit, ok, ça c'est ce qu'eux ils disent. Vous qui êtes à côté de moi, qu'est-ce que vous dites? Vous me suivez, vous devez censer savoir qui je suis. C'est merveilleux, je pourrais prêcher sur ce sujet-là. Qui est Jésus? Alors, la Bible déclare que Simon Pierre a ouvert la bouche et a parlé. Je veux que vous remarquiez tout de même que Simon Pierre n'a pas fait. Il n'a pas fait ça. Pas vrai? Ils étaient dans une continuation de conversation. Et vous, que dites-vous que je suis? Simon Pierre lui dit. Simon Pierre n'a pas changé, sa voix n'a pas changé. C'est la voix de Simon Pierre. Sa voix n'a pas changé. C'est un autre sujet encore qu'on peut encore glisser là-dessus. Sa voix n'a pas changé. Il a dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est simple comme langage. Le Seigneur Jésus se tourne vers lui et dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont enseigné cela. C'est-à-dire que tu n'es pas allé dans une école théologique pour que quelqu'un te dise cela. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé cela. La question c'est, comment Dieu a parlé à l'apôtre Pierre? Comment Dieu a pu faire pour ouvrir la bouche de l'apôtre Pierre pour lui dire c'est ça? Mais l'apôtre Pierre, on entend sa voix, on croit que c'est lui qui en a de parler. L'apôtre Pierre peut croire que c'est lui qui en a de parler. C'est pour ça qu'il faut discerner quand quelqu'un est de prêcher. Quand c'est Dieu qui en a de parler. Parce qu'il ne changera pas la voix de la personne. La personne parlera avec la même voix, mais ce sera l'ordre du Seigneur. Vous savez, c'est ça, hein? Alors, l'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur dit, ce n'est pas une école théologique qui t'a appris cela. Et le Seigneur Jésus met dans la fondation de la connaissance de qui lui il est. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est par la révélation. Donc, Dieu doit se révéler. Dieu doit révéler qui est le Fils Jésus-Christ. Tu peux apprendre le Seigneur Jésus-Christ de façon intellectuelle. Vous lisez dans la Bible, vous dites, Jésus-Christ est mon sauveur. Si Satan lit le même verset, il va dire toujours Jésus-Christ est mon sauveur, mais Jésus n'a pas sauvé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, remarquez très bien que le premier Pierre est avec un grand P majuscule. Vérifiez votre Bible maintenant. Il dit, tu es Pierre. Vous avez remarqué? Remarquez bien encore, je veux que vous remarquez, chacun a sa Bible. Il dit, tu es Pierre. Le premier Pierre avec P majuscule, n'est-ce pas? Et sur cette pierre, le deuxième est avec P minuscule. Donc, ça, c'est deux choses différentes. D'accord? Je veux que ça entre doucement pour qu'on y va. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est ce verset, on peut prêcher n'importe quoi maintenant sur ces doctrines qui sont entre au milieu de l'église. Alors, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, souvenez-vous que lorsque le Seigneur Jésus a rencontré, il a dit, normalement, il s'appelle Simon. Il s'appelle Simon. Mais Simon veut dire sable mouvant. Le Seigneur change son nom en pierre, ce qui est résistant. Et dans Luc chapitre 6, il avait dit, si quelqu'un bâtit sa maison sur du sable, ça ne peut pas tenir. Et le Seigneur Jésus a changé son nom parce que quelqu'un qui est sable va toujours dandiner. C'est pour ça que Simon Pierre pouvait dandiner. Chaque fois qu'il compte, il essaye, ça ne marche pas, il dandine. Mais remarquez très bien, quand la révélation du roi va venir avec le Saint-Esprit, il va se tenir devant tout obstacle à partir de chapitre 2. Donc, étant Pierre, quand il a donné le nom de Pierre, c'était en contrariété par rapport à son nom, l'effet que Simon pouvait faire sur sa vie. Il donne Pierre pour dire maintenant, désormais tu es solide, tu peux avoir une fondation. Une grande fondation, une bonne fondation maintenant. Vous saisissez, n'est-ce pas? Alors, donc, son nouveau nom, donc, c'est Pierre, Petro, ou bien Cephas. Maintenant, le Seigneur dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, il n'a pas dit, et sur toi, il a dit, sur cette pierre, tu es Pierre. Maintenant, il se tourne, maintenant, il dit, sur cette pierre. Si vous lisez votre livre dans un piège, vous avez votre stylo, n'est-ce pas? Donc, au fur et à mesure, les versets vont venir comme ça. Dans 1 Pierre chapitre 2, vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible déclare que, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel par lequel vous devez croître. Pas vrai? Voilà. Puis il va dire quelque chose au verset 2, 3, 4 et 5. Il dit, comme des pierres vivantes, que Jésus, lui, il a été la pierre vivante. Vous êtes aussi des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une habitation spirituelle, une maison spirituelle, une habitation de Dieu en est, dont les chrétiens sont des pierres vivantes. Un peu comme, de la même façon comme Christ est, enfin, chaque chrétien est une petite pierre. L'entièreté des chrétiens mis ensemble avec le bloc de l'amour forme cette pierre solide qu'est Christ. C'est ça. Maintenant, ça veut dire que le Seigneur dit, tu es pierre et sur cette pierre, la pierre dont je suis en train de parler, je bâtirai mon église. La révélation. Donc, l'église Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de prendre ici parce que c'est la base de l'église catholique. Lorsqu'on finit de définir, si vous comprenez que l'église catholique, sa fondation, c'est le mensonge. Et par conséquent, tout ce qui va venir là-bas vient du père du mensonge. Et ainsi, de suite, on va toucher dans les autres. Maintenant, la Bible déclare que Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On va aller doucement avec la parole que le Seigneur a dite. Maintenant, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vous pose une question. Il s'agit de l'église de qui? Il s'agit de l'église de qui? N'est-ce pas dans c'est devant vous là. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc l'église appartient à qui? Ok. Si l'église appartient à Christ, il a dit qui va bâtir? C'est lui qui bâtit. Ok. Jésus dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Puis il donne une promesse, et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Nous sommes d'accord? Vous avez vu des moments donnés où on construit l'église quelque part, un jour on dit que la route va passer là-bas, et on est obligé de casser. Parce que si la route passe maintenant ici, on est obligé de casser ici. Alors on aura cassé l'église du Seigneur Jésus. Pas vrai? Mais lui, il a promis dans ce verset que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que même si Satan se réunit avec toute sa cohorte de l'enfer, rien ne peut arriver à son église. C'est la promesse qu'il a donnée là-bas. Donc c'est la première mention du mot église dans la Bible. Et il donne donc le projet, il dit ce qu'il va faire. Le Seigneur Jésus dit là, il parle dans le futur, il dit je bâtirai. Donc, lorsque Jésus était physiquement là-bas, il n'y avait pas d'église. Lorsque Jésus était physiquement, à cet instant avant qu'il ne parle, personne ne sait de quoi il est question. Maintenant, il donne le projet, il dit je bâtirai. Parce que c'est dans le futur ça. Je bâtirai mon église. Puis il dit, rien ne peut empêcher ça. Rien ne peut empêcher. S'il bâtit son église, et qu'à cet instant-là, il n'y a pas d'église, il faut qu'on se pose donc les questions. Donc, le but de Dieu d'envoyer le Seigneur Jésus-Christ, c'était de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ce corps donc est appelé dans le corps de Christ. Il y avait d'abord une réconciliation à faire pour qu'on soit tous, tous ceux qui étaient dispersés reviennent, soient regroupés dans un corps. C'est quoi appeler le corps de Christ? On va voir sa définition avec les versets bibliques tout à l'heure. Mais gardons à l'esprit que, un, c'est l'église du Seigneur Jésus. Gardons à l'esprit, quand on va avancer chaque fois, n'oubliez pas cela. Gardons à l'esprit que c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Gardons à l'esprit que c'est lui qui bâtit. Alors je vous pose la question, vous qui m'avez posé la question. Qui a bâti les églises qui sont sur la terre, comme vous avez appelé les bâtiments? Qui a bâti? Comment? Donc ça veut dire dans ce cas, il y a deux églises. Les églises que les hommes bâtissent et les églises que Jésus-Christ est censé. Il faut identifier et discerner les choses de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit que tout ce que Dieu fait est parfait, ça a un but. Oui, on commence à s'approcher doucement. Pas vrai? Ok. Maintenant, le Seigneur qui bâtit l'église. La question est claire. Qu'est-ce que lui, il appelle par église? Le mot qui est écrit à église, là, dans d'autres versions, on met assemblée. Dans la version anglaise, on met church. D'accord? Maintenant, on va s'arrêter ici. Quand vous quittez le matin, vous dites, si on vous salue, on dit, vous allez où? Vous dites que vous allez où? À haute voix. Vous allez à l'église. Donc, ça veut dire que vous quittez votre maison, vous venez ici. Et ici, ça s'appelle quoi? Église. Tourne-toi, regarde quelqu'un. Dis, tu vas sortir ici aujourd'hui. Ta tête va tourner 360 degrés. Et tu dois devoir changer de langage. Mais il faut qu'on lise la Bible, d'accord? C'est la Bible qui est notre lumière. Le Seigneur dit dans sa parole que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc si on a des marches dans les ténèbres, la seule chose qui vient nous éclairer, c'est la parole. Je ne peux pas me tenir devant vous commencer à parler de Dieu sans que ça ne soit, la fondation ne soit scripturaire. Si ce n'est pas dans la Bible, tout ce qu'il peut dire, même si c'est vrai, c'est quand même du malin. Donc il faut que ce soit Jésus qui dit. Alors maintenant, s'il dit, je bâtirai mon église, puis il dit, les portes du séjour du monde ne préviendront point contre elle. Il faut qu'on aille le suivre, comment il bâtit. En gardant à notre esprit que c'est lui qui bâtit, c'est son église. Donc c'est lui qui va donner le plan de construction, c'est lui qui va nous dire ce que c'est. Nous sommes d'accord? Voilà. Maintenant, le mot église dans ce verset, chapitre 16 là de Matthieu, veut dire assemblée. Ou bien, le mot grec étymologiquement, c'est ecclesia. C'est-à-dire que le rassemblement, ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc, littéralement, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux. Hors d'eux. Vous pouvez maintenant mettre monde hors de l'Égypte. Ils sont appelés. Donc, l'église, d'après ce verset, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux. La définition devrait clore le débat. La définition du mot église devrait clore le débat. Bon, maintenant, mais amusons-nous avec notre intellectualisme de folie à la lumière de la parole de Dieu révélée. Confrontons donc nos croyances à la lumière de la parole de Dieu. Pourquoi on doit confronter? Parce que vous devez vous mettre face à la vérité pour maintenant vous dire ce que vous choisissez. Et ce soir, je vais vous mettre cela face à face. Vous allez, je vais prêcher, pas vrai? Vous m'avez invité. Peut-être si la prochaine fois vous ne m'invitez pas, j'aurais quand même dit la vérité. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes du Hadès ne prévendront point contre elle. Allons dans la Bible, lisons quelque part. Mettez le doigt dans Matthieu parce qu'on va y revenir. D'accord? Allons quelque part, on va lire quelque chose. Ouvrons le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. La personne qui a le micro lira, pas vrai? Éphésiens chapitre 5. Je crois que vous êtes assis à côté de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir, essayez d'aider la personne à ouvrir. Sinon, on va dormir ici aujourd'hui. Vous êtes venu préparer, vous savez que je prêche pour longtemps, pas vrai? Donc chacun s'est préparé chez lui déjà. Voilà. Alors, Éphésiens chapitre 5, lisons doucement à partir du verset 22. Quand le moment arrive, je vais vous demander de stopper. Mais s'il vous plaît, vérifiez dans votre Bible ce que nous sommes en train de lire. D'accord? Maintenant, allons-y. Éphésiens 5, verset 22. Verset 22, je lis au nom du Seigneur Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et Qui est son corps? Arrêtons-nous donc là-bas. Et dont il est le sauveur. Non, regarde bien ce qui est écrit. Et dont, ça continue en disant, et dont il est le sauveur. Maintenant, on va y arriver doucement maintenant. Il dit, femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, laissons les femmes tranquilles. On a traité le cas la dernière fois, pas vrai? Il ne faut pas qu'on fasse que même celles qui sont venues aujourd'hui, la prochaine fois ne vient plus. Maintenant, il dit, comme l'église est aussi quoi? Regardez. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Puis il dit, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. L'église est son corps et dont il est le sauveur. Maintenant, regardez-moi, on va développer. Donc, un homme et une femme représentent Christ et l'église. On ne peut pas prendre un être humain pour comparer avec une chose. On doit comparer avec un être de la même nature. C'est ce que je dis, n'est-ce pas? Donc, le mari typifie le Seigneur Jésus. La femme typifie l'église. Christ est un être vivant. L'homme est un être vivant. La femme est un être vivant. Et par conséquent, naturellement, l'église doit être un être vivant. Pour que la comparaison soit claire et soit bonne. Pas vrai? De la même façon comme l'homme est le chef de la femme, et donc l'homme est la femme est son épouse, il faut que l'église soit l'épouse de Christ. En fait, l'église est l'épouse de Christ. On ne peut pas dire que la femme, si se fasse son mari, et puis vous allez à Christ, vous allez donner un bâtiment. Christ va faire bisous à un bâtiment. Vous faites bisous à vos femmes, et Christ fait bisous à un bâtiment. C'est ça? Maintenant, suivez attentivement. Il dit que, comme Christ est le chef de l'église, il dit qui est son corps. Qui est donc? Christ est si vous écrivez la phrase doucement, on devait dire Christ est le chef de l'église. L'église est le corps de Jésus et Jésus a sauvé l'église. C'est ce que la phrase allait dire. D'accord? Donc, Christ est le chef de l'église, n'est-ce pas? Et l'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Donc, la Bible définit donc ici, voici là où la définition de l'église vient. L'église donc est le corps de Christ. C'est ce que Dieu définit. La fondation est posée. Dieu définit l'église dans ce verset comme le corps de Christ. Puis il avance maintenant pour dire que si vous ne comprenez pas, il dit que il parle de l'église dont Christ a sauvé. Donc Christ est le sauveur de l'église. Ça pose naturellement la question. Quand Christ criait à la croix, c'était pour le bâtiment qu'on allait voir ici. Il est mort pour les papins, les carabots. Il est mort pour quoi? Pour qui? Pour un être humain. Donc Christ parle des individus. Donc ce sont des individus que Christ a rachetés, qui lui appartiennent, qu'il appelle corps de Christ. Vous comprenez donc que le corps de Christ est différent des clubs. Le corps de Christ n'est pas le rassemblement de la réunion des gens qui ont manqué où aller. Le corps de Christ n'est pas le rassemblement familial des gens qui viennent pour partager des idées philosophiques. Le corps de Christ n'est pas un endroit où les gens viennent se réunir pour que chacun donne son idée. Parce que souvenez-vous, c'est Christ qui bâtit son église. C'est lui qui bâtit son église. Quand vous voulez bâtir votre maison, c'est vous qui donnez les instructions. Le constructeur ne peut pas venir vous dire que non, il faut que vous mettez un ciment rouge. C'est lui, vous donnez ce que vous voulez. Et il vous sert ce que vous voulez. Donc c'est la personne qui est le constructeur, le concepteur du projet, qui donne et dit et commande ce qui doit être fait. Donc nous venons de voir dans ce verset que l'église c'est le corps de Christ et Christ est mort pour l'église. Alors, nous rentrons dans la définition qu'il a donnée initialement. Il a dit qu'il bâtira son église. Donc, on peut maintenant dire Christ va bâtir son corps. Quand il dit qu'il va bâtir son corps, on dit qu'il est le sauveur. Il a sauvé l'église en mourant. Donc, physiquement, il n'était pas encore mort. Par conséquent, le corps ne pouvait pas venir en existence. Donc, le corps de Christ vient en existence à partir de la mort du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est parce qu'on se comprend. Alors, je pose la question. Quand Christ est mort, il est mort pour l'église catholique, protestant, pentecôtiste, luthérien. Alors maintenant, quand on écrit donc maintenant que église catholique des rachetés, église des rachetés, église de ceci, je pose la question. Laquelle est l'église du Seigneur Jésus? Je veux que vous me dites maintenant. Parce qu'il a dit qu'il bâtira, il n'a pas dit, souvenez-vous de Matthieu 16, il n'a pas dit, je bâtirai mes églises. Il a dit quoi? Christ a combien d'églises? Les hommes en ont combien sur la terre? Alors laquelle est de Dieu? Nous sommes dimanche aujourd'hui. Quand vous sortiez, vous venez ici, vous avez traversé les gens qui traversaient avec la Bible. Vous l'avez remarqué, vous avez pensé, celui-ci est perdu. Lui, il a été regardé que comme il ne vient pas chez nous, il est perdu. Vous reconnaissez le je vais dire que voilà les gens de Babylone. Vous regardez, pendant que le témoin, je vois là des pensées de vous, que vous voyez les gens de Babylone, vous allez penser que ouais, ceci part dans l'enfer. Vous deux, vous avez la Bible. Vous traversez un cathédrale, vous dites que oh, c'est là, alors n'en parlons plus. Alors je pose la question, laquelle des saints, entre guillemets maintenant, église, chaque fois maintenant, quand je vais utiliser le cadre de l'homme, je vais dire mettre entre guillemets, parce que ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je recommence. Vous pouvez habiter à 100 mètres d'ici en marchant pour passer. Si vous allez au Nigeria ou bien à Lubumbashi ou bien même à Kinshasa, c'est fort là-bas. C'est le championnat serré des églises, réveillé et débrouillé. Alors, chaque ruelle, chaque maison, quasi chaque maison a sa dénomination qu'on a mise là-bas. Et chacun dit, oh, bien-aimé dans le corps de Christ. Le Seigneur Jésus nous aime. De l'autre côté, là, l'autre aussi, presque. Le Seigneur Jésus est amour, Dieu est amour. Ils sortent là, personne ne salue personne. Et c'est quand même curieux, c'est qu'ils ont la même Bible. Si le Seigneur Jésus vient à cet instant, c'est 99% de ceux qui se disent chrétiens resteront sur la terre. Alors, la question, il dit, je suis allé doucement pour vous me saisissez. Le Seigneur Jésus a dit que je bâtirai mon église. Et nous venons de voir qu'il y a l'église catholique. L'église catholique, maintenant, c'est en plusieurs phases, mais il y a l'église catholique romaine. L'église catholique, vieille, il y a l'église vieille catholique. L'église catholique orthodoxe des sept conciles. L'église catholique apostolique, catholique, ceci, c'est compliqué. Ça, c'est justement sur le catholique. Il y a maintenant les luthériens. Il y a les luthériens réformés. Les luthériens protestants, les luthériens évangéliques, les luthériens éclairés, les luthériens, ainsi de suite. L'église évangélique, c'est encore grave. Pentecôtiste, alors, c'est grave. Les réveillés, alors, il y a réveillés plus bruitiers. Réveillés plus guérison. Réveillés plus prophétiques, c'est fort. Alors, la question, c'est laquelle est déjà Jésus. Il veut que vous répondez maintenant. Sur quelle base vous allez dire à quelqu'un que vous êtes dans le vous ici? Sur quelle base vous pouvez dire à quelqu'un que vous ne marchez pas d'après la vérité? Puisque un pentecôtiste va prendre la Bible, il va dire que hey, shakaya, macho, tout, mama, shaya, ya, ya, ya. Le protestant dirait comme ça que je proteste contre ça. Vous regardez dans la partie 7e, je dis que hein, tu vas à l'église dimanche, tu sais le Dieu soleil. Lui va samedi. Mais à samedi, quand il va comme ça, il ne met pas le pain des propositions. Vous voyez là où on se retrouve, frère. Donc, il croit qu'en allant samedi, il a de respecter le sabbat. La maison où il quitte pour aller, c'est à 2 km. Il prend le taxi pour aller à 2 km. Le sabbat, le jour du sabbat, dit qu'on n'a pas allé à plus de 1 km. Lui, en allant comme ça, en traversant 2 km, il est bien fautif. Vous voyez où on se retrouve là? Alors, la question maintenant, c'est quelle est l'église du Seigneur Jésus? Lui, il répond, c'est ce pour qui il est mort. Donc, tous ceux qui se réclament de lui ne sont pas de lui. 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 et 20, a dit, le Seigneur a ses paroles qui lui servent des sceaux. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Puis la deuxième parole, c'est, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, tous ceux qui me diront, enfin, il a dit ça dans la Bible, tous ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, ces jours-là n'entreront pas. Maintenant, nous sommes dimanche. Dans le monde entier, combien sont en train d'appeler Seigneur? On chante en son nom. Chanter en son nom ne veut pas faire que tu sois dans le corps là. Prêcher même, que ça soit droit, aligné des gestes à l'Apocalypse, ne fait pas que tu sois dans ce corps. On doit naître de nouveau. C'est encore notre père de manche, naître de nouveau. Il dit, c'est encore, il dit, naître de nouveau, c'est un autre problème. Naître de nouveau là. C'est un autre problème là-bas. Tu es né de nouveau. Are you born again? Le thème, c'est born again en anglais. Non, I'm a born again Christian. I'm a born again Christian. Tu parles. Et quoi que si Dieu le permet, on va glisser là-dessus avant de sortir. Alors maintenant, allons-y dans le livre des. Nous sommes dans quoi là? Dans Éphésiens chapitre 5. Continuons, c'est pas terminé. Oui. Oh, de même que. Allons-y, fréquente le micro. Amen. Alors, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Stoppons là-bas. Donc, Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire le papa ici sur lequel on a mis les peintures, d'après la définition du Père, de notre frère. Il dit que Christ aime tellement ça. Christ a dit, ah, je t'aime, bâtiment, c'est... Mince. Et à cause de ce bâtiment, c'est Christ allait à la croix, c'est ça, frère. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est lui-même livré pour elle. Mais c'est quand même terrible. Alors, dans la Bible, donc, il n'y a pas une seule trace d'un endroit qu'on appelle église. Ça se trouve nulle part dans votre Bible. Si ça se trouve nulle part, vous devez admettre que vous et nous, nous avons des problèmes. Parce que nous avons conclu dès le départ que Dieu fait quelque chose, c'est parfait, ça a un but. Si ça ne marche pas d'après le modèle de Dieu, c'est le zombie. Nous sommes d'accord, c'est le zombie, n'ayons pas peur. Si quelqu'un qui naît, quand un enfant naît, l'un n'est pas à la place, donc vous commencez à poser des problèmes. C'est pour ça que vous voyez les spécialistes. Oui. C'est pas ça. Oui, c'est que, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire que son œil se revient à cet endroit, Quand un enfant naît avec trois pieds, vous commencez à dire que, est-ce qu'on peut supprimer le troisième? C'est pas ça. Parce que c'est pas normal qu'il naisse avec trois pieds. Donc il faut qu'on diagnostique que quelque chose ne va pas et qu'on fasse maintenant appeler le spécialiste pour qu'on envoie le rayon X du Saint-Esprit pour couper le cancer qui se trouve dans le corps. Vous êtes d'accord, frère? Alors maintenant, il dit, Marie, aimez votre épouse comme votre femme, comme Christ a aimé l'église, et c'est lui-même livré, il est allé mort à cause de sa femme. Donc, l'église, c'est la femme du Seigneur Jésus. Donc, par définition, ce n'est pas le bâtiment donc, dans ce cas. Nous sommes d'accord. Alors, quand vous, donc, vous ouvrez vos bouches pour dire que je m'en vais à l'église, vous allez dans où? Dans votre tête, vous pensez donc que vous dites quoi? Quelle est l'information que vous donnez? Quand vous dites, je m'en vais au marché, ça veut dire qu'il y a un lieu appelé marché. Donc, vous allez entrer dans ce marché. Quand vous dites aussi à quelqu'un, je m'en vais à l'église, vous dites, ça veut dire qu'il y a un endroit que vous appelez église. En fait, et on vient là-bas. On dit, quand, vous ne me voyez pas, n'est-ce pas? Église frontière globale, tu parles. Décret numéro 0, enfin, numéro 69-AF-41-418 du 20-10-1960. Maintenant, Minvi, j'appelle des vrais adorateurs. Activité de la semaine. Vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez, n'est-ce pas, frère? J'arrive ici dedans. Activité de la semaine, mercredi, étude biblique, 17h30 à 20h. Vendredi, prière, 17h30, 20h. Bon, il n'y a pas lundi. Donc, si le Saint-Esprit est ici, le jour-là, il ne trouve personne dedans. Samedi, prière pour les malades. Si le malade vient plutôt vendredi, il y a un problème. Dimanche, culte d'adoration. Nous sommes en plein dimanche, 9h. Bon, maintenant, il n'y a pas lundi, il n'y a pas mardi. Les gens maintenant peuvent aller à leurs occupations. Ça, c'est l'église. Voici la dimension. Je suis allé ici parce que nous sommes dans les champs. Saluez votre pasteur. Saluez parce que dit pasteur, bonjour. Vous savez, vous êtes en train de rire. Ce que je suis en train de prêcher là, normalement, ce sont des gens qui prêchent l'évangile, qui doivent s'asseoir pour écouter ceci. Ce sont des pasteurs, des apôtres, des fondateurs, des ministères qui doivent s'asseoir et admettre qu'ils ont fait fausse route depuis. On a vu là-bas que c'est église frontière globale. Quand Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, il a dit que je bâtirai mon église frontière globale. Ok. Donc l'église frontière globale se trouve où? Par rapport à l'église que Jésus parlait. Parce que quand vous allez demander à quelqu'un que je m'en vais à l'église, il va dire que ton église c'est? C'est tout naturel qui pose la question. Tu es de quelle? Toutes ces questions et ces choses-là, ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens même. Il dit ça n'a pas de sens parce que c'est incompréhensible. Mais vous voyez les intellectuels, ceux qui ont fréquenté, utilisent ce langage. Votre église est où? Tu dis que c'est là-bas. Quand tu vas venir, tu vas voir une plaque. Église frontière globale. Voilà mon église. Toi donc, tu es quoi? Donc, Christ est mort pour frontière globale. Et les seuls, ça ne va pas ici. On enlève la plaque là, on va faire pas. Mais encore que frontière globale, c'est le truc ici. Voilà. Alors maintenant, la dernière fois, il était question ici que les présidents faisaient fermer, les préfets faisaient fermer les églises. Vous avez les gens se sont réunis, ils disent que les chrétiens se lèvent pour prier pour qu'on ne ferme pas l'église. Vous voyez qu'il y a un problème. Comment on peut fermer l'église? Alors qu'il a dit que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elles. On fait que les chrétiens jeûnent parce qu'on a dû fermer les boutiques. C'est, quand tu ne payes pas les impôts, c'est normal que les impôts cèdent. Le Seigneur Jésus-Christ, son église ne peut pas être fermée. Parce qu'il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Si on met les scellés, ce n'est pas l'église du Seigneur qu'on va fermer, parce que personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut commander, parce que c'est lui qui bâtit son église. Aucun chef d'État du monde, même avec les bombes nucléaires, ne peut pas arrêter l'église. Ce n'est pas possible. En fait, Néron, le plus virulent d'entre eux, a tenté. Il est mort, il a laissé l'église, non? C'est pas ça? Les anciens papes ont brûlé la Bible, ont attrapé les gens, d'ailleurs là-bas, les gens qui se tombent, pour les faire tuer, pour qu'ils ne parlent pas de Dieu. On ne parle pas de Dieu aujourd'hui. Les personnes vont venir, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vient, on va vouloir détruire encore, on ne parle pas de Jésus. D'abord, l'apôtre Pierre, on les a chicotés, on vous interdit de parler encore dans ces noms-là. C'est ça empêche qu'ils parlent. L'Église parlera tant que Jésus-Christ n'est pas encore venu chercher. L'Église subsistera tant que le Seigneur Jésus n'est pas venu chercher l'Église. Personne ne peut rien faire pour cesser cette Église-là de fonctionner. Vous avez maintenant vu la chose maintenant entre l'Église et la chose des hommes, n'est-ce pas? Maintenant, voici la chose. Le vrai problème avec les êtres humains, c'est que on est allé sur une fausse base. C'est-à-dire quoi? Je répercute ce que l'homme m'a enseigné sans regarder le modèle originel. Voilà le point où on se trouve. Parce qu'on a eu la considération pour les êtres humains, leur faire confiance au point où quand il dit, on croit que c'est ça qui est la vérité. Aucun serviteur de Dieu, même s'il est ou n'importe comment, ne peut vous se mettre là-bas. Il dit que l'église est un bâtiment et il s'en sort avec Dieu dans la Bible. Et la Bible nous a dit, pour nous mettre les garde-fous, dans le Proverbe chapitre 30, verset 5 et 6, il dit, n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Moi, je n'ajouterai pas un seul iota dans ses paroles. S'il a dit quelque chose, ça doit être dit de la manière. Je n'en retrancherai pas. Où c'est ses frères? Il a dit que Dieu, quand Dieu va chercher, tout, quand il va juger les gens, toute bouche sera fermée. Sur quelle base donc tu vas venir appeler l'église du Seigneur Jésus que voici son église? Sur quelle base? Alors qu'il lui a dit qu'il est mort pour l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous me suivez, frère? Ok. Donc, le Seigneur Jésus qui bâtit son église, nous sommes d'accord qu'aucune des ce que vous appelez l'église sur la terre n'est l'église du Seigneur. Alors ça devait vous faire frémir là maintenant. Ça devait vous faire frémir. Alors s'il dit bonjour église, qu'est-ce que vous allez répondre? Il dit, s'il dit bonjour église, vous allez répondre? Bonjour. Vous allez répondre? Vous allez répondre? Oui. Good morning church. Good morning. Mais j'ai entendu votre voix. Le bâtiment, ça n'a pas parlé. Vous avez entendu le bâtiment parler? Non. Vous avez reconnu que vous êtes l'église. Le bâtiment n'est pas l'église. Alors, je dis, commence encore. Il n'y a pas de trace de bâtiment dans la Bible appelé église. Ça ne se trouve nulle part. Alors la question c'est, d'où est-ce que c'est venu? C'est ça, là il faut maintenant entrer dans l'histoire pour savoir. Dans la succession des empereurs romains, vous savez, il y a eu dès le départ, comme vous voyez des actes des apôtres, l'église fonctionnait comme en clandestinité. Les gens se réunissaient et ne s'occupaient pas des affaires politiques. Plus les gens grandissaient, quand Jésus était, même quand Jésus lui était là, quand il prêchait, les gens allaient se réunir pour dire que les foules vont là-bas. À ces réunions-là, les foules vont aller à... On a peur que les foules vont là-bas. Parce que, en fait, les rois de la terre croyaient peut-être que le Seigneur Jésus, comme on a dit qu'il est roi, il venait challenger leur royaume. Alors, ce que la Bible déclare dans Daniel là, c'est une main invisible qui va frapper le royaume humain pour établir le royaume de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de Jésus venant sur la terre pour prendre la chaise d'un certain Barack Obama. Ça n'a rien à voir. Mais eux, ils comprenaient ça. C'est normal qu'ils comprennent comme ça parce que c'est le poste d'honneur. Vous savez ça, frère? Si le Seigneur avait subi la tentation et s'était soumis à Satan, Satan lui aurait donné le poste comme ça. Mais il n'est pas là, son royaume n'est pas de ce monde. Il a dit cela. J'arrive quelque part, vous suivez? Alors, je vais vous amener pour voir, pour vous montrer exactement là où ça a commencé à glisser. C'est cette même chose que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Alors, quelque chose est arrivé. Lorsque l'église est née, dans l'acte des apôtres, on va voir cela. Lorsque l'église est née, petit à petit, les empereurs ont commencé à faire dans les réunions de crise pour dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ces gens-ci. Il y aura un monsieur qui va venir faire un projet, on l'appelle Alexandre Sévère. Un empereur va faire, enfin, sa maman avait côtoyé les réunions chrétiennes. Elle a compris, elle a conseillé à son fils que non, ne fait pas de mal à ces gens-là. On a commencé à embrasser les chrétiens maintenant dans la cour royale. Ce qui fait qu'il y avait un projet maintenant, c'est lui qui a eu la première fois la pensée que, ok, maintenant, qu'on laisse ces gens-ci, qu'on les donne des bâtiments. Et à Rome, il y avait plus de 7000 temples à différentes divinités. On a commencé à dire ok, quand les bâtit aussi un temple comme ça, ils commencent à se adorer comme on fait chez les païens. C'est un empereur qui a eu cette pensée. Dans l'église, les apôtres ne connaissent pas ça. Jésus-Christ ne connaît pas ça. Jamais. Ça n'a jamais été de sa pensée. Alors, lorsqu'il va faire, il va mourir, il y a un monsieur qu'on appelle Constantin. Celui qui va venir organiser les choses. Le premier concile de l'église, en 325 à Nicée, c'est lui qui a appelé. Un empereur dit aux chrétiens que venez, on discute sur vos divisions. Vous entendez ça à l'essence, frère? Non, c'est pas ici. Aucun pour naître, un être qui a le pouvoir politique du monde n'a autorité pour dire quoi que ce soit concernant la Bible. Amen. Aucun. Vous savez ce que je viens de dire? Écoutez très attentivement maintenant, écoutez. Je viens de lire le décret là-bas dehors. C'est voilà donc ce qu'on appelle la vente dans la Bible. Quand vous entendez que le sacrificateur doit savoir enseigner, je peux me faire mal comprendre, mais je veux que vous me saisissiez toute votre attention. Écoutez, je viens de dire, aucun être humain sur la terre ne peut stopper l'église de Jésus, comme il a dit, ça c'est un. Deux, aucun être humain sur la terre qui n'est pas de l'église n'a autorité pour dire quoi dans ça concernant la Bible. Aucun. Même si tu es érudit, n'importe comment, tu es disqualifié. Il dit, même si tu es érudit, si tu entends professeur de l'histoire des religions, s'il dit n'importe quoi de la Bible, ça n'a pas de sens pour Dieu. Parce qu'il est disqualifié. Il n'est pas envoyé par Dieu. Même s'il dit que ici le style direct est, c'est son problème. Dieu ne le connaît pas. Dieu doit envoyer quelqu'un ou un de son esprit pour parler de sa part. Si ce n'est pas comme ça, tu es disqualifié. On est d'accord? Maintenant. Alors, aucun être humain sur la terre ne doit dire de l'extérieur comment l'église doit fonctionner. Parce que ce n'est pas l'église terrestre. C'est l'église du Seigneur Jésus. L'église dont reçoit ses ordres directement du ciel. Je ne sais pas si vous me saisissez. L'église reçoit ses ordres directement du ciel. Colossiens chapitre 1 verset 18 dit qu'il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Bonjour frère. Bonjour. Maintenant je l'ai salué. Vous remarquez bien. Avant qu'il étende la main, c'est la tête qui a commandé à la main d'aller. Venez s'asseoir frère. Avant qu'il s'asseye comme ça, la tête lui a demandé à communiquer le pour qu'il puisse prendre position. La tête est le centre moteur de distribution des ordres et de réception. Christ est la tête du corps de l'église. Je ne sais pas si c'est ici. Donc c'est le Seigneur qui donne les commandements à maintenant sur la terre maintenant les êtres humains qui sont ingérés dans les affaires du Seigneur du ciel se sont tournés vers les êtres humains comme Constantin a fait ces choses d'ailleurs il a donc fait mariage entre l'État et l'Église. Ils ont commencé à organiser, gardez bien le mot, à organiser les choses, le fonctionnement. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut que le mariage se passe comme ça. Pour être prêt, maintenant, tu dois devoir faire un an. Ces choses-là, vous ne verrez pas ça dans la Bible. Quelqu'un doit recevoir l'appel directement du Seigneur. Vous ne verrez pas ces choses-là. Alors, il faut qu'on le forme 12 ans pour qu'il soit raffiné. Pourquoi on parle? On doit lire la liturgie d'une certaine façon. C'est pour ça que les prêtres ont un ton de langage. Et ça, c'est entré donc comme ça. On a admis ça pour vrai. Ça a duré longtemps, plus de 1500 ans. Et comme ça a duré, ils portent le blanc. On a comme impression que c'est ça qui est la vérité. Pourtant, c'est le plus mensonge. Alors, leur mensonge a été construit au fil des temps. Elle dit maintenant que, non. Comme Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre, c'est Pierre, il bâtirait mon église. Nous sommes les successeurs. L'évêque de Rome est successeur de l'apôtre Pierre. Un apôtre est un successeur. Non. Dis à ton voisin que la chose de Dieu n'est pas une affaire familiale. Quand tu es apôtre, tu meurs. Ça ne veut pas dire que ton fils va te succéder. C'est ça. Si vous lisez votre Bible dans le livre de 1 Samuel, quand Samuel devait mourir, ce sont les gens de son peuple qui ont dit que tes enfants ne se comportent pas comme toi, tu t'es établi sur nous le juge. Il faut qu'ils consultent Dieu. C'est Dieu qui a dit, Moïse avait deux fils, non? Oui. Vous avez vu un des fils de Moïse aller servir quelque part? Non. C'est Dieu qui a dit à Moïse que va imposer les mains sur Josué. C'est lui qui va faire entrer le peuple. Oui. Moïse n'a pas dit que comme c'est moi, c'est mon ministère, il faut que ce soit mon enfant qui soit là-bas. Mais regardez la Bible, regardez les gens aujourd'hui. Et quand, comme il est pasteur, son fils sera pasteur. Comme le prophète, depuis petit, il prophétise sera prophète. Celui qui est établi est prophète. Il prophétise sera prophète aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas comme ça. Dieu doit appeler. Parce que l'appel de Dieu est prédestiné. Dieu a prévu quelque chose pour lui depuis longtemps. Il va seulement venir manifester. Regardez l'apôtre Paul. Dans Galates chapitre 1, verset 11 à 16, il dit que vous connaissez quel était mon comportement dans le judaïsme, comment je me comportais. J'étais plus avancé, plus que les gens de mon âge. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, ce n'est pas le père de l'apôtre Paul qui a fait quoi que ce soit. Ce n'est pas Gamaliel qui a fait n'importe quoi que ce soit. Dieu l'avait mis à part dès le sein maternel. Il dit d'aimer révéler son fils Jésus-Christ, il ne montait point à Jérusalem pour pouvoir consulter la chair. Quand Dieu m'a révélé, je ne suis pas allé à l'école théologique. C'est ce qu'il en a dit. Vous voyez ça, frère? Alors non, je sors de dire ceci. Je viens de lire ce décret numéro quoi, qui est écrit dans le 96 ainsi de suite. Ça, ce que vous lisez dans la Bible, dans Hébreux chapitre 12, que veillez à ce que qu'il n'y ait pas ces choses d'amertume et que plusieurs en soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait point d'impur, comme Esaü qui pour un repas vendit son droit de naissance. C'est ce que l'Église a fait. L'Église a dit qu'on veille. Jésus a dit qu'on veille à cela. Veillez. Et ça va comme vous lisez la Bible, vous comprenez ce qu'il a dit. Il dit veillez à ce que il n'y ait point de telles choses au milieu de vous que on ne vend pas son droit de naissance. On ne doit pas vendre le droit de naissance. Qu'est-ce que c'est que le don d'aînesse? Dieu a donné la primauté à l'église. Personne ne peut contrôler l'église. L'église allait se soumettre à l'État. Autrement dit, comme on a dit, comme vous avez dit dans ce décret-là, enfin, on va décortiquer des décrets, maintenant vous allez voir quelque chose. C'est comme ça dans toutes les dénominations presque. Maintenant, regardez, comme ce décret-ci est, ça veut dire que depuis le palais de l'unité, le texte et les règlements intérieurs, gardez encore le mot règlement intérieur, stipule que votre fonctionnement, c'est mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Si on veut vous trouver ici lundi, vous êtes coupable devant la loi. Donc, on ne devrait pas organiser un programme qui concerne lundi. Parce que dans votre programme, vous avez limité. Et si Jésus vous dit, non, allez organiser un programme en lundi, vous faites quoi? Tourne-toi, regarde ton voisin. Dis que vous êtes fichu. Vous cessez, n'est-ce pas? Vous allez lire la Bible du début jusqu'à la fin. Prenons particulièrement des actes des apôtres. Vous allez voir que les apôtres fonctionnent dans la liberté du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de campagne d'évangélisation organisée. Le Saint-Esprit organisait ses campagnes d'évangélisation spontanées. La Bible déclare à chapitre 3 que l'apôtre Paul, Pierre et Jean allaient au temple à 15h. Ils ont trouvé là quelqu'un qui était malade. Il s'est tourné, il a regardé. Le type disait que tu n'as pas me donner quoi, tu vas me donner quoi. Et moi, je n'ai pas d'art, je ne marche pas en jet privé. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le type l'a dit, je n'ai jamais entendu ça depuis 40 ans. Lève-toi et marche. Quelque chose ne va pas chez toi. Je me lève, comment j'ai marche. L'apôtre Pierre a pris sa main, vous allez lève-toi. Son pied, c'est tout. La Bible déclare, il est en dehors de temps, il était derrière, que gloire à Dieu. Il a oublié de mélanger son argent là-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La campagne d'évangélisation a commencé là-bas. À cause de cet acte-là, 5000 personnes ont cru. Amen. Sans publicité. Amen. Sans annonce à la radio. Amen. Sans affiche. Sans thème. Parce que maintenant, les pentecôtistes sont trop forts. Voici des exemples pour chercher l'argent. C'est le moment de ta victoire. Ça, c'est un autre thème. Entrer dans ta portion, c'est un autre thème. Ta destinée change. By fire, by force. Viens et prends ça. Viens et à passer seulement en vue, vous allez voir. Nuit de la destinée où tout doit changer. 31. Vous, enfin, même vous le voulez ou pas, vous êtes conditionné comme ça. Les gens ont trouvé comme ça. 31. Vous allez voir, chacun est sérieux le 31. Tac, depuis la maison, les gens ne sortent plus, même ceux qui devaient ne boivent pas, parce qu'il faut qu'ils traversent le 31 au premier. Et tu ne verras jamais où ça se traverse. Ou tu ne verras pas ça. Quand je traverse le 31 au premier, je traverse bien avec Dieu. Donc c'est le 31 au premier. Et le 2, il est dans le péché. Le 2, il est dans le péché. C'est quel genre de vie comme ça? Et c'est la nuit de la traversée. Demande ton voisin, tu traverses, tu vas où? Tu traverses pour aller où? Non mais c'est quand même terrible ça. Lorsque les Juifs ont traversé la mer Rouge, depuis ils sont encore rentrés en Égypte. Ceux qui ont murmuré sont tombés là parce qu'on traverse pour aller. Depuis que vous avez quitté le monde, vous avez traversé maintenant pour entrer chez Dieu. La destination c'est le ciel. Il n'y a pas un autre pont à traverser. Vous avez déjà traversé. Enfin, si vous avez traversé, vous êtes en route pour le ciel. C'est le ciel qui nous attend. La nuit de la traversée, c'est pour aller vous tuer. Donc, faites attention avec les choses, les inventions humaines. Avec les inventions humaines. Vous devez être au niveau où vous allez confronter la réalité que vous avez à la vérité qui est la Bible. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, le décret présidentiel veut dire l'État peut décider que tu arrêtes. Vous savez ça? Oui. Ça suppose que la personne qui t'a donné l'autorisation, je t'autorise à ouvrir. Il peut dire, je t'autorise maintenant à fermer. Je te commande de fermer. Et s'il dit ça, qu'est-ce que vous allez dire? Je pose la question. S'il dit maintenant que, ok, tous les. Je vais vous dire quelque chose. Je suis allé à la Sûreté Nationale. On m'a invité à la Sûreté Nationale à Yaoundé. Il y avait les commissaires principaux positionnés là-bas. Il a dit, tu es de quelle église? Il leur a dit que si je parle, tu ne comprendras pas. Le commissaire principal m'a demandé que tu parles en quelle langue? Il dit, bien, si je parle, c'est en français, mais tu ne comprendras pas. Il dit que parle toujours. Il dit que j'appartiens à l'église du Seigneur Jésus. Il ouvre la fiche, écoutez très attentivement mes chers amis, il ouvre la fiche qui est devant lui, dit, ah, je vois ici église. Il dit, non, ce n'est pas de là où je dis. Là, c'est une dénomination. Je dis, je parle de l'église du Seigneur Jésus. Il ferme encore la fiche, il me demande, mais tu parles même de quoi au Jésus? Il dit, c'est pour ça qu'il te dit, c'est pas, tu ne comprendras pas. Le Seigneur dit qu'on ne donne pas les choses saines aux chiens. Il ne comprendra pas. Pourtant, il est un monsieur qui a fréquenté en Europe, il a eu des diplômes, mais il ne comprendra pas. Voici ça que nous sommes de voir ici. Vous voyez que c'est difficile, pas vrai? Il a ouvert les fiches là-bas. Il s'en a dit quelque chose qui est en train d'arriver. C'est ce qu'ils m'ont dit là-bas. Il a ouvert les fiches. Il m'a montré du quoi. Il a montré c'est combien là les gens qui sont en règle au Cameroun comme dénomination. Même les Rosicruciens sont en règle. Il dit les Rosicruciens sont en règle. Les témoins de Jéhovah sont en règle. C'est en règle qu'ils sont en règle de cette façon-là. Alors, il m'a montré sur la fiche les gens qui sont en règle. Il dit que toi, donc, tu es où? J'ai dit que j'appartiens au corps de Christ, pas ce qui est le corps de Christ, le corps mystique du Seigneur Jésus. Il m'a encore regardé la poussée, les verres, comme ça, il m'a regardé que le garçon s'y parle de quoi. J'ai dit, ok, je vais essayer au mieux pour t'expliquer pour que tu puisses comprendre, mais je sais que tu ne dois pas comprendre. Le Seigneur Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. C'est de ça dont je viens de parler. Il dit, ah, donc vous fonctionnez dans la clandestinité. Il dit que toi, tu dis que je fonctionne dans la clandestinité. J'arrive, écoutez ça attentivement. Il dit, je vous pose une question simple. Si je suis chez moi, avec ma femme, parce que je vous ai dit là ou deux ou trois, je suis en train de parler, parce qu'il a dit que je fonctionne dans la clandestinité. Il vous faut l'autorisation. Il dit, je sers ma femme à la maison. Il dit, chérie, bonjour. Il dit, bon, elle dit bonjour. Il dit, le Seigneur Jésus est bon. Parce que ça ne parlait de lui. Parce que je dis, là où on parle de son nom, il est haut. Donc ça veut dire, pourquoi il dit que le Seigneur Jésus est bon? Cette nuit, il nous a protégés. Il ne faut pas demander l'autorisation. Il faut la foi. Il faut délivrer les gens ici. Ça veut dire que pourquoi tu parles du Seigneur Jésus, il faut l'autorisation. Non, mais c'est terrible comme chaîne que vous avez enseigné. Vous avez enseigné là-bas. Alors, il dit qu'il faut l'autorisation pour parler. J'ai dit, ok, depuis que je suis entré dans ces bureaux, on parle de Jésus. Donc vous et moi, nous sommes ici là. Nous sommes dans la clandestinité parce que nous avons parlé de Jésus depuis que nous sommes ici. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu. Donc, monsieur le commissaire principal, vous n'avez pas demandé l'autorisation. Parce que pourquoi tu parles de Jésus, va d'abord demander l'autorisation. Quand tu dis, on s'assomme maintenant, on dit qu'on parle de Jésus. Ça a un sens, frère. C'est ce que l'église a fait. C'est ce que l'église a fait. Alors il m'a dit que plusieurs personnes se sont griffées. Parce qu'il leur a posé une question claire. Comme j'ai vu ici sur cette plaque-ci. Vous allez voir la majorité des plaques Mevipac. Vous savez, je ne sais pas ce que veut dire Mevipac. Vous voyez une plaque, on met CBC, décret présidentiel de 1979. Donc c'est Aïdjo qui a donné ce décret présidentiel. Ça, c'est CBC. Puis vous voyez en bas maintenant, foi cathédrale de la foi. Donc, cathédrale de la foi est récente. Ça n'a même pas encore 10 ans. Non. Mais il y a un décret présidentiel de 1979. On est dans le mensonge là. Amen. C'est le mensonge. Vous êtes identique à l'église catholique. Amen. L'église catholique manque que sa fondation, c'est Matthieu 16. Matthieu 16 parle de l'église catholique. Non. Il dit que c'est Christ a donné l'autorité à Pierre. Pierre est le premier pape. Pierre est le premier pape. Non. Pierre n'était pas marié. Pierre était marié ou pas? Il était marié. Vous pouvez voir Pierre avec la robe blanche comme ça? Non. Dans les voitures à protéger? Non. Vous avez vu qu'on a chicoté un seul pape? Non. Vous avez vu qu'on a chicoté un seul pape parce qu'il parle de Dieu? Non. Pierre lui n'avait pas l'habitude d'être chicoté. Il faut la délivrance au pape là même aussi. Amen. Alors je pose la question. Il faut qu'on sache qui on a desservi. Donc vous dites décret présidentiel CBC, Christian Cameroun Baptiste ou Convention, je sais quoi. Mais en bas on voit cathédrale de la foi. Cathédrale de la foi a été inventée. Dans les années 2000, quelque chose comme ça. Mais le décret présidentiel, c'est 1979. Ça doit vous faire tiquer. Ça doit vous faire tiquer parce que je viens, donne un peu ton autorisation. Tu me donnes. Je pose la question. Si Christ te demande, tu as l'autorisation, tu vas dire oui. Ton autorisation porte le nom de qui? N'est-ce pas là, tu auras la bouche fermée, frère? Oui. C'est le mensonge. Tout le monde pointe le doigt vers quelqu'un dit, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Donc, les dénominations qui fonctionnent sans fondation sont... Je vais dire ceci. Même dans le mensonge, ils mentent dans le mensonge. Parce que déjà qu'ils appellent que leur lieu, c'est l'église, qui est déjà un mensonge, avec cette chose-là, ce mensonge, ils partent pour chercher l'autorisation. Ils disent, c'est fort, ils mentent encore. Donc, double mensonge. L'église catholique est sérieux dans son mensonge depuis plus de 1900 ans. Elle n'a jamais avancé. Son mensonge est maintenu. Oui, elle a trouvé son verset. Elle s'attire là-dessus depuis. Elle dit que l'apôtre Pierre, c'est le premier pape. Qui sont les successeurs apostoliques? Vous regardez dans votre Bible, vous voyez que le seul apôtre qu'on a succédé, c'est Judas. Amen. Donc, ça veut dire que ce sont les successeurs de qui? De Judas. C'est parce que vous comprenez. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Le policier, il m'a dit, j'ai dit, quel est le cas de cette personne? Parce qu'il connaît que c'est mauvais d'après la Bible. Les gens ne peuvent pas comprendre ceci. C'est quand la persécution va venir qu'ils vont saisir de quoi il est question. Quand la persécution va venir sur l'église. Parce que Dieu va les réveiller. Alors, lorsque j'ai posé la question au policier, il m'a dit qu'en fait, ils sont en train de travailler sur ces dossiers. Ils connaissent tous ceux qui sont dans le faux. Donc, il dit que les gens qui font le truc, il y a les affiches des pôles derrière. Il dit qu'au premier, pour le chef d'État, il dit que c'est les histoires. Le pôle ne le connaît pas. Quand ils se rassemblent, ils sont nombreux, mais ils enquêtent parmi. Les policiers sont parmi en civil. Oui, ils dansent comme ça, ils donnent le rapport. Ils savent tout ce qui se passe. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ses frères. Donc, les agents secrets les suivent chaque fois. Ils sont là, ils sont contents, ils sont contents. Quand tu es armé avec le colonel, tu vois, tu t'affiches avec le colonel, tu t'affiches avec le gouverneur. Quand ça touche la présidente, le gouverneur n'a pas de pouvoir. Le gouverneur n'a pas de pouvoir. Ça va tourner, ça va arriver sur son bureau. Celui-là, comme il était un grand sataniste, c'est lui qui prend le décret que son père déclare. Les gouverneurs vont seulement exécuter. C'est ça, frère. C'est pour ça que l'autorisation, c'est là-bas que ça vient. Vous allez voir, les gens vont dire que nous avons le ministre qui est ici, ça ne fait rien. C'est le ministre, c'est le nom. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Jésus est venu, il n'avait pas besoin de l'amitié des Hérodes. Amen. Il n'avait pas besoin de relation avec Pilate. Amen. En fait, il est même venu créer l'amitié. Comme il est, c'est un ministre de réconciliation. Il est venu, quand il est venu sur la terre, Hérodes et Pilate étaient dans le désordre depuis. Oui. À cause de lui, les gars sont réconciliés. Alléluia. Amen. Il est venu créer la réconciliation, la paix. Il est venu, les gens qui voulaient le se sont entendus. Se sont entendus, amen. C'est pas si vous comprenez, frère. Oui. Donc, ne nous entendons pas pour tuer le Seigneur Jésus. D'accord, frère? Amen. Marchons comme il a marché. Alors donc, l'Église, lorsque l'Église a quitté d'être le corps physique du Seigneur Jésus, les êtres humains, pour être dans le bâtiment, c'est tout naturel qu'on commence à fonctionner comme association. Et qui dit association dit liberté d'expression, dit loi de décembre 90 et ainsi de suite, pour, par rapport à l'association, la formation de l'association. Maintenant, personne, s'il veut créer à avoir ce décret présidentiel, ne fonctionne sans les règlements intérieurs et les statuts. Nous sommes d'accord? Oui. Il dit les associations. Pourquoi on t'enregistre comme tel, quand tu fais un dossier pour demander de déposer à la préfecture, il faut que tu aies un dossier constitué des statuts internes de la chose, de la structure. Oui. Pas vrai? Et le règlement est, on doit savoir si c'est à but lucratif ou non lucratif, si c'est à but politique ou apolitique. N'est-ce pas? Je pose la question. Le règlement intérieur des chrétiens, c'est quoi? Le règlement intérieur des chrétiens, normalement, c'est quoi? Le règlement intérieur des chrétiens devrait être quoi? Soulevé. Donc, voilà donc notre règlement intérieur, notre star. L'apôtre, notre grand prophète David dit, il dit que j'observe ta statue. Voilà le statut de Dieu là-bas. C'est ça, n'est-ce pas? Voici l'un des statuts. Quel pas y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Voilà un statut des statuts. C'est un article des statuts. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Voilà un autre statut. Ne vous mettez pas sur un joug étranger. Voilà un autre statut. Voilà le statut de notre règlement intérieur. Alors maintenant, un chrétien va porter dans cette Bible-ci, il va envoyer un mondain, un juriste, que conçoit moi un règlement intérieur pour les églises. Vous voyez, là, on en est frère. Avec ça, il n'est pas déposé pour avoir l'autorisation. Un bout de papier, parce qu'il a peur d'être persécuté. C'est ça le problème. Donc, il a fait donc exactement ce que la Bible appelle vendre son droit de jeunesse. C'est une chose terrible. Il n'y a pas plus terrible que chute que l'église a fait que de s'allier à une entité physique mondaine pour avoir l'autorisation pour qu'on lui dise maintenant fonctionnez comme ça. Curieusement, cette Bible l'a dit dans ce livre de Romains chapitre 13 que vous devez respecter les autorités établies. Et les autorités établies disent que on ne veut pas que vous criez. Et si le Seigneur vient, toi tu veux crier, tu vas faire comment? Dans Actes chapitre 4, on a chicoté l'apôtre Pierre et Jean jusqu'à leur interdit de ne plus parler en ce nom-là. Là, ce sont les autorités établies depuis le ciel. Pas vrai? Il a dit que vous-même que vous êtes là. Jésus est convenable de vous respecter ou bien de respecter votre ordre plutôt que Dieu. Donc les autorités sont établies. Ils sont établis, ils ont les limites de fonctionnement. Amen. Et souvenez-vous, lorsque vous avez une limite de fonctionnement, quand un préfet a une limite de territoire, le gouverneur est plus large que lui. Amen. Notre roi, notre commandant commande l'univers. Amen. Vous êtes ici à Douala dans ce quartier, si le chef de quartier continue votre zone, il est qui devant le roi des rois? Le président du pays est qui devant le roi des rois? Le président de l'Amérique est qui devant le roi des rois? Les Nations Unies sont qui devant le roi? Jésus les a laissés tranquilles. Il a dit que les portes du séjour des morts ne peuvent donc point contre l'Église. Parce que c'est le séjour des morts qui dirige le royaume. Le royaume de ce monde, c'est coronné par les cohortes du séjour des morts. Alors la question maintenant, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous allons aller vendre le droit de naissance au point que c'est eux qui vont nous contrôler. Et nous sommes dans le mensonge. Vous dites Global Ministry, quoi, Église de Global Frontier Globale. Ça a été créé quand? En 1969. Mi vie, chapelle des vainqueurs. Ça a été créé quand? 2011. Ok. Décret, je vais voir décret numéro. Décret numéro 69, /AF/418 du 20. 10 1969. Il y a problème. Je continue à parler, frère. Oui. Il y a problème. Il y a déphasage. Ça, c'est pas avec Dieu encore. Il y a déphasage entre vous et l'État. vous êtes dans le mensonge. C'est comme ça dans la majorité. Pour les mévipas, vous allez voir partout, mévipas, palais de la gloire, mévipas, cathédrale de la foi, mévipas, c'est vous êtes le même décret. Quelqu'un allait prendre le décret, mais là il fait le commerce avec. Il dit que vous, vous avez votre offrande, chaque mois il attend une offrande. Celui qui avait eu son autorisation, il garde ça, il s'assoit à la maison, le ventre grandit. Parce que l'autorisation c'est une denrée rare. Amen. Maintenant il ne fait plus le travail. Vous faites le travail, ça t'amuse, il enlève son décret. Parce que celui qui a le décret présidentiel maintenant. Sortez du mensonge. Amen. Sortez Amen. Du mensonge. Amen. Vous n'avez pas le. Ça, c'est, quand on dit le ventre doit donner, ça suppose que l'église a peur de la persécution. Il dit que si on fait comme ça, parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus aller en prison. On ne veut plus passer par les difficultés. Mais on cite l'apôtre Pierre, on cite l'apôtre Paul. Leur vie quotidienne était des difficultés. On veut être ami de l'État. Par conséquent, si les gens préparent leur sermon pour parler sur la correction, le gouverneur tel vient dans l'église ces jours-là, on parle de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Dieu aime tout le monde. On ne regarde pas. Hein? Même si tu es n'importe comment, sache que Dieu t'aime. Parce qu'on a peur de parler de corruption, parce qu'ils sont corrompus. Que Dieu me mette devant ces gens de personnes, il va regretter pourquoi il a mis les pieds là-bas. Je vous le dis, c'est l'occasion de parler de Dieu. Amen. Les gens sont là, ils disent non. Cherchons ce qui concourt à l'amour. Si vous n'aimez pas quelqu'un en lui disant pas la vérité, si quelqu'un est allé en enfer, tu dis Jésus-Christ t'aime. Tu ne dis pas comment l'amour ça se manifeste. L'amour se manifeste par s'il t'aime, quitte la voie du péché. Parce que quand il t'aime, il va toujours te châtier parce que son amour et sa justice vont de pair. Vous cessez ça, frère. Donc, on s'est trompé et les gens ont pris de faux modèles. Les gens ont commencé à concevoir les modèles. En fait, s'ils parlent de l'histoire des dénominations, comment les satellites sont nés, comment, pourquoi les protestants sont sortis et comment c'est allé, prenez la dernière église qui vient de se former maintenant, alors qu'on en a parlé. Vous prenez vous. Parce que quelqu'un va former sa dénomination parce qu'il est sorti de quelque part où il n'a pas été d'accord. Et quand il va sortir, quelqu'un ne sera pas d'accord, un jour va aussi sortir pour former sa part. C'est comme ça que les dénominations naissent. Parce que quand quelqu'un va voir que l'honneur est à l'homme de Dieu là-bas, il dit mince. Moi aussi, je désire cet honneur. S'il avait amené 5 personnes à la maison, il le passe maison par maison. Il dit, qui t'avait amené là-bas? Et c'est toi. Je suis ton père spirituel. Il part chez l'autre. Qui t'avait amené là-bas? Moi, je suis son père spirituel. Il sait que maintenant, il peut commencer devant au moins 5 personnes. Après maintenant, chaque dimanche, bien-aimé, Dieu nous a. On est là, on met le nom de Dieu. Dieu nous a inspiré qu'on forme cette œuvre-ci aujourd'hui. Commençons maintenant à aller amener vos voisins. Amener... Écoutez, l'église, ce ne sont pas le voisinage ni le copinage. L'église, ce n'est pas le voisinage ni le copinage. C'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée des saints, frères. Prenez votre. Si vous lisez votre livre dans le livre des Jean, parce que les gens ont dit, ils veulent flatter. Ils disent, quand vous laissez les gens périssent dehors, s'ils périssent, qu'ils périssent. Toi qui les as créés, tu peux les sauver. Bon, en leur faisant venir là-bas à l'église, entre guillemets, ils les sauvent. C'est l'œuvre, c'est le cadeau le plus dangereux que vous pouvez donner à quelqu'un. Ça. De l'inviter à l'église. Comme vous dites. On n'invite pas quelqu'un à l'église. On ne peut pas. Parce que c'est Christ qui ajoute à son église ceux qui sont sauvés. Amen. C'est quand même bizarre ce que j'en ai dit. Mais c'est la vérité. C'est Christ qui doit ajouter à l'église ceux qui sont sauvés. Alors vous allez dans Actes Apôtres chapitre 13. Non, en venant, invite tes voisins, invite tes voisins, invite tes voisins, invite... En fait, c'est pas ça, c'est qu'on cherche comment le panier d'offrande va gonfler. Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire verset 46 à 48. Qui a le micro? Actes, chapitre 13. Vous qui avez le micro, lisez. Vous êtes froid, vous voulez qu'il parte déjà, rentre? Vous voulez qu'il rentre déjà, frère? Pourquoi vous ne parlez plus? J'ai même pas encore commencé. Hein? Ok, vous voulez la vérité alors. Acte 13, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 46 et 48. Allons-y. 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est en vous, premièrement, que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais, puisque vous le repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici. Nous tournons vers les païens. 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. J'aime la parole. Vous lisez comme ça, si vous voulez effacer, c'est là dans la Bible. L'apôtre Paul, il dit qu'il allait prêcher aux Juifs. Les Juifs étaient toujours comme ça de faire le besoin. Il dit, ok, comme vous vous jugez indigne à la vie éternelle, Dieu nous avait envoyé chez les Juifs, parce qu'en fait le salut vient des Juifs. Il dit, ok, maintenant, Dieu nous a ordonné d'aller chez les païens. Il n'a pas dit que tous les païens vont croire. Il a dit que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, s'ils ne sont pas destinés à la vie éternelle, bavarde comme tu bavardes, ils ne croiront pas. C'est la Bible ça. Il dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il a remarqué bien qu'il ne les a pas invités à l'église. Ils étaient là pendant que Pierre, Paul était en train de parler aux Juifs. Quand il s'est tourné en disant que la lumière va aller chez les nations en entendant ça ont cru. On n'a pas eu besoin de leur expliquer que faut que tu donnes, viens ici avec tes voisins. Ils ont entendu ça, ils ont cru. On dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. On n'a pas dit que tous les païens ont cru là. On a dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Je ne sais pas si vous comprenez, mais aujourd'hui, on amène tout le monde. Le mari sous là, le marabout, on l'amène. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est dangereux pour lui. Parce que quand il va venir s'asseoir, il va commencer à avoir le langage chrétien. On dit Amen. Amen. Amen. Amen. Oui, par réflexe, il va dire Amen. Il va sortir, il va dire Amen. Il dit, je sais que là-bas, quand on dit Amen. Amen. C'est pour ça que vous comprenez. Alors, il va aller au Nigeria, vous allez voir. Si vous allez au Nigeria, j'ai vu des choses. Vous voyez quelqu'un en plein midi bagarre avec son frère, poursuit le frère avec le bâton, comme ça, ah, pam, pam, pam. À midi, tous les gens s'assortent comme ça, ils mettent dans la cour pour prier. Je suis à l'étage, j'ai le gars dit, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Mais le garçon, s'il fumait tout à l'heure, en tapant sur son frère. Mais tous ont le langage chrétien. Brother God, thank God. Glory be to God. You must be born again. Vous parlez des choses ici. Yo. Le Seigneur dit, observe, you must be born again. Tous ont le gars. Le film nigérien, à la fin, c'est glory be to God. Même si on a monté les seins là-bas dedans. Même si il y a des positions, on a fumé. Glory be to God. Il n'y a pas de gloire pour Dieu dans le péché. Il n'y a pas de gloire de Dieu dans le péché. La Bible déclare sainteté à l'Éternel. Si vous vous invoquez le compère, celui qui juge sans accession de personne, conduisez-vous avec circonstance, avec sainteté pendant le temps de votre pèlerinage. Au Nigeria, donc c'est ce que vous voyez. Alors, j'étais là-bas et prêchais aux gens. You don't have to look at a woman like this. Et les brothers, parce que les gens ne causent avec lui. Une fille passe comme ils font, ils balancent de faire pour séduire. Il oublie ma conversation avec lui. Il se perd dans la nature. Il nous la bouche comme ça, il l'accompagne. Il dit, brother. Don't look at this, it's a sin. Il dit que maybe in Cameroon that you are strong if your type of gospel is street tough. L'évangile ne peut pas changer. Pour changer de pays, c'est la même chose qui est écrit dans la Bible. Le niveau de sainteté est identique pour tout le monde. C'est pas qu'au Cameroun, il faut que les gens vivent dans la sainteté. Là-bas, on vit n'importe quoi. C'est plus dangereux pour une nation qui se dit nation chrétienne. Parce qu'on va avoir le langage chrétien sans être chrétien par nature. On va côtoyer les choses de Dieu sans être parmi. Et par conséquent, on va être supplié. Ou de manière n'importe quel Nigérian. C'est pour ça que vous allez aller au camp Yabas, ils vont là-bas. Vous allez voir, chacun a eu les autocollants des différentes églises qu'ils ont collés là-bas. Chacun, n'importe qui. Mais il est prêt à te vendre une fausse pièce. Il est prêt à te vendre une fausse pièce. Il est prêt à te donner un faux billet, à te frapper. Mais en chantant, you are the glory. God, you are the pillar that hold my life. Pendant qu'il parle en ça, là, tu es sûr que c'est un chrétien, alors qu'il a été traité bien même. Alors, quand je suis allé au Nigeria, je suis rentré dire à mes frères, c'est que quand quelqu'un rentre du Nigeria, s'il dit glory be to God, alléluia, dort avec lui avec un œil ouvert. Il est plus dangereux que quelqu'un qui ne parle pas de Dieu. Je vous le dis, vous riez, vous allez le côtoyer. Quand il vient ici pour prendre votre argent parti, il ne vient pas pour blaguer. J'étais là-bas, il y a un autre, on l'appelait Pasteur Johnson. Il m'a demandé que Brother Junior US. Where is the city capital of Cameroon where there's more density and where they make commercial issues? Je l'ai regardé, quand il a regardé, compris son plan. Parce qu'il voulait comme ça la zone commerciale pour venir ouvrir son église. Parce qu'au Nigeria, c'est serré. Le championnat est serré. Il faut que tu aies une de puissance pour pouvoir avoir aussi des personnes. Alors il cherche comme ça au Cameroun pour voir où il peut s'implanter. Je l'ai regardé. Il a dit qu'il faut come, I'll lead you to Loom or to Tombe. You go there. C'est là où il n'y a pas de gens. Comme ça, tu vas aller prêcher. On a dit qu'on va prêcher les gens à toute la création. Pourquoi ils cherchent seulement le centre commercial? Là où il y a le commerce, parce qu'ils cherchent là où il y a l'argent. La cupidité, c'est le mobile de toutes ces choses comme ça, on va le voir. C'est le mobile de tout cela. C'est le mobile. Mais l'église, c'est que ce n'est pas comme ça. On vient là-bas dans l'église, naissante par la repentance et la conversion à Dieu. C'est comme ça qu'on vient. Beaucoup de personnes dont sont venues avec les convictions. Vous voyez, les francs-maçons, ça sert à l'église aujourd'hui. Les recrutants s'asseyent là-bas aujourd'hui avec les pins. On chante des cantiques, Ils sont de grands donateurs pour l'œuvre des celles de domination. Ils chantent des cantiques avec eux. Mais on ne peut pas prêcher que vous servez de diable. D'accord, frère? On avance maintenant. Allons-y dans le livre des. On s'est arrêté dans quel livre là? Actes des Apôtres. Rentrons dans le livre des Éphésiens au chapitre 5. C'est là où on a commencé. Donc, souvenez-vous que toute dénomination qui fonctionne sur la terre, Dieu ne les connaît pas toutes. Parce que si Dieu connaît une, alors vous devez dire que ça c'est l'église du Seigneur. Jésus-Christ a dit qu'il bâtira son église. Et maintenant, la révélation c'est que dans tous les endroits là, ceux qui sont nés de nouveau, ce sont eux là qui appartiennent au corps de Christ. Venir avoir un miracle pour des dieux ne veut pas dire que tu es son enfant. Écoutez très attentivement, que ça soit bien clair. Venir avoir une guérison, une prophétie, c'est la manifestation spirituelle pour glorifier le nom de Dieu. Ça ne fait pas de toi un membre à part entière du corps. Souvenez-vous bien de cela. Souvenez-vous bien de cela. Souvenez-vous que quand vous avez une grâce spirituelle, vous avez obtenu de Dieu. Parce que Dieu dit qu'il fait pleuvoir sa pluie sur. Il fait lever son soleil sur les justes et les méchants. Ça ne fait pas qu'il soit de ses enfants, non. Il donne ses bontés, ce sont ses grâces. Mais pour ce qui est de sa sainteté, ça ne badine pas. Vous devrez être pur. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Continuons, verset 25. Éphésiens 6, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 6. Afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Verset 7. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mon frère, arrêtez. Vous avez vu ça, le niveau là? Vous avez vu le niveau? Donc, allez chanter les cantiques, payer les offrandes, ce n'est pas ça le problème. Dans psaume 50, sous le psaume 50, verset 7 et suivant, jusqu'au verset 10, il dit que Israël, ce n'est pas pour tes sacrifices, tes holocaustes que je t'ai fait des reproches. Ça n'a rien à voir, c'est pas à cause de cela. Il dit que je veux que tu offres des sacrifices, des actions de grâce à Dieu et que tu donnes des promesses et que tu les accomplis. Ici, la Bible déclare que Christ a donné sa vie pour cette église-là dans l'optique de la purifier. Donc l'église était non purifiée parce qu'elle sort d'une nation, d'une souche souillée. Parce qu'en réalité, l'église est sélectionnée parmi les hommes qui étaient jadis pécheurs. Il a pourvu à l'eau du nettoyage, le Seigneur Jésus. Il a pourvu à l'eau du nettoyage. Il a donné. Il a mis en disposition ce qui doit nettoyer l'église pour que l'église soit conforme à ce que lui il veut. C'est ça. Il dit afin, dans le but, quand l'eau là est sortie pour nettoyer l'église, la purifier par l'eau de la parole, il dit afin de faire paraître, donc quand ça sera purifié comme il veut, il dit que cette église va paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Gardez le mot, irrépréhensible. Donc vous tolérez le péché, c'est votre problème. Tolérer n'importe quoi, c'est votre problème. Apocalypse chapitre 22, verset 18-19 dit que je le déclare à quiconque entend les paroles de livre de cette prophétie. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. C'est ce qui est écrit, frère. Alors maintenant, le Seigneur Jésus avait dit que tant que le ciel subsistera, il ne sera pas ôté un seul iota de cette parole-ci. On ne doit pas ajouter le i. Les gens n'ont pas ajouté i, ils ont ajouté des livres. Ils ont dit à Jésus qu'on s'en fout de toi. Jésus avait dit que si on enlève « i », il va avoir à rendre compte à Dieu. Des gens n'ont pas ajouté « enlever seulement « i », ils ont enlevé des livres. Des gens n'ont pas ajouté « i », ils ont ajouté des livres. Non seulement des livres, mais des documents humains au point où, dans certaines dénominations, ces documents-là sont priorité par rapport à la Bible. Vous voyez les gens, ils partent le temps. Réveillez-vous. Il a comme ça endormi. Il dit « réveillez-vous. » Il dit « présente les réveillez-vous. » Il ne connaît pas ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez les gens. Quand les gens qui ont des fondateurs de ministères dont les serviteurs sont morts depuis, ils sont derrière, ils sont écrits. Ils lisent toujours là-bas. Un peu comme une mère poule peut aller quelque part où vous mettez le maïs pour qu'il mange. Il mange le lendemain matin, vous voyez, ce phare-là, il continue toujours à manger. Et la Bible déclare que les bontés du Seigneur se renouvellent de jour en jour. On est toujours dans les vieilles nourritures. Les vieilles nourritures. Réveillez-vous. Il est endormi. L'église réveillée, on a dit maintenant, église réveillée parce qu'ils font des bruits. La différence, c'est parce qu'avec l'église, c'est parce qu'ils font des bruits. Les appelés chanter mille pistes plus tripus tous santos. Alors que l'église réveillée dit que si vous ne dansez pas ici, vous dansez ailleurs. Voilà ce qu'on appelle l'église réveillée. Dis à ton voisin que dans la Bible, il n'y a pas de trace de l'église réveillée. Voilà. Il n'y a pas ça. D'accord? Donc les gens ont cru maintenant que quand tu dis en référence que j'appartiens à une église réveillée, ça montre que tu es de Dieu. Ça n'a rien avoir. La question maintenant, c'est est-ce que tu es né de nouveau? C'est là le problème. Quand tu es né de nouveau, tu appartiens là-dedans. Et donc, la vie sera conséquente de la nouvelle naissance. D'accord, frère? Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Vous êtes prêts à suivre la parole du Seigneur? Vous êtes prêts à suivre la parole, à marcher comme il veut? Alors donc, quittons les faux modèles. Quittons les faux modèles. Vous allez voir le principe du Nigeria maintenant, c'est ceci. Et c'est ce langage qui est en train d'entrer les chrétiens. Vous entendez? This one is the wonderful man of God. He has just dedicated the largest Torah in the world. C'est la présentation de l'homme. On a peut dire que waouh, le titre a été proche de Dieu. Et Dieu devant lui, il ne connaît même pas. On l'appelle General Over. Regardez-moi maintenant, le temps que vous trouvez votre colossien. Regardez-moi, regardez bien mes yeux. J'ai mes verres là-bas, je ne prêche pas avec les verres ici, là maintenant. General Overseer, c'est quoi dans la Bible au juste? Ça veut dire quoi déjà, General Overseer? Celui qui voit plus loin. Donc il est le Saint-Esprit alors. General Overseer, donc le général qui voit au-dessus de tout. C'est quel poste dans la Bible? C'est quoi au juste? Quand vous dites, voici le général Overseer, ça a quel sens biblique? Quelqu'un vient, il peut demander un camouflage militaire, il dit que je suis le général des dieux. Il sort d'où? Général des dieux, colonel des dieux, le grand apôtre, ça sort d'où au juste? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il y a des choses de l'homme, il y a des choses de Dieu, et Dieu a placé les choses, chaque chose à sa place. D'accord, frère? Maintenant, vous voyez aujourd'hui, vous avez, cette femme-ci, elle est ancienne d'église. Même les femmes sont arrivées au niveau des bishops. Vous voyez les femmes aujourd'hui avec l'école pastorale. L'école pastorale, dont vous voyez, c'est venu en 1600. C'est en 1600, 1900, en 1600 que c'est venu. C'est en train de mettre l'église. La référence maintenant, c'est que pour qu'on te regarde comme un vrai pasteur, vous voyez, vous allez chez lui, vous le voyez, il met ça. Quand vous entrez, vous voyez ça, pour savoir qu'il est pasteur. Il a son diplôme de faire des formations ici. D'autres, ils ont négocié seulement pour qu'on leur fabrique ça rapidement. Alors, d'autres, maintenant, ils ont la touche pour montrer qu'il est pasteur. Frère, vous avez vu ça dans la Bible? Tout le temps, avec quelqu'un dit sortons de Babylone. Sortons de Babylone. D'accord? Tout ça, c'est ça de l'église catholique. C'est l'église catholique qui a commencé à donner la robe comme dans l'église de Babylone fonctionnait. L'église chrétienne, quand Jésus-Christ était au milieu de la foule, on dit qu'on cherchait à savoir qui il était. Parce qu'on le savait, il s'habillait comme tout le monde. Aucun apôtre, les apôtres n'avaient pas d'habits spéciaux. Ça n'avait rien à voir. Mais aujourd'hui, on a tellement organisé, regardez encore le mot, organisé les choses au point où les gens, la dernière fois dans mon quartier, il y a une église catholique là, quelque part. J'ai passé au travers, j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes garçons qui étaient assis ici. Ils n'étaient pas à l'église, ils étaient là en train de bavarder avec les jeunes filles. C'est que le prêtre, ce qui attire mon attention, c'est que le prêtre disait, il continue à répéter. C'est-à-dire que quand le prêtre faisait la liturgie, le garçon est à l'extérieur, il est en train de traverser entre eux. Voici l'église catholique à ma droite, il est assis, il est en train de converser. Quand le prêtre s'élève, que c'est le moment de, je ne sais pas comment ils font cela, le garçon lui dit la même chose sans être là-bas. Donc, quand on ouvre la bouche, on sait ce que tu vas dire. C'est que quelque chose ne va vraiment pas. Ça veut dire que c'est régularisé au point où quelqu'un peut fermer les yeux, il a dû lui dire la même chose que tu es censé dire. Vous êtes où là finalement? Et vous servez Dieu avec cela? Vous savez Dieu avec cela? Donc chaque dimanche en venant, on sait ce qu'on va dire. Donc chez les protestants, ils ont un tableau quelque part. Dimanche, lecture du dimanche prochain. Première lecture, le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 2. Entre parenthèses, réfléchis sur les offrandes. Le culte des enfants, dimanche 17h à 18h. Que les enfants n'apportent pas les pièces jaunes. voilà l'église d'aujourd'hui. Alors l'enfant en vérité donne 27, dit maman, on a dit qu'on n'apporte pas les pièces jaunes là-bas. Voilà l'église. On programme donc ce qu'on va faire la semaine prochaine. En venant d'autres encore, on trouve les techniques. On vend les fiches 50-50. Où il y a tout le litigieux, c'est ça. On te donne 50-50-50. Vous achetez. Vous voyez là où l'église se trouve, non? Et la Bible se trouve devant nous. Les gens ne lisent pas la Bible. Et la parole de Dieu est censée nous éclairer. Et on est surpris donc que les pasteurs viennent nous mentir. Prennent des versets, 10 et ça ne dit pas. Parce que tu n'as pas le temps de communion pour savoir ce qu'on est de dire. Il y a une femme qui était venue me voir, son mari allait au travail. En rentrant, elle a porté tout le moment à aller vendre parler de nos pasteurs. Le mari vient d'abord, lui dit que c'est comment? C'est comme ça qu'on fait pour blasphémer le nom du Seigneur. Comme les femmes aussi sont comme ça, là, elles portent tout, elles ne pas vendre, elles donnent là-bas. Elle décrit ses péchés, met l'enveloppe. Le pasteur dit que cherchez deux enveloppes. Un des enveloppes, vous mettez l'argent pour votre offrande sacrificielle. L'autre enveloppe, vous écrivez toutes les choses que les problèmes que vous ne voulez plus voir. Donc c'est lui qui résout le problème des gens. Donc c'est le pasteur qui résout le problème des gens. Il dit qu'on va aller brûler ça sur le mont Cameroun. Et on dit d'abord que char des dieux. Donc il est en relation avec les dieux de mon Cameroun. Quand ils sortent, vous sortez, vous rentrez chez vous, vous dites, waouh, le pasteur là est fort. Hein? Il rentre avec sa femme et avec les gens qui ont organisé cela. Il dit que la chèvre brûle là où elle est attachée. Dis à ton voisin, réveille-toi. Lisez la Bible. Et on ne doit pas vous voler votre gloire. On ne va plus vous tromper. Toute personne qui lit la Bible de la bonne façon, vous lisez la Bible de la bonne façon avec amour pour le Seigneur, on ne peut plus vous tromper. Même si vous êtes dans l'heure, vous allez voir que ce qu'on fait et ce qu'on écrit sont deux choses différentes. Là, à cet instant, vous allez avoir un problème. Le problème là, c'est que je crois à quoi? Ce que je vois ou ce que je lis? Vous allez remarquer que la Bible déclare que sa parole subsiste éternellement. Et moi, je crois à ce qui subsiste éternellement. Moi, je crois à cela. Si vous voulez vous baser sur quelque chose, on ne sait pas d'où celui-là est sorti, mais ça, il veut mettre là-bas, on continue. Donc, je dis donc que c'est la fausse base. Parce qu'on est sorti de quelque part, on répercute ce qu'on a fait. Quand Martin Luther est sorti de l'église catholique, c'est pour ça que vous voyez les toges sont dans l'église protestante et les églises luthériennes, ainsi de suite. Quand il est sorti, c'était un prêtre. Tout naturellement, il est sorti en courant, il courait avec son gandoura. Quand il est arrivé en forme, il dit que le gandoura c'était couleur blanc. Il faut qu'on nous distingue. Alors il a fait son gandoura. Quand les protestants, les autres protestants vont franchir des protestants, les unes de eux vont sortir encore. On va dire non. Nous portons la toge noire. Pour qu'on, quand nous voyons, nous distingue clairement. Dès le départ, c'est le problème de la toge. Ça sort d'où? S'il sort, la bonne façon de sortir, c'est ceci. Écoutez très attentivement. Pourquoi vous n'avez pas ces problèmes? Quand vous sortez, la première chose à faire, c'est Seigneur, nettoie-moi. Faut d'abord le nettoyage. Sinon, vous allez répercuter la même chose. Il y a un prêtre catholique, là, un français, un séminariste. Il a fréquenté jusqu'à un certain niveau. Il s'est rendu compte qu'il est là-bas parce qu'on lui avait demandé de faire des trucs au cimetière. Il a fui. C'était un métis. Chez lui, il dit que l'église catholique, là, il n'est pas là. Il a fait son petit hôtel comme ça, là, à la maison. Il a mis Marie. Mais les sièges là-bas avec l'enfant Jésus et l'archange Michael. Il s'assoit là-bas, il fait d'abord les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on a fait? Il a eu ça au séminaire. Dans le niveau où on lui a enseigné, c'est ça qui répercute. Ah, Satan s'en fout si tu viens dans l'église catholique. Tu fais quand même ça là-bas. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il faut quoi? Il faut le nettoyage. Et c'est pour ça qu'il décide d'aller rentrer. Que le problème, c'est que les gens ont raté comment ils devaient regarder la chose. Ils devaient regarder à la fondation. La question devait être, c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui. Les premiers apôtres ont-ils pratiqué? Si la réponse est oui, vous continuez. Si c'est non, éloignez-vous-en. D'accord? Lisons Colossiens là, puis maintenant après on va dans 1 Corinthiens. Colossiens, je vais arrêter sur cette question là parce que si je continue à développer là. Colossiens chapitre 3, chapitre 4. Lisons le verset 14, 15, frère. Colossiens 4, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Ainsi que Démas. 15. Salut les frères qui sont à la Odyssée et Nymphe. Et l'église qui est dans sa maison. Voilà. 16. Ça va. On dit Luc le médecin. Je veux que vous regardez ce qui est écrit là-bas. On dit Luc le médecin vous salue. Il dit salut Nymphas et l'église qui est dans. Donc, quand on va lire, voici le frère Joseph par exemple. Je lis la lettre pour l'envoyer. Il dit. Frère Joseph, l'apôtre Paul te salue. Puis il se tourne maintenant vers l'église qui se réunit dans sa maison. Il dit église, l'apôtre Paul me charge de vous saluer également. Donc on ne lit pas que l'apôtre Paul te salue. Puis on dit on va à l'église. Toi aussi, l'apôtre Paul te salue. C'est pas ça que l'apôtre Paul a parlé. Il parle de ceux qui se rassemblent dans la maison de Nymphas. D'accord? Si vous voulez, on va aller dans la Bible, on va aller voir, on va voir ça partout là-bas maintenant. Partout, ça se trouve partout. Prenez Philippiens, puisque Philippiens est toujours à côté. Philippiens. Vous avez chapitre 4, toujours. Philippiens, avancez plutôt, avant, rentrez. Non. Vous êtes dans la collection, vous rentrez par derrière. Comme vous allez vers le sens de la Genèse. Tu as trop traversé, frère. Rentrez, Philippiens, chapitre 4. Lisez le verset 22. Philippiens 4, 22. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Vous avez suivi ça? Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Les saints qui se réunissent dans la maison de César. Ils vous saluent. Je ne sais pas si vous voyez. Lisons Actes des Apôtres. Je vais vous donner quelques versets sur tout ce moment. Actes des Apôtres. Chapitre 16. Je vais expliquer, puis on va aller au verset qui se trouve là-bas, le temps que vous trouvez. Si vous lisez Actes chapitre 16, à partir du verset 15, il y a la délivrance de cette femme-là qui avait l'esprit de Python. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Mais avant cela, l'apôtre Paul va chercher un lieu de prière. Il va trouver une femme, des femmes réunies, vont commencer à parler. La Bible déclare que Dieu va ouvrir le cœur d'une certaine Lydie. qui était marchand de pourpre. On dit, lorsqu'elle était baptisée avec sa famille, elle a supplié l'apôtre Pierre et les autres apôtres en disant que si vous me jugez digne du Seigneur, entrez chez moi et demeurez-y. Entrez chez moi et demeurez-y. Par la suite, il va délivrer cette femme avec l'esprit de Python. Ça va les conduire à la prison. Quand ils vont baptiser le geôlier, en sortant là-bas, le matin, quand on va les libérer, nous trouvons verset 40. Lisons le verset 40 du chapitre 16. Chapitre 16, verset 40. Acte 16, verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Oui. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Vous avez vu, n'est-ce pas? Quand il est sorti, il est entré chez qui? Chez Lydie. Lydie avait ouvert sa maison, que les frères se rassemblent directement. Amen. Vous y êtes? Vous ouvrez ça? On a vu. Quand cette lettre vous sera lue dans Colossiens chapitre 4, verset 14 à 16, faites en sorte que ce qui sera lu vous vient aussi là-bas. Il dit que Luc le médecin vous salue. Saluez l'impasse et l'église qui est dans sa maison. Ici, on dit effectivement que Lydie avait une assemblée dans sa maison. Quand les apôtres sont sortis, ils sont allés chez Lydie. Chez Lydie. Ils connaissaient chez la sœur Lydie. Avant dans le chapitre 12. Chapitre 12. Dans le chapitre 12, il est question de Jésus. Je vous explique rapidement pourquoi on passe au verset directement. Chapitre 12, il est question de Jacques qu'on a fait tuer. Et qu'on a tué, la Bible déclare que Hérode, voyant que cela plaisait aux Juifs, a fait emprisonner l'apôtre Pierre. Mm-hmm. Maintenant, lisons à partir du verset 5. Acte 12, 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Stop. Vous avez encore vu le mot maintenant? Qui a adressé des prières à Dieu? L'Église globale sans frontières. L'Église catholique, protestante, quelle Église? Donc on a dit que les saints adressaient à Dieu les prières. L'Église parle. L'Église prie. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. D'accord, frère? L'Église, ce sont les êtres humains. D'accord, mes frères? Continuons. L'Église essaie d'adresser à Dieu pour les prières. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait, continuons. Oui, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte que gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Oui. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision. 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple fut et de tout ce que le peuple juif attendait. 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen. Après avoir réfléchi, il a pensé, il savait exactement où le frère se trouve. Il s'est dirigé chez Marie, la mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ça, c'est l'église de la Bible, le fonctionnement face à l'église institutionnelle aujourd'hui. Vous voyez l'église, n'est-ce pas? Prenons 1 Corinthiens. Il y en a plein. Bon, de toute façon, prenons le chapitre 20. Comme il y en a l'Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 20. Lisez le verset 20 seulement. Le verset 20 seulement. Acte des Apôtres, chapitre 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Vous avez suivi? Ça, c'est le fonctionnement des apôtres face à la Bible d'aujourd'hui. La Bible d'aujourd'hui. Alors, si vous lisez Éphésiens chapitre 2, le verset 20 à 22, la Bible déclare, l'apôtre Paul dit que vous avez été édifiés. La construction des chrétiens, c'est suivant le modèle des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même étant la pierre angulaire. Donc, le fonctionnement de l'Église est basé sur cela. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 9 et suivant, il dit, vous êtes le champ de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, j'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car aucune autre fondation ne peut être posée. La question c'est, si le fonctionnement dénominationnel n'a pas de fondation des apôtres, on a de bâtir où? Donc il y a une église parallèle, l'église de Jésus-Christ qui continue sa vie, une imitation, une usurpation qui a envie de faire son chemin. La Bible appelle l'organisation dénominationnelle. L'église appelle, la Bible appelle ça Babylone. Quand vous lisez votre Bible, c'est de ça dont il est question. Écoutez attentivement. Babylone veut dire la tour, la porte. Babel veut dire la porte des dieux. Des dieux. La porte des dieux. Babel. D'accord? Ok. Maintenant, on est censé servir Dieu dans ces différents domaines, dans ces différents endroits comme qui sont des dénominations. Mais chacun semble avoir son Dieu. Avec la même Bible, chacun semble avoir son Dieu. Parce que le témoin de Jéhovah ne sera jamais, ou l'invité ici ne viendra pas. Lui-même, il vous invite, vous ne passerez pas. L'église qui t'a pris, vous invite, vous ne viendrez pas. On est d'accord? Alors, finalement, chacun a son Dieu. Ça, c'est la Babylone. Les chrétiens ne sont pas dans la confusion. Babylone, c'est le symbole de la confusion. Donc, il y a la confusion en milieu religieux. Dieu dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 4, chapitre 18, verset 4, mon peuple, sortez du milieu. Quand on explique pas ça, aujourd'hui, on ne comprend pas. Ils croient que, non, l'important pour moi, c'est que je parle là-bas. Moi, d'autres personnes disent, et quand ils ont ça, ils croient qu'ils sont très bien. Ils disent, non, je peux entrer à l'église catholique, je m'en fous. S'ils font n'importe quoi là, je fais n'importe comment. Tu es hypocrite. Tu es que je m'en vais louer mon Dieu. Tu parles louer ton Dieu. Il dit que quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est pas ce qui est écrit. Il dit non, je m'en vais là-bas. Je m'en fous s'ils font n'importe comment. Je m'en fous s'ils font n'importe comment. C'est leur problème là-bas. Déjà ton voisin, c'est ton problème aussi. Parce que la Bible déclare que ne vous mettez pas ensemble avec un jour étranger. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, vous devez faire à la manière de Dieu. Il a posé la fondation. L'apôtre Paul dit qu'ils ont posé le fondement. Que vous devez regarder aux fondations qu'ils ont posées. Il n'a pas dit qu'on va regarder les fondations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui quittent des pasteurs à archbishop, des archbishop à apôtre. Il y a d'autres qui cumulent même les fonctions. Cumulativement, entre les fonctions des apôtres, prophètes, quand vous voyez ça à la télévision, vous voyez révérend, professeur, docteur, archbishop, ovacia, on abrège maintenant plutôt son nom. Donc, c'est ces titres qui sont, ce sont ces titres qui sont plus importants. Quelque chose ne va pas en milieu chrétien. On est infesté de cancer. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Amen. Souvenez-vous, je crois qu'il y a l'eau là-bas derrière. Si quelqu'un a soif, buvez de l'eau. Mais je ne pense pas que vous avez soif en dehors de cette eau qu'on est en de boire maintenant. Donc je vais couper rapidement là. Donc après cela, je suis en train doucement vraiment, n'est-ce pas? Oui. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, nous allons lire les 4 premiers versets. Tu y es, mon cher. 1 Corinthiens 3. Oui. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 2. Continue là, continue. 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même. Et vous ne le pouvez même pas jusqu'à présent. Il dit, en effet, quand l'un dit, moi je suis, regardez, moi je suis de Paul. C'est pas ici, frère, c'est là-dedans, ça se trouve là-dedans. En effet, lorsque l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis de Cephas. Regardez ce qui est écrit là. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de rejeter la pensée déjà partir à. Voilà ce qui est écrit dedans. Il dit qu'en effet, pour expliquer le fait que les gens sont charnels. Donc, malgré les tapages que les gens vont faire, ils sont charnels. Or, la vie du Seigneur, la vie dans le Seigneur maintenant, c'est la vie de l'esprit. C'est l'adoration en esprit et en vérité. Les gens sont en train d'appeler au nom du Seigneur en le servant dans la chair, comme l'apôtre Paul le dit. Donc, quand tu dis, je suis chrétien catholique, tu as des problèmes. Chrétien réveillé, tu as des problèmes. Parce que tu es charnel, donc ça veut dire que tu n'as rien à voir avec les choses de l'esprit. Tu n'as rien à voir. Il n'y a pas de chrétien de là dans la Bible. Acte des apôtres, les disciples ont appelé chrétiens. On a dit ça, c'est les chrétiens de l'église de Paul. Ça, c'est les chrétiens de l'apôtre. Mais la Bible déclare que Pierre, lui, il a dit que c'est la même chose qu'il enseigne que l'apôtre Paul enseigne. Il n'y a pas de différence. Mais aujourd'hui, dans une même conférence, un pasteur va venir prêcher un message, un autre vient prêcher une autre chose. Vous allez voir deux apôtres se disant à la radio, se contredisant. Ils disent apôtre, c'est juste que chacun a la Bible devant soi. Non, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Chacun dit avoir reçu sa commission de Dieu. Prêchant dans la Bible, disant les choses que la Bible ne dit pas. L'autre disant aussi sa part qu'il ne dit pas. Il se contredit entre eux en contredisant la Bible. C'est l'Esprit du Seigneur qui les conduit. Vous devez admettre que c'est la Bible qui a raison. Vous devez admettre que c'est la Bible qui a raison. D'accord? Continuons, mon frère, continuons. Continuons la lecture. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Oui. Parce que vous êtes encore charnel. Toi, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Car quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? 5. Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Maintenant, on a l'église de Paul, on dit maintenant église Saint-Paul. Donc, mets Saint là devant l'église. Tu vas voir de quoi l'école peut vous parler. Donc, quand quelqu'un dit je suis de l'église Saint-Paul, moi je suis de l'église Sicilie réveillée. Qu'est-ce que vous en allez de faire? Ça n'a rien à voir. Chapitre 1, rentrons au chapitre 1. Écoutez très attentivement l'ordre à l'église. Écoutez. Chapitre 1 de 1 Corinthiens, vous y êtes? Oui. Lisons seulement le verset 10. 1 Corinthiens 10. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous une même un même langage. Un même langage. Et à ne pas avoir des divisions parmi vous. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Je crois que sa position n'est pas bonne. Sa position n'est pas bonne. Assieds-toi, vas-y, frère. Assieds-toi ici. C'est fermé. Oui, allons-y, frère. 10. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage. Non, à tenir tous. Parce que vous lisez mal, on va comprendre mal. Il dit, je vous exhorte, frère, à tenir tous. Donc, tout le monde doit tenir un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans une même esprit, dans un même sentiment. C'est pas ici écrit. Maintenant, si on prend catholique, protestant, pentecôtiste, témoin de Jéhovah, c'est ce que vous voulez, on le met dans une salle. On parle seulement du sujet Marie, ils vont s'entendre. On parle seulement du sujet nouvelle naissance, ils vont s'entendre. On parle seulement du baptême du Saint-Esprit, ils vont s'entendre. Mais la Bible déclare qu'ils doivent s'entendre. Alors, la question c'est, pourquoi, si on les réunit ensemble maintenant, ils ne vont pas s'entendre? C'est parce que en dehors de la Bible, il y a les écrits humains dans chaque groupe qui vient confronter la Bible. Voilà le vrai problème. Un catholique va s'asseoir avec un protestant, un témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah a une Bible. Mais il a les écrits des Russes, des Nord et autres qui lui créent problème. Parce que Nord lui a donné les interprétations. Le protestant proteste parce qu'en réalité, Luther lui a donné des interprétations et se base sur ces interprétations. Le catholique va dire qu'en dehors de votre truc, nous avons une tradition du magistère. Quand le successeur de l'apôtre Pierre parle ex cathedra, sa parole fait fort autant que la Bible. C'est lui qui peut donner l'interprétation de la Bible. Sur cette base-là, ils ne vont jamais s'entendre. La conclusion, c'est la solution, c'est sortir de là. Amen. La solution, c'est la seule. C'est sortir du milieu d'eux. C'est l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des divisions. Il ne faut pas qu'il y ait des divisions. Alors, dénommer quelque chose veut dire diviser. La dénomination, en réalité, donc, c'est le synonyme des divisions. Le corps de Christ n'est pas divisé. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 suivant, il dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main que puisque je ne suis pas main, je ne suis pas partie du corps. D'accord, frère? Alors, les dénominations sont les synonymes des divisions. Synonymes directs et purs des divisions. C'est le symbole des divisions et par conséquent de la confusion. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, c'est les interprétations humaines qui viennent créer le problème. Ce n'est pas la Bible qui crée le problème. Si vous êtes surpris, vous êtes à la maison. Quand, vous savez qui? Nous sommes des témoins de Jéhovah. On dit, quand il sort là-bas, l'autre vient, quand, nous sommes des Kakou Philippe. Si vous ne croyez pas que Kakou Philippe est de Dieu, vous êtes fini, vous allez en enfer. Quand par exemple sur le baptiste dit aujourd'hui tu es allé à l'église, non, tu pars encore à l'église, tu adores le Dieu soleil. La personne, cette personne qui elle a reçu visite de moins 4 personnes, chacun dit sa part de son contradictoire. Il se pose la question maintenant, je vais aller où? En réalité, il est censé n'aller nulle part. Amen. Il doit entrer dans le corps. Amen. C'est là où on appelle l'église du Seigneur Jésus. Parce que l'être humain a la pensée seulement qu'il faut que j'aille quelque part. Dieu n'a pas demandé qu'on aille quelque part. Regardez Élie et tu peux dans Actes chapitre 8. Il était allé rentrer de Jérusalem adoré. Personne à Jérusalem ne savait même pas qu'il était là. Le Seigneur aussi savait qu'il était là. Il a dit à Philippe que descend sur la route qui descend là-bas à Gaza, c'est qu'on appelle la désert. Descend là-bas vers Azon. Il est arrivé là-bas. À l'instant où il est allé, le nid éthiopien lisait Esaïe. Il était mené comme les brebis. Vous savez, c'est un homme instruit. Vous pouvez lire quelque chose dans la Bible en français, vous ne comprenez pas ce que ça dit. Il a lu, il était aimé. Mais j'ai dit que le type si là, il parle de qui au juste. Voilà son problème. Il s'approche là-bas, un paysan s'approche. Mais mon ami, tu, quand tu marches là-dessus, tu comprends. Il dit, mon gars, je vais comprendre comment si personne ne m'explique. Il dit, viens alors, moi. La Bible dit, partant de là, il a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Lorsqu'ils ont rencontré l'eau en chemin, il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il fit arrêter le chef, il descendit tous deux dans l'eau. Lorsqu'il a baptisé, qu'elle est sortie, on dit, l'esprit enleva Philippe. Pour dire, ton œuvre est terminée. Alors, je pose la question. Aujourd'hui, quand les gens font, après, quand on dit, on ferme les yeux, répète, on dit écris ton nom, il y a une liste là, écris ton nom, ton jour de la nouvelle naissance. Viens à l'église, ne manque pas à l'église, en venant, apporte ta famille. Vous voyez des têtes bêtises dans la Bible. Alors, l'église, tu peux quand il est parti, comme ça, il allait s'égarer. Non. D'abord, pour le sauver, quelqu'un était au courant qu'il devait être sauvé. Non. Les êtres humains savaient qu'il était dans le désert. Non. Dis à ton voisin, fais attention. Amen. Amen. L'église donc a sept périodes sur la terre. Vous lisez Apocalypse chapitre 2, allez maintenant rapidement pour finir par rapport à ceci. L'église a sept périodes sur la terre. La première période de l'église était la période de l'église d'Éphèse. Vous lisez Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Éclair à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est ce qui est contre toi, ceci. L'église de Smyrne, Philadelphie, ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Il m'intéresse à la dernière. Qui nous intéresse? L'église de Laodicée. C'est l'église de notre époque. Donc nous sommes à la dernière période de l'église. Nous sommes en train de sortir de la dernière période. Ça, c'est sa fin. D'accord, frère? Je vais dire quelque chose avant de lâcher. Alors, l'église de Laodicée a des caractéristiques malchanceuses. C'est terrible. Vous lisez 6 des églises. Ici, on est parlé de Apocalypse chapitre 2 et 3. Ça se trouve là-dedans. Pour nous, ça se commence au chapitre 3, verset 14 à 22. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qu'il dit là même. Le témoin fidèle et véritable. Il dit que tu n'es pas froid, tu n'es pas bouillant. Mais comme tu es froid là, je te vomirai de ma bouche. Comme tu es tiède là, je vais te vomir de ma bouche. Écoutez très attentivement votre attention maintenant parce qu'il veut dire quelque chose. L'église première, la période de l'église première est appelée dans la Bible Éphèse, qui veut dire c'est relâché. Il donne la reproche à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as relâché son premier amour. Donc, c'est la caractéristique de l'église première. C'était le relâchement. Le même zèle, le zèle avait diminué. À l'église qui est avant notre époque, l'église de Philadelphie, Philadelphie, ça veut dire l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour pour la vérité. Vous voyez? Ils avaient donc l'amour. Là-bas, il lui dit que tu as gardé mon nom. Tu as gardé l'amour pour mon nom, malgré que je n'avais pas de puissance. À cause de cela, donc, il y a une porte ouverte que personne ne peut fermer. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Mais écoutez très attentivement maintenant, frère. Écoutez très attentivement, frère, soyez attentif. Pour l'église qui nous concerne, dans laquelle nous vivons, dans la période où nous vivons, le nom c'est Laodicée. Parmi les sept églises, c'est la seule qui est appelée le nom d'une femme. L'esprit vient nous dire que la puissance féminine va avoir le caractéristique de notre époque. Le nom de l'église est appelé d'une femme. Donc l'église de la dernière aura des caractéristiques féminines. C'est-à-dire qu'il y aura un mouvement féministe au milieu de l'assemblée. Les femmes vont vouloir prendre la place qui ne leur est pas due. C'est l'église, c'est l'esprit de l'époque. Puis il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Le Saint-Esprit nous montre que la richesse va aveugler l'église. Ce sont les caractéristiques qu'on a de voir là. L'église va avoir des problèmes avec les femmes. Il y aura la soif de la richesse, la doctrine des prospérités. C'est prévu dans la Bible. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il dit, parce que tu dis, tu t'es enrichi, tu n'as besoin de rien. Maintenant, il dit, c'est le Seigneur qui dit, tu dis. Donc l'église, c'est pour se dire, nous sommes riches, nous sommes riches. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ah, je suis à ma cinquième voiture. Attendez, vous, vous avez... Je suis à ma cinquième voiture. Je me souviens quand je voyageais en première classe à l'université de Washington dans Air Force. C'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'accomplir les prophéties. Ils sont absolument à côté de Dieu. Loin. Alors, la Bible déclare que 1. L'église de Laodicée est caractérisée par les femmes, l'esprit féminin. 2. Il y aura la richesse dans l'église en abondance. Si Dieu reproche cela, il est en train de rejeter cela. La question c'est, cette richesse qui vient pour aveugler, vient de qui au milieu de l'église? Ne me regardez pas comme ça, c'est la Bible que ça nous dit. Vous me regardez, après chapitre 3, lisons. 14, ne l'avez pas dit, c'est moi qui ai dit. Apocalypse chapitre 14, chapitre 3, verset 14 en descendant. Vous y êtes? Je crois qu'il y a un micro là derrière, c'est ça? Allons-y. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Stop. Vous entendez ça? Vous voyez la promesse à l'église de l'Odyssée? L'église de notre époque, si vous lisez les sept églises, Dieu va donner l'appréciation et la dépréciation. Donc c'est-à-dire ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il apprécie. Puis il va dire ce que les gens doivent améliorer. Dans notre église, il n'apprécie rien. Dans notre période, Dieu n'apprécie rien. Mais nous, nous apprécions les choses que nous pensons que Dieu est en train de faire. Regardez ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous avez vu, frère. Relisons encore, frère, le verset là. Je reprends ce verset. Verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà la promesse que Dieu fait à l'église de la route. Donc, rejeté devant le Seigneur. Plusieurs me diront, c'est du Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. La question c'est, s'il ne les a jamais connus, il faisait des miracles avec quoi? Le nom qu'il prononçait là, qui agissait derrière, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions. Continuons, frère. Verset 17. Parce que tu dis, stop. Je suis riche. Stop. Parce que tu dis, je suis riche. Donc l'église sera égocentrique. L'église s'apprécie, s'auto-apprécie. Alors que c'est nous qui sommes. 1 Corinthiens 11, verset 32 nous dit, on doit être jugé par le Seigneur. Quand on est jugé par le Seigneur, on n'est plus condamné avec le monde. C'est le Seigneur qui doit nous déprécier, doit nous apprécier, pour qu'on s'améliore. Donc l'église a fait son propre standard, fixé son propre trait de jauge et conclut véritablement comment son niveau se trouve. Il dit, parce que tu dis, c'est nous qui disons aujourd'hui. Nous sommes en descente, ça va barrer. Parce que tu dis, je suis riche. Parce que tu dis, je suis riche. Stop, vous avez vu ça, hein? Donc l'église de notre époque apprécie beaucoup la richesse. Ce qui lui plaît, il se contente de la richesse. C'est l'église là. Continuons. Je me suis enrichi. Oui. Et je n'ai besoin de rien. Donc l'église pense que comme il a la richesse comme ça, il croit que Dieu avait eux. Souvenez-vous, toutes les richesses que vous avez ne viennent pas de Dieu. Satan octroie des bénédictions. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Il ne le fait sur d'aucun chagrin. Donc la bénédiction de l'autre. Satan donc, quand les gens signent dans les sectes, ils ont de l'argent, non? Ils ont des immeubles. Ça sort d'où? Ce sont des richesses. Ça sort d'où? Donc c'est la bénédiction de l'Éternel. Si vous voulez la bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc il y a autre bénédiction qui n'enrichit pas. Et ça fait suivre des chagrins. Alors la Bible déclare ici que elle dit que je suis riche, je n'ai besoin de rien. Donc là, il se contente de l'aspect de la prospérité. Jésus va nous dire maintenant que, et parce que tu n'es, écoutez. Et parce que tu ne connais pas que. Et parce que tu ne connais pas que tu es malheureux. Hein? misérable, 2, pauvre, 3, aveugle, 4, et nu. 5. Voilà l'appréciation. C'est-à-dire que lorsque nous sommes ici maintenant, ce dimanche, à 11h30, qui est affiché là, le Seigneur Jésus étant dans les cieux, regarde sur la terre, il dit qu'on est pauvre, aveugle, misérable et nu. Voilà comment il voit. Mais aujourd'hui, dans l'église, on va dire Hallelujah, glory be to God. God has blessed us today. I've had my third car. I've bought a new house. God has given me my job. C'est les appréciations qu'on a aujourd'hui en milieu de l'église. Dieu dit, tu es pauvre, aveugle. Mais le vrai problème, c'est que ça commence par et parce que tu ne connais pas. Donc, l'église, notre peuple a plusieurs caractéristiques. C'est un, c'est les femmes qui vont prendre la charge. C'est pour ça que vous allez beau dire à quelqu'un que les femmes ne doivent pas enseigner. Ils ne comprennent pas. C'est normal, c'est l'esprit de l'époque. Deux, la danger de prospérité va être trouvée au milieu de l'église. Trois, le plus grave, c'est que l'église sera dans cet état sans connaître. Vous voyez que c'est là une grâce déjà de Dieu d'entendre la vérité, comme il va dire dans ce verset 20 et 22. Il dit, c'est une grâce devant le Seigneur que d'entendre cette vérité-là, c'est une grâce. Il dit, parce que tu ne connais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Tu ne connais pas. Regardez bien le mot, tu ne connais pas. Quelqu'un qui ne connaît pas, c'est qu'il est ignorant de son état. Mais pourtant, il a dû lui donner une autre appréciation qui n'est pas ça. Donc, l'église de notre époque est ignorante. Les chrétiens de notre époque sont ignorants de leur état spirituel. On est pauvre, aveugle et nu. Continuons, frère. 18. Je te conseille. Stop. Donc Dieu conseille l'église. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est ce qu'il dit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est la persécution, ça que Jésus en avait parlé. L'église de notre époque fuit la persécution. Elle peut donc se compromettre pour avoir de la richesse. Et Jésus dit, ça ne doit pas se passer comme ça. Vous voulez venir vers moi? C'est la persécution. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus, que sera persécuté. Voilà, c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est une prophétie. C'est ce qui est écrit. Dans vos familles, si vous voulez vivre pieusement, la persécution va venir. La seule façon que vous ne persécutez pas, c'est que vous soyez compromis. Vous vous compromettez avec les membres de la famille, avec les choses, quand vous faites les choses ordinaires, que les gens disent, vous vous conformez au siècle. Alors, on ne doit pas vous persécuter. Vous voyez? Il y a un connu pour un de vos enfants que vous voyez, dont l'église a les yeux, mais ne voit pas. Autrement dit, Dieu attend que l'église cherche la révélation du ciel pour voir son état spirituel. C'est écrit là. C'est la dernière église. Après, quand ça finit, le chapitre 4 dit qu'une voix, la voix qu'il a entendue de haut dit que montez ici. Après ça, il y a l'enlèvement. Regardez bien le chapitre 4, verset 1. Après ça, il y a l'enlèvement. Après cela, Apocalypse 4, verset 1, oui. Après cela, j'ai regardé et voici une porte fut ouverte dans le ciel. Et la voix, la première voix que j'avais entendue, elle a dit quoi? Le son d'une trompette. Dit monte. Il me parlait. Dit montez ici. Maintenant. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Faisons attention, nous sommes à la fin. Faisons attention, nous sommes à la fin. Il dit quand il finit l'instruction à l'église, il donne le conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Puis il dit que j'ai des colis pour une afin que tu vois et des vêtements pour te couvrir afin que la honte de ta nudité ne paraisse. Regardez. Puis il dit quand il va finir là-bas, l'enlèvement a lieu. Ça se trouve maintenant dans le ciel. L'enlèvement fissurus. À partir du chapitre 4, 5 maintenant, depuis le ciel, maintenant on va commencer à apprécier ce qui se passe en bas sur la terre. Nous sommes mal barrés si nous ne nous amendons pas par rapport à la parole du Seigneur. C'est la dernière église là-bas. C'est l'instruction. C'est la dernière instruction. Vous voyez cela? Puis il va dire maintenant, il dit, je te conseille d'acheter de moi. Il dit que aide donc du zèle et répands-toi. C'est fort comme parole là. Aide donc du zèle. Parce que ce n'est pas évident que quelqu'un qui est connu à la télévision, à la gloire, vient vous dire que je vous avais menti. Et qu'il va rester tomber tout cet empire qu'il a bâti. Pour revenir sur ses deux pieds, pour recommencer à zéro. Il faut avoir du zèle. Il dit donc, aide donc du zèle et répands-toi. Puis il dit, car je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Après, il conclut que, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvrez communion avec le Seigneur. Ces versets qui sont cités, les pasteurs sortent, prêchent les païens avec. À la radio, vous entendez, il dit que Dieu a dit qu'ouvre la porte de ton cœur. Vous avez la porte de ton cœur. Le verset parle de la porte de son cœur. L'église est têtue. Notre église est têtue. Jésus a dit que je vous appelle à la repentance. Si vous acceptez ça, la communion de l'esprit va encore entrer en possession de l'église. C'est ce qu'il a dit. Mais le pasteur laisse d'écouter ce que Dieu a dit. Il peut avoir un païen. Il dit ouvre la porte de ton cœur. Le païen connaît où son cœur se trouve. Le païen connaît où son cœur se trouve. Il dit que non, ouvre ton cœur. Comment tu enregistres ton cœur? La Bible déclare dans chapitre 7, c'est là que c'est Dieu qui a ouvert le cœur de Lydie pour que Lydie soit attentif parce que la paupière disait. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Pas vrai? Comment tu peux dire à quelqu'un d'ouvrir son cœur? Non, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Saint-Esprit dit par la bouche de David que dispose mon cœur à l'obéissance à ta parole. Si Dieu ne transforme ton cœur, tu ne peux pas. Moïse, quand il quittait la scène, il a dit à Israël, il dit jusqu'aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Lui, il quittait la scène en donnant les malédictions sur Israël, il savait ce qui se passe. Il a dit que jusqu'aujourd'hui, donc depuis que vous marchez là, ne vous inquiétez pas, c'est le caillou qui est là-dedans. Mais Dieu a promis dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, il dit que je vais vous laver, je vais vous amener, je vais vous purifier, vous nettoyer. Je mettrai au cœur de votre cœur le cœur de pierre, je mettrai le cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous afin que vous obéissiez à ma parole. Si ça ne se fasse pas, on appelle ça la nouvelle née. Si ça ne se fait pas, tout ce que le Baba, c'est zéro. Vous voyez ça, frère? Donc Dieu appelle l'église de la Odyssée à la repentance. C'est pour ça que c'est le message de la repentance et de la sanctification qui est le message cible pour pouvoir amener l'église de la repentance là où le Saint-Esprit veut. On est totalement à côté de la plaque. Je ne sais pas si vous comprenez. L'église a besoin de le message de la repentance. Vous voyez, quelqu'un, les gens se vantent aujourd'hui que non. Quand un chrétien a besoin de se repentir, c'est son problème. C'est son problème. Pose-lui seulement la question, est-ce que tu as la position que Dieu t'attend? Il va savoir de quoi il est question. Alors, on a des problèmes en milieu chrétien. Si on ne vous lit seulement les caractéristiques, si Dieu permet sur un autre angle, on va encore enseigner les places et le rôle de chacun dans l'église pour que vous sachiez de quoi il est question. Chacun fait n'importe quoi. Il dit, mais une femme, on prend une femme, on la met au pupitre, on verse l'huile sur lui. Vous avez vu dans la Bible où on consacre un chrétien avec l'huile? Vous voulez plus parler? Ou c'est comment? J'arrête? Non. J'arrête, frère? Non, continue. Le prêtre, c'est un roi, ça sort d'eau. Ça sort d'eau au juste. Les gens se marient, on dit, sort ta bague, ils sont là-bas, ils mettent l'huile sur ça. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Donc tu me dis, non, c'est pour sanctifier sa bague. Et son cœur qui va voir une femme qui va convoiter là-bas, la bague là va faire quoi? L'huile va protéger son cœur. Bon, laissons cela avant que vous ne me chassez d'ici là. Je suis en train de dire que Apocalypse chapitre 3 dit clairement que l'église a besoin de la repentance. En fait, tout ce qu'on a présenté depuis le début de cette question-ci, vous devez voir créer un problème qui ne va, il y a quelque chose qui ne va pas. La question maintenant, comment faire pour revenir? Il a dit aide donc du zèle. Amen. Aide donc du zèle. Donc un changement doit être opéré. Amen. Notre façon de faire doit être façon de faire biblique. Et pour cela, il faut qu'il y ait une séparation. On doit casser ce qui est à casser, laisser ce qui est à laisser. Il dit c'est. Oui, mon frère. Oui, frère, avant qu'on ne sorte de ce sujet, il y a deux préoccupations que j'ai. Oui. Bon, la deuxième est née de l'enseignement de tout à l'heure. Oui. Mais la première, je l'avais déjà. Oui. Est-ce que l'église ne se rassemble que dans la maison? Ou bien. C'est possible dans une assemblée style peut-être le jazz. Oui. Parce que quand je regarde Jacques 2, oui. Au verset 2, oui. Il dit que si quelqu'un entre dans votre assemblée, oui. Dans notre, voici l'assemblée. C'est pas ça qui est l'assemblée. Voici l'assemblée. Lorsque vous vous assemblez. Amen. Parce que quand il dit entre dans votre assemblée, moi, ça m'a. Si l'assemblée, si c'est la réunion, nous voici assemblée. Si quelqu'un entre ici, il entre dans notre assemblée. Il entre dans notre milieu, si tu veux. En anglais, on va dire in our midst. Il y a un midst dans votre milieu. Okay. C'est ça dont c'est les questions. L'assemblée, dans la Bible, ça ne désigne pas un lieu. C'est l'église là maintenant. Amen. Oui. Donc prenons à chapitre 19 oui, pour répondre à cela. Oui, oui. Et je voudrais rendre la question plus pratique. Oui. Parce que nous sommes à la quête de la vérité. Amen. C'est ce qui nous motive oui. Ici présentement. C'est que, bon, nous avons compris. L'église, tout son départ a été dans la maison. Oui. La difficulté, c'est est-ce qu'elle doit rester dans la maison? Bon, c'est là la difficulté. Oui. Maintenant, si, oui, on a compris, parce que pour la plaque, les noms et oui. Tout le reste là. Oui. Mais imaginons qu'on construise une grande salle. Oui. Ça n'a pas de plaque, pas de nom, machin, tout, mais capable de servir de lieu de regroupement, oui. De réunion, oui. Peut-être de plus de 100 personnes. Oui. Je voudrais savoir si c'est biblique. Bonne question. Allons-y, on va répondre. Prenons d'abord Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. Parce qu'une question biblique doit avoir une fondation biblique. Et la réponse doit être biblique. Pendant que vous allez chercher, je vous pose la question. Est-ce que dans la Bible, vous avez vu les apôtres lancer la quête ou bien le désir de construire un lieu? Il dit, quand vous lisez votre Bible là, de fond en comble, est-ce que les apôtres ont fait un appel de fond pour construire un lieu? Non. Vous pensez que on a plus besoin de ces lieux-là que eux? Et s'il y avait les gens pour pouvoir réunir. On a plus besoin des humains. Voilà. Je voulais dire que c'est, n'est-ce pas? Comme nous sentons le besoin d'un lieu pour se réunir, est-ce qu'eux n'en ont pas? S'il fallait le sentir, eux n'en avaient pas. Tout à l'heure, vous allez chercher, tout à l'heure, j'ai cité H chapitre 4 où, lorsque le monsieur a été guéri, le paralytique, 5000 personnes sont jointes là-bas. Vous avez vu comment ils ont dit que, mais les gens viennent nombreux, on va faire comment C'est là la question. La question maintenant, c'est. C'est ça justement. La façon dont ils ont réglé met la base pour nous. Okay. Amen. Voilà. Si on voit dans la Bible, on va savoir de quoi il est question. Mais lisons d'abord le verset qu'il y a ici. Le moment venu, il y a un enseignement que j'ai parlé depuis des années, les pieds d'achoppement de la Bible. Chaque commandement de la Bible a ses pieds d'achoppement. Les pieds d'achoppement, c'est que Dieu a mis seulement pour créer les problèmes à ses ennemis. Maintenant, lisons le verset 8 et 9. 19. Verset 8 et 9. 8 et 9. Oui, celui qui a ouvert le livre. Qui au nom de Jésus. Oui. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Oui. Où il parla librement pendant 3 mois. Oui. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Oui. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Oui. 9. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Oui. Et criant devant la multitude la voix du Seigneur. Oui. Il se retira d'eux, sépara les disciples. Oui. Et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Oui. 10. Cela dura 2 ans. Oui. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. 11. Dieu faisait des miracles. Faisait des miracles extraordinaires. C'est bon, on a compris le sujet. Frère, tu as un problème de mémoire. De mémoire de fuite. Il dit qu'il y a un problème de mémoire de fuite. Tu as le fond, tu me comprends quand il parle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que la rétention, c'est un problème. La rétention. Tu comprends ce que veut dire rétention? C'est un problème. C'est-à-dire que tu regardes là comme ça, tu te tournes, il n'y a plus là. Quelque chose est arrivé dans le passé, c'est un vapeur, c'est une chaleur a frappé sur ton cerveau. Je ne sais pas si tu me comprends. Comment tu me regardes comme ça là? Bon, on va... Parce que je suis surpris. C'est ce problème qui le pousse à se comporter comme ça. C'est-à-dire, il a comme l'impression. Vous, si vous le connaissez. Il est. Rattaillé par lui-même. Dans cette assemblée. Non, debout comment? Laisse-le tranquille là. Si tu es bien là où tu es, non? Oui. Tu as compris ce qu'il dit? J'ai compris. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire que j'ai un problème que je dors. Vous voyez, il vient de pratiquer exactement ce que j'ai dit. Il a oublié. Que j'ai un problème. Donc, que j'ai perte de mémoire. Oui. Oui. Tu penses que qu'est-ce qui. Je suis souvent distrait. Qu'est-ce qui pose. Qu'est-ce qui porte. Qu'est-ce qui a amené cela? Je ne sais pas. Hein. Vous voyez, ça, c'est l'attaque. Si vous ne connaissez pas ça, voici l'attaque. Une chaleur a frappé sur sa tête. À un moment donné, une chaleur, c'est pas une chaleur ordinaire. Et ça fait. Donc, Actes chapitre 19 dit que l'apôtre Paul est entré. On arrive là, on arrive, ça sera terminé. Actes chapitre 19 dit que l'apôtre Paul est entré dans la synagogue. Il a prêché. Il est entré dans la synagogue. Je reste en passant dans le temps. Parce que les gens disent que non, Jésus lui est entré dans le temple. C'est l'une des choses que Jésus est entré dans le temple, il est dans la synagogue pour enseigner. C'est un autre domaine là-bas. Mais souvenez-vous, nous parlons de l'église. L'église a son fonctionnement. Et nous avons vu aussi que dès le départ, quand Jésus dit j'ai bâti mon église, l'église n'était pas dans son. Lorsqu'il était. Donc, si vous voulez chercher le fonctionnement de l'église, il faut chercher quand l'église a commencé, comment ça fonctionnait. Vous pouvez aller là-bas en disant qu'il est entré dans la synagogue. Lorsqu'il est né, on est entré dans la synagogue avec lui, on a offert le pigeon. On a offert le pigeon ici. Donc, ça, on ne peut pas regarder à cela. On doit avancer parce que l'église a un fonctionnement, a un départ et un fonctionnement. Vous cessez ça, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est le fonctionnement de l'église. Parce que s'il a dit que j'ai bâti mon église, il a des choses tout autour qui vont nous faire comprendre pour que ça fonctionne. Ce sont ces choses qu'il faut qu'on suive. Le vrai problème, c'est qu'on a suivi des faux modèles. On a suivi des choses qui ne viennent pas de Dieu. D'accord? Alors, l'apôtre Paul entre dans la synagogue, il enseigne. Les juifs ne veulent pas entendre parler parce que, enfin, c'est comme ça la vérité. Ils comprennent que là, il faut qu'ils changent. Ils comprennent que s'ils croient, les rituels qu'ils font dans la synagogue chaque jour, c'est terminé. Mais ce n'est pas facile d'admettre la vérité. La dernière fois, je vous ai dit ici que quand quelqu'un dirait fort longtemps dans l'obscurité, vous allumez la lumière, bam, premier réflexe, il ferme ses yeux, bien, il faut qu'on éteigne cette source de la lumière là rapidement. Parce qu'il est resté longtemps dans l'obscurité. Alors, les Juifs se voient vraiment que c'est toutes les coutumes qu'ils ont toujours cru qui doivent tomber là-bas. Il dit, Paul, c'est la dernière fois, ne passe plus ici. Là, il est sorti maintenant. Pendant qu'il sortait, les gens ont cru. La Bible déclare qu'à proximité se trouvait l'école. C'est une école comme on a l'école séculière. Il est allé là-bas, asseyez-vous. Il a continué l'enseignement qu'il avait à leur donner. Il a duré combien là-bas? Deux ans. Quand les disciples étaient formés maintenant, eux maintenant pouvaient aller prêcher. Lui quitte le lieu et bah. Paul n'a pas construit. Paul n'a pas mis une plaque dehors. Il a continué. C'est pour ça qu'il parle de pierre d'achoppement. Comme on n'a pas compris, on croit que c'est l'église de l'école de Tyrannus. C'est pour ça qu'on dit que c'est une espèce de l'église de l'école biblique. L'école théologique. Ça n'a rien à voir. Maintenant, l'école théologique de cette année, c'est de 5 ans, c'est d'autres 17 ans, d'autres 4 ans. On dit cela durait 2 ans. Et les gens que. Et la Bible déclare là-bas qu'ils discouraient sur les choses qui concernent le roi. Maintenant, aujourd'hui, on a la psychologie en milieu. La philosophie en milieu. L'histoire des religions en milieu. Comment devenir un bon leader? Le cours sur le leadership. Il n'y a pas un seul verset qui parle de leadership dans la Bible. Mais pourtant, il faut qu'ils prennent Élie et Élisée. Josué et Moïse. Vous ne pouvez pas comparer les prophètes avec des leaders. Amen. Les prophètes ne sont pas des leaders. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, on a pris des mauvaises fondations. On a pris des mauvaises choses en train d'appliquer à Dieu. Qu'un bon leader, regardez, Élisée doit motiver. Dieu a dit, va imposer les mains. Moïse allait imposer les mains. Dieu a dit à Élisée, va donner ton manteau à celui-là. Tu vas quitter la scène. Il a dit. Donc, il a été ordonné à faire. Mais aujourd'hui, on forme les gens en série. S'ils avaient l'onction d'Élie, c'est qu'ils ont produit beaucoup d'Élie sur la terre, c'est plus que Dieu. Mais Dieu a choisi celui-là. Et là, Jésus est venu, il a dit que du temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux sur la terre. Il s'est trouvé que c'est le Syrien, l'étranger, le Syrien que Dieu a envoyé pour aller guérir. Donc, vous dites, Dieu ne fait pas les gens en série. Il fait les choses selon sa volonté, selon son plan à lui. D'accord? La Bible déclare que c'est là durant deux ans, c'est que tous ceux qui sont dans l'Asie écoutaient la parole. Après deux ans, c'était terminé. Il n'est plus jamais revenu dans cette école pour le faire. Donc nous voyons effectivement que circonstanciellement, s'il faut réunir les disciples quelque part pour prier, pour lui donner les exhortations, il peut le réunir et puis ça s'arrête là. C'est simple. Si on veut rester dans la Bible, c'est ce qu'on doit faire. Mais d'aller construire un endroit maintenant, un rassemblement, tu dis que parce qu'il y a 300 personnes, quand ils vont venir 600, tu vas le casser. Tu vas avancer, sinon tu vas avoir le stade de football. La question maintenant c'est, première prédication, environ 3000. Deuxième prédication, environ 5000. En moins de 2 ans. Ils avaient plus de 10 000 personnes à gérer. La question c'est comment se réunissaient. Allons dans la Bible, posons la question. Nous sommes d'accord? Amen. Chapitre 2 de Actes des Apôtres. 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est eux qui doivent nous répondre parce que toi et moi, on n'était pas là. C'est eux qui vont nous répondre. Amen. Celui du chapitre 2, lisez le verset 40 à 42. Et par plusieurs autres paroles, il les exhorta en leur disant, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient des suivants. Allons-y, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oui. Quand la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Continuons. 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et oui. Ils avaient tout en commun. Écoutez-tu attentivement. Oui. 45, oui. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et construisaient l'église. Et ils en partageaient le produit entre tous. Stop. C'est l'église ici. Oui. C'est la Bible, ça, non? Oui. Ceux qui possédaient les propriétés vendaient pour faire quoi? Pour partager. Partager les biens. Les pasteurs d'aujourd'hui disent que non. Vendez ce que vous avez venu donner pour qu'on construise le ministère. C'est ce que les pasteurs d'aujourd'hui ont compris. Vous savez, il y avait une femme qui m'avait vu, elle avait dit que si j'ai un terrain là, je voulais t'offrir pour que tu construis l'église. Il dit, je ne prendrai pas. Je ne vais pas prendre le salaire de l'iniquité. Je n'ai pas de base biblique. Il dit, qu'est-ce qu'il doit faire, frère? Je lui dis, vends. Et il fait quand même l'argent, on distribue aux saints qui sont dans le besoin. C'est la norme biblique. Si vous avez deux terrains, trois terrains, vous avez des problèmes avec Dieu. Parce que la Bible déclare que malheur à celui que mon Dieu soit celui qui ajoute 100 champs sur champ. C'est qui dans votre Bible, frère? Et qui avance les choses sur la terre. Voilà. C'est ce que la Bible déclare. Le Seigneur Jésus a dit que vous allez vendre tout ce que vous possédez. Et vous avez le trésor sur le ciel. Le jeune verset, vous ne devez pas lire. Vous ne devez pas voir, ça n'est pas vrai. Vous dites non, c'était la promesse à leur époque. Le Seigneur Jésus a dit ça, pas vrai? Il a donné la parabole du ministère du royaume. Il a dit que le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui voit dans un champ, il voit que quelque chose est précieux dans ces champs-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre tout ce qu'il possède pour venir acheter ces champs. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'a dit. La vie chrétienne n'a pas d'échange. Donc débarrassez-vous-en de tout ce qui peut vous empêcher. Et Esaïe chapitre 5, le champ de cité, là, dit clairement dans ce verset 8 et suivant, il dit que malheur à celui qui a juste 100%. Mais vous entendez un pasteur qui a au moins 7 terrains, parce que souvent il réfléchit pour savoir là où l'autre terrain se trouve. Et il vient parler au milieu de l'église en se vantant qu'il a au moins 7 terrains, que Dieu l'a beaucoup béni. Il sait pas, c'est la malédiction. Un pasteur vient dire que je ne viens pas, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas un Dieu pauvre, il tend les pieds au sol comme ça parce qu'il est frais. Vous me voyez chez lui comme ça, mais il fait comme ça, vous donnez le franc encore, il prend. Vous qui n'avez rien, vous donnez l'offrande, il prend. Il faut la délivrance au pasteur, là, je vous dis. Vous comprenez? Ok, s'il est riche, alors il se vend qu'il est riche. Pourquoi ne dit-il pas que qui ici a besoin d'argent? Parce qu'il y a 5 voitures. Qui n'a pas de voiture? Ce qui vient ici à pied, il donne. C'est ce qu'il devrait faire. Voilà, c'est ce qu'il devrait faire. On doit prêcher par l'exemple. Mais il fait comme ça, là, on dit encore qu'il faut soutenir l'homme de Dieu, son hôtel, il faut qu'on paye. On l'a envoyé à l'hôtel. Vous avez vu un verset? Quand les frères, ne riez pas, c'est terrible, c'est sérieux. C'est sérieux. Je vais vous dire encore l'une des choses pour laquelle se réunir comme ça est mauvais. Je vais vous dire. Dès qu'il explique là. Vous avez remarqué que quand l'apôtre Paul va monter à Jérusalem pour la première fois pour rencontrer les apôtres, il n'est pas allé à l'hôtel. Il y avait l'hôtel. L'hôtel a toujours existé. Oui. Les hôtels ont toujours existé. Quand Jésus est né, on a dit qu'il n'y avait pas de place pour eux pour dans l'hôtellerie. Les hôtels ont toujours existé. Il a demeuré chez Jacques. Pendant 14 jours, c'est pas ça? C'est ça. Quand il y avait la conférence, on n'a pas allé louer une salle pour faire la conférence. C'était chez Jacques que ça s'est passé. Chez les chrétiens, nos frères. Oui. Maintenant, écoutez très attentivement. Vous savez pourquoi dès le départ, je vous ai dit saluez-vous les uns les autres, demandez-vous les noms. Parce qu'en réalité, c'est comme ça, le rassemblement chrétien est devenu foi, exactement comme on a vu dans la Bible. On se réunit, on finit, on dit bonjour, bonjour mon frère. Vous sortez, vous rencontrez quelqu'un en route. Comment ça taper votre tête que la sœur, je l'ai vue où? Oui. Je l'ai vue où? L'autre jour, vous la rencontrez, vous dites, ah, c'est ici. Et puis, vous l'appelez sœur en Christ, mon frère. Vous pouvez, pas appeler, vous pouvez appeler cette personne sœur. Vous pouvez appeler ça frère. Dans votre famille, vous ne connaissez pas vos frères. Vous ne les connaissez pas, non. Alors, c'est pour cela que l'église, c'est la famille. Vous dites, mon frère en Christ. Mon frère en Christ, parce qu'on a un seul père. Pourquoi dans c'est pour ça que la Bible déclare qu'ils avaient tout en commun. C'est tout un autre enseignement de 6 heures. Et vous allez avoir cela. Alors, lorsque quelqu'un vient, on tombe, un frère ouvre le rouleau, il dit que le frère, il aime te visiter les gens. Qui part chez lui. Vous chassez qui? Jésus. C'est Jésus que vous venez chasser comme ça. Vous avez vu ça? Alors, ces choses-ci ont introduit le système individualiste. Les chrétiens naissants n'étaient pas comme ça. L'amour les entourait au point où les gens pouvaient souffrir, vendre son champ. C'est pour ça que ça a frappé Ananias et Saphira, parce que leur inspiration n'était pas ce n'était pas inspiré par l'amour. Ils vendaient leurs biens, c'est pour eux. Dieu leur a béni avec cela. Ils sont venus mettre là-bas, ils ont dit, mais les chrétiens là, ils travaillent même quoi. Donc, comme d'autres disent souvent, ils disent que les chrétiens, il y a ces gens qui sont faibles. Je vais aller pour aller donner là-bas. La force que tu as pour travailler, c'est Dieu qui te donne. Amen. La personne qui est faible, la Bible déclare en 1 Corinthiens 12, verset 20, que et même les gens que nous croyons être faibles dans le corps, c'est nécessaire. Donc, en réalité, si les gens comprenaient que quand tu donnes à quelqu'un, c'est toi que tu cherches, c'est ta bénédiction que tu cherches, ils devaient donner en courant. Amen. Quand vous donnez de la façon de Dieu, la Bible déclare dans Proverbe, dans Psaume chapitre 41, verset 1 à 3, la Bible déclare que l'homme qui donne aux pauvres, il dit heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. Quand tu t'intéresses seulement aux pauvres, la Bible déclare que tu es heureux. Il dit, Dieu dit qu'il ne l'abandonne pas sur le lit des malades. Beaucoup de personnes sont malades, ils ne savent pas où la maladie vient. Parce qu'ils ont vu quelqu'un dans le besoin, n'ont pas donné. Dieu ne frappe pas la maladie, Seigneur, oh, guéris-moi. Ce style de maladie, c'est que ça guérit seulement par le donner. Et Dieu dit qu'il ne le livre pas au bon plaisir du méchant. Parce qu'il a fait du bien, laisser des ressources aux pauvres. Donc le simple fait que tu t'intéresses aux pauvres, quand tu es malade, Dieu te souvient de ta pour te guérir. C'est ça que vous comprenez. Donc c'est un autre domaine là-bas. Alors donc, cette façon de faire si prône l'individualisme. Vous allez voir, vous êtes venus à 300, 400, on ne se connaît pas. On se connaît tout seulement parce qu'on a vu comment tel est habillé, on s'est arrêté habillé, il sort. Personne ne connaît personne. En fait, dans l'église donc maintenant, il y a la place des personnalités. Où on ne doit même pas les approcher. Pourtant, ils sont frères en Christ. Et chez Dieu, là, à ce sont les personnes. Vous êtes gouverneur ici au ciel. On va danser tous ensemble si vous êtes chrétien. Il n'y a pas de place là-bas que vous place de gouverneur de la terre. Place de roi. Non, il n'y a pas ça là-bas. Et donc, Jacques chapitre 2, c'était là, dit, montre ça clairement que dans l'assemblée, il y a acception de personne. Si tu es général d'armée, donc tu es entre le milieu chrétien, ton général s'arrête là. On t'appelle frère. Amen. Ça va se comprendre. Si vous êtes prosterné, on se prosterne. Si vous êtes couché, on se couche. Tout le monde. Et quand tu entres là-bas, ça n'est pas que tu es général maintenant dans l'église. Quand tu entres là-bas, si Dieu te donne la place d'intercesseur, tu vas te mettre à prier pour l'intercession. Ça ne veut pas dire que comme tu es le ménage, je vous commande maintenant, c'est levez-vous. Non, non, non, ça se trouve dehors, ça. D'accord? Au milieu de Christ, si Dieu ne t'a pas appelé à une place, tu quittes l'endroit. On se comprend, hein? Donc c'est l'individualisme. Or, les chrétiens, la Bible déclare dans ce que vous avez lu, verset 44 et 45, que tous ceux qui possédaient des biens les vendaient et donnaient, ont donné maintenant la distribution selon le besoin de chacun. La Bible déclare que personne n'osait plus dire que ma chose, j'ai ma chose en propre. Mais tout était commun entre eux. Voilà l'église du Seigneur. Parce qu'en réalité, c'est un corps. La main, si Dieu ne dit pas à l'autre corps, c'est que la dernière fois, comme tu je veux dire, tu as demandé de gratter, tu ne peux pas gratter, il ne te lave pas aujourd'hui. Si tu ne laves pas ici, si tu dis quelque chose te pique ici, sur le ventre, la main a intérêt à gratter. La tête va lui commander de gratter. La tête va lui commander de gratter. Pourtant, ça ne gratte pas, c'est pas la main. La main va aller pour que le corps soit à l'aise. Alors, nous tous, nous devons être dans la communion de l'amour. Mais les chrétiens, je dis, dans la paix. On a été sur les catholiques, donne-vous la paix, on se donne la paix. On ne connaît pas le nom. On se donne la paix à gauche, on se donne la paix à droite. Souvent, les gens viennent s'asseoir, ils sont raides comme le bâton. Pour se tourner à gauche, pour dire bonjour, c'est un problème. Si tu viens d'autre pour dire bonjour, c'est un problème. Et il se dit chrétien. Ce n'est pas ça l'église du Seigneur Jésus. C'est pour ça que vous lisez 1 Corinthiens 11, parlant de la Sainte Seine. L'apôtre Paul dit, lorsque vous vous assemblez pour la table, pour le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Donc, ils se connaissaient. Pour que tu puisses se réunir pour dire, attendez-vous les uns les autres, pour que les gens soient là avant qu'on fait, attendez-vous les uns les autres. On doit savoir que telle personne n'est pas là, telle n'est pas encore là, attendons-le. Donc, ils se connaissaient. D'accord, frère? Alors, la Bible déclare donc qu'ils avaient tout en commun. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain et dans les prières. Ils étaient assidus où? Assidus où? Et prenaient la nourriture où? Dans les maisons avec simplicité des cœurs. Donc, comme c'était des jeunes naissants, ils avaient tout naturellement le temple où ils allaient. Mais la réunion chrétienne s'est passée dans les maisons. On n'a pas dit dans la maison, on a dit dans les maisons. Dans Actes chapitre 12, nous avons lu aujourd'hui, on a vu que l'apôtre Pierre, quand il est sorti de la prison, il a réfléchi. L'endroit qui était plus proche de lui, c'était chez Marie. Donc à Jérusalem, on se trouvait les différentes maisons des chrétiens où ils se réunissaient. Ils n'ont pas allé construire quelque part. Donc les apôtres n'ont jamais eu de problème que nous avons aujourd'hui. On se comprend ça, hein? Ils n'ont jamais eu ces problèmes-là. À Antioche, à l'époque des gens qui sont là, il y en a 20 000 chrétiens. Mais la Bible déclare dans Actes chapitre 11 que lorsqu'ils arrivaient à Antioche, ils se réunissent aux assemblées de l'église, aux assemblées. Quand les églises s'assemblent chaque jour dans une maison, ils se réunissent pas de maison à maison, comme il a dit à chapitre 20, que je n'ai craint de vous prêcher publiquement et dans les maisons. Maintenant, il y a encore le pourquoi, c'est la maison, parce que c'est la maison, nous sommes ensemble. La maison, on n'a pas besoin de l'autorisation pour faire une réunion familiale. Non, on n'a pas besoin. Mais si vous fonctionnez en association, vous devez avoir une autorisation. L'église de Dieu n'est pas une association, c'est une famille. C'est une famille. Voilà le vrai problème. C'est le problème là-bas. C'est une famille. D'accord, frère? Amen. Mmh. Oui. J'ai ma deuxième question pour sortir de là, toujours par rapport à la première question que le frère a posée. Parce que, comme il nous a été dit, on nous avait enseigné à l'école, comme Dieu l'a dit, maison physique, maison spirituelle. Bon, attends, permets-moi de poser aussi une question pour comprendre. Oui. Quand vous enseignez maison physique là, maison spirituelle, on prenait ça dans quelle Bible? Il nous avait donné des versets. Bon, le problème. Dans l'Ancien Testament, pas vrai? Non, dans le Nouveau. Qu'il y a la maison physique de Dieu. Oui. Par exemple, comme dans Acte de Jean, il dit qu'il montait au temple. Ça dit que c'est un problème de compréhension. Même si c'est un point de raison tranquille. Quand ils partaient au temple, on les acceptait ou bien on les chassait? Il dit dans la Bible là, quand ils montaient au temple, on les chassait ou bien on les acceptait? On les chassait, pas vrai? Oui. Et finalement, vous allez voir qu'à partir de chapitre 9, parce qu'il était question de témoigner d'abord à Jérusalem. C'est ce que Jésus a dit. Et le lieu de rassemblement, c'est justement dans le temple. À 15, il y a les heures de prière, les gens vont au temple. C'est pour ça qu'ils montaient là-bas à l'heure de la prière. Dieu a opéré le miracle. Ils ne partaient pas prier parce que Dieu n'est pas dans le temple là. Le rideau avait été déjà déchiré 30 ans plus tôt. Le rideau avait été déjà déchiré. Les apôtres étaient assez sages pour ne pas aller adorer là-bas. Jésus avait donné l'ordre que l'heure vient où ce n'est pas dans ce temple là où on adorera Dieu. Donc ils ne partaient pas là-bas pour prier. Il partait pour prêcher pour que les gens quittent là-bas. Il ne partait pas adorer Dieu. Ils étaient assez sages pour le faire. C'est pour ça que chaque fois, quand ils entrent, même par la porte, quand ils entrent dans une ville, ils cherchent la synagogue. Quand ils finissent, vous allez entendre parler de Christ, n'est-ce pas? Lisez Actes chapitre 18. Alors, quand ils entrent là-bas, ils finissent de prêcher, on va leur chicoter, on va sortir. Jason, on va aussi entraîner Jason, qui est le chef de la synagogue. Mais Christ va croire. Quand il croit, c'est terminé, il n'est plus au temple. Amen. Parce que le temple de Dieu, c'est vous la Bible, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite où? Dans le temple. Et le type de l'ancienne alliance où il était incorporé ou bien manifesté par la représentation dans l'âge. Mais la Bible déclare dans Jérémie chapitre 3, verset 16, que ça ne deviendra plus l'âge de la lèvre va disparaître, ça ne deviendra même plus à l'esprit. Amen. Bon, maintenant, si quelqu'un dit qu'il va au temple, combien de temples il y a sur la terre? Chez les Juifs, il n'y avait qu'un seul temple. Le seul temple, c'était à Jérusalem. En fait, il n'y a qu'un lieu sur la terre où Dieu admet un temple physique, c'est uniquement à Jérusalem et sur la montagne des Sion. Donc, il n'y a personne un temple sur la terre. Personne. Parce que la Bible nous enseigne que le modèle qui s'est fait sur la terre, c'est d'après un modèle céleste. Donc, tous les cultes qu'on doit faire sur la terre, doivent faire d'après un modèle céleste. C'est pour ça qu'on avait donné à Moïse le plan que la Bible déclare que lui fut-il dit, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré. Parce que c'est le temple du ciel est comme ça, tel que c'est pour Jérusalem. C'est construit comme ça. C'est le modèle du haut qu'on a représenté en bas. Maintenant, un pasteur va faire le pupille, mettre la banane. La banane fait quoi? Après, on va manger, c'est pas vrai, frère pasteur? Oui. Et voilà, maintenant. Alors, Jésus dit que d'autres vont faire comme ça, la table ronde. D'autres font pour eux maintenant, comme le tribunal. D'autres font pour eux maintenant, c'est le balcon. D'autres font aussi ça. La question, c'est d'après quel modèle? Souvenez-vous de ce qu'on a vu. Chaque prototype, la femme va engendrer avec son mari un enfant. Elle peut accoucher d'une souris. S'il y a un truc qui vient s'ingérer là-bas, c'est une dissipation, ça ne vient pas des dieux. Donc, il y a un modèle qui a été positionné dès le départ. Donc, en réalité, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Il partait au temple pour prêcher à ceux qui étaient au temple. Et l'espérance a montré dans la Bible que là-bas, on ne voulait pas les recevoir. Mais le témoignage avait été déjà fait. Et comme on dit à chapitre 13, on dit que quand vous jugez indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens. Parce qu'ils avaient établi le témoignage. Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, annoncez la bonne nouvelle d'abord où? À Jérusalem. Puis vous allez aller à la Judée, à Samarie, et puis dans toutes les extrémités de la terre. Il ne partait pas dans le temple pour adorer. Aucun, vous n'allez jamais voir un apôtre qui allait dans le temple pour enseigner et se lancer à non, non, non, non. Il y avait l'esplanade du temple où les gens se ressemblaient, ils commençaient à parler de Jésus. Enfin, on a gardé guéri le paralytique là-bas. C'est les gens qui sont venus là-bas. Ils ne partaient pas pour prier jamais. Amen. Oui, et ma question, la deuxième, c'est née de l'enseignement de tout à l'heure. Oui. Parce que pendant que tu parlais, tu as dit. La dénomination ou bien les dénominations sont synonymes. Les divisions. C'est ce que ça veut dire. En fait, dénommer. Attends. Oui. Si tous nous avons le même nom ici, oui. On veut vous dénommer pour nous diviser, mettre à part. On donne le nom à chacun. Quand on te donne le nom, ça te met à part. C'est pas ça? Uh-huh. Et j'ai eu du mal quand on est entré dans le livre de l'Apocalypse. Oui. Je me rends compte que le Saint-Esprit a dénommé les églises. En fait, c'est pas ça. Ou bien l'église, que merci beaucoup, merci. Merci beaucoup pour toucher ce point-là. Merci beaucoup. Nous touchons un grand point maintenant. Maintenant, regardez bien, regardez la différence. Regardez, je veux que vous saisissez bien. Nous avons dit ici église globale. Vous savez, je ne sais pas ce qui est écrit là-dehors, église quelque chose. Mais maintenant, ici, on voit dans la Bible écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église ici. Oh, tu crois que c'est la dénomination? J'ai dit, l'église est subdivisée en sept périodes. C'est la période appelée de l'église de la Odyssée. Ce n'est pas la dénomination. Je vais expliquer. Les sept églises, enfin, sous l'usée chapitre 1, verset 17 suivant, il dit que, quand il a vu la personne avec les sept étoiles, il va lui donner une explication. Il dit, écris cette lettre aussi et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. En Asie, donc, se trouvent ces sept localités. Il y a les localités qu'on appelle Éphèse, en Asie, dans la zone de la Turquie. La zone de la Turquie, là-bas, en Asie mineure. Ce sont les noms des villes. La Odyssée, Philadelphie, autres là-bas, Simine, ce sont les noms des villes. Maintenant, ça veut dire par exemple que si on dit église de Douala, allons-y, qu'est-ce qu'il a de dire? Si on dit église de Douala, quand le Saint-Esprit dit église de Douala, qu'est-ce qu'il a de dire? La communauté des frères qui sont à des Douala. C'est ce qu'il a de dire dans la Bible. La Bible ne peut pas se contredire nulle part. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Donc, regarde, en Asie, regarde. L'apôtre Paul, Jean n'écrit pas, on parle en Asie, on voit maintenant une plaque, on a dit que église d'Éphèse. Non, non, non, non, non. C'est destiné aux chrétiens qui sont dans la ville d'Éphèse. Où est-ce, n'est-ce pas? L'Odyssée, quand. Maintenant, attends, gardez le doigt là-bas, écoutez tout ça, quand c'est bon, vous allez voir cela dans la Bible maintenant. Ouvrez Colossiens qu'on a lu aujourd'hui là, Colossiens chapitre 4 encore. Mettez le doigt dans ce livre de 1 Corinthiens 1. Allons dans Colossiens chapitre 4. Vous y êtes? Oui. Lisons le verset 14 encore, allons-y. Verset 14. Oui. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Oui. Ainsi que Démas. Oui. 15. Saluez les frères qui sont dans la Odyssée. Voilà, stop. Vous avez le nom là, non? Attendez. vous avez le nom Laodicée là-bas. Et dans Apocalypse, le dernier, c'est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc Laodicée, c'est la localité. D'accord. Maintenant, écoutons, lisons. Continuons. Oui. Et une impasse. Et l'église qui est dans sa maison. Donc à Laodicée, dans le conseil de l'enfant, se trouve donc quoi? La maison des Nymphas, où les chrétiens sont réunis. Lisons le verset 16 maintenant, écoutez. Verset 16. Oui. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, oui. Faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. Tu as vu? Dans l'église des Laodicéens. L'église des Douala, des Douala. L'église au singulier. Des Douala. Ça veut dire qu'on quitte d'un consamba avec une lettre. On va maintenant à Laodicée maintenant. À Laodicée, à Douala. Les chrétiens, on leur lit la même chose pour que ça soit la même règle pour tout le haut. Pour tout le monde. C'est pas qu'à Douala, il y a une église, on a écrit église de Douala. Non, non, non, non, ça n'a pas de sens. Vous ne trouvez pas ça dans la Bible. D'accord? Donc il dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange. Donc il y a un messager qui doit annoncer quelque chose dans la localité de Laodicée. On doit lui dire que voici ce que Laodicée se passe à Laodicée, dans la localité de Laodicée. À Laodicée, il laisse les femmes enseigner. À Laodicée, il y a l'esprit de cupidité. À Laodicée, ils sont froids, ils sont tellement cupides. À Laodicée, voilà ce qui se passe. Dans la localité de Laodicée, voilà ce qui se passe. Écris-le à Laodicée. D'accord, frère? Maintenant, allons dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Versets 1 et 2. Allons-y. Paul. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. Oui, virgule. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Stop. Vous avez vu ce qu'il a écrit? Donc la lettre est adressée à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Corinthe, c'est dans la cahier, donc il y a la zone, comme ici nous sommes à Douala, il y a à Bonabé, enfin, nous sommes à Bonabé, nous sommes effectivement là-bas dans la zone, ils sont pas en Douala comme cette zone-là. Corinthe, c'était la zone où il y avait le port, comme Bonabé là. Donc il écrit, maintenant il écrit comme ça aux frères qui sont à Corinthe. D'accord, frère? Maintenant, voici Corinthe. Il écrit aux frères, il dit que Paul, il a s'adressé à l'église de Dieu qui est à Allez, Corinth, maintenant, tu mets Bonabéry un peu, tu vois, allons-y voir. Oui, à l'église de Dieu qui est à Bonabéry. Stop. Maintenant, dis-moi, quelle est l'église de Dieu à Bonabéry? Si, supposons que l'apôtre avait écrit comme ça, et tu lis ça, il s'adresse au nom à qui? À tous les frères. À tous les frères. Donc, normalement, à Bonabéry, on doit savoir les frères qui se réunissent n'importe où. Oh, c'est pour ça qu'on partait de maison en maison, on distribuait la lettre et les gens savaient. Quand vous allez lire Actes des Apôtres chapitre 20, vous allez voir à partir du verset 17, l'apôtre va envoyer à Éphèse appeler les anciens de l'église. Ils vont venir se réunir on dit des milliers, il a envoyé, il était dans la ville des milliers. Il a dit va m'appeler les anciens de l'église. Parce qu'il connaissait tout là où les communautés se réunissaient. Ils venaient ici, ils sont venus dans ces maisons-là. Il a commencé à donner les dernières recommandations pour qu'ils rentrent. Pas vrai, frère? Donc voilà, donc nous voyons effectivement, il dit que à l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est pas fini. Allons-y. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, il ne s'adresse pas à une dimension, il s'adresse à des êtres. Il se spécifie. Après, il va dire que à tous ceux qui sont appelés en quelque lieu que ce soit, qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Amen. Donc, c'est à des êtres humains que c'est adressé. Vous ne verrez nulle part les dimensions là-bas. C'est ça qu'il faut que les pasteurs ne comprennent parce qu'on a dit même l'Apocalypse. Parce que quoi que, voici l'église ici, on parle de l'église des. Voici l'église, il y a l'église à Éphèse. Il dit ok, allons-y à Éphèse. Montre-moi où se situe. On dit clairement ici dans cette collection que lorsque la lettre vous sera lue, faites en sorte que vous lisez aussi ce qui viendra de Laodicée. Laodicée, la vie de Laodicée a une réponse qui a été donnée. Quand ça va venir, il y a une lettre, ça va venir de chez eux, mais chez vous. Lisons aussi ça. C'est ça dont il est question. La même recommandation pour toutes les églises. D'accord? Maintenant, regardez, si vous lisez 1 Corinthiens, nous sommes dans quel livre là? Chapitre, ouvrons le chapitre 16. Maintenant, je vais lire ce qui est écrit là-bas. Ouvrez, je veux que vous ouvrez chapitre 16. Vous y êtes? Oui. Quand, je vais vous faire, lisez d'abord le verset 19, puis je vais lire le quelque part encore. Allons-y, verset 19 seulement. Ça dit quoi? Verset 19 du chapitre 16. Les églises d'Asie vous saluent. Vous avez entendu cela, n'est-ce pas? Comme je ne sais pas fini. Regardez. Akilos et Priscille. Oui. Avec l'église qui est dans leur maison. Vous saluez beaucoup. Vous saluez beaucoup dans le Seigneur. Amen. Amen. Les églises d'Asie vous saluent. Oh, en Asie, donc, il y avait ces sept églises qu'on trouve à Apocalypse là. Éphèse jusqu'à Laodicée. Ici, l'apôtre dit que les églises, ces églises-là, en Asie là, vous saluent. Il parle de ceux de Corinthe. Parce que l'Asie, c'est une autre chose, le Moyen-Orient, la Grèce, c'est une autre chose. Il dit que les églises d'Asie, ça veut dire que, quand il dit les églises, ça veut dire que c'est un, église d'Éphèse, de Laodicée, Philadelphie, Smyrne, Pergame, ainsi de suite. Il dit, c'est ça qu'il dit. Les chrétiens de ces zones-là ont dit, apôtre Paul, quand tu vas rencontrer les Corinthiens, salue-les, les noms. C'est ça dont il est en train de parler. Puis il dit que Aquila et Priscille et l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Donc ceux qui se réunissent chez Aquila et Priscille, donc même Priscille et Aquila, quand on va à chapitre 18, dans leur maison, il y avait des gens qui étaient rassas. C'est pas ce qu'on a vu là, frère. Alors si ce modèle est établi, vous ne pouvez pas faire autrement. Si ce modèle est établi, vous ne pouvez pas faire autrement. Maintenant, avançons quelque part. J'ai dit que je vais lire maintenant verset 1. Regarde, suivez. Nous sommes au chapitre 16. Je vais lire le verset 1 et 4 et suivant. Je conclue là. Moi, vous amplifiez encore. Verset 1. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, regardez bien, suivez dans votre livre. Pour ce qui concerne les collectes en faveur des saints, agissez vous aussi selon que je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Vous avez vu cela? Oui. C'est ça que je veux m'arrêter. Regardez. Il dit, pour ce qui concerne. Au chapitre 1, il a dit que Paul, il écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Ici, il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Aux églises de la Galatie. Galatie, c'est là où vous voulez votre livre dans Galate. Quand vous entendez Galate, c'est ces deux dont tu en avais parlé. D'accord? Maintenant, regardez. Il dit, aux églises de la Galatie. Chaque fois qu'on va parler de Galate, l'église sera au pluriel. Maintenant, je vous explique pourquoi. Si on vous explique, vous n'avez pas saisi. Ouvrez Galate, comme c'est touche à côté. Ouvrez Galate. Vous avez ouvert? Ouvrez Galate. Regardez le verset 1 de Galate, chapitre 1. Ce sont les notions dans la Bible que si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas traverser ça, mettre le collet, ça jusqu'à fermer, même Satan, ça va. Aux églises de la Galatie, maintenant, lisez chapitre 1 de Galates, verset 1. Vous y êtes. Oui. Non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, oui, qui l'a ressuscité des morts. Oui. Deux, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Vous avez encore vu? Le Saint-Esprit n'est pas se trompé. Quand vous allez voir chaque fois qu'il existe le pluriel, ce que je vais vous dire maintenant, vous allez voir que c'est la même chose qui est répétée là-bas. Or, il prend sa plume, il en écrit. Il ne réfléchit pas comme quelqu'un se réfléchit pour choisir le mot qu'il va dire. Quand quelqu'un écrit son document, il faut qu'il voit s'il en a de faire des erreurs syntaxiques, des erreurs d'accord et autres là-bas. Lui met la plume, il écrit. Quand il écrit, vous lisez, vous voyez que ça suit un certain schéma. Quand il écrit au Thessaloniciens, il va dire qu'à l'église de Dieu qui est à Thessalonique. Quand il va dire qu'à l'église de Dieu qui est à Philippe. Mais quand il touche Galatie, il va parler au pluriel. Si vous lisez 1 Corinthiens 8, où il parle des offrandes là-bas, il va parler des Macédoines, il va dire que les églises de la Macédoine, les églises. Quand il touche Macédoine, il dit les églises. Quand il touche Galatie, il dit les églises. Quand il parle de Corinthe, il dit église au singulier. Il y a un pourquoi. Tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 16, verset 19, il a dit que les églises d'Asie vous saluent. Vous avez dit, il a écrit église au pluriel. Vous avez vu, n'est-ce pas? Quand on lisait dans 1 Corinthiens, il a dit que Paul, à l'église de qui est à Corinthe. Mais t'as écouté très attentivement. On a commencé ici avec Matthieu chapitre 16. C'est la première mention de l'église. La deuxième mention se trouve encore dans Matthieu chapitre 18. Dans Matthieu chapitre 18, il lisait le verset 18 à 20. Là où il parle des différents. Si quelqu'un a un problème avec son frère, qui part et répand son frère. Si le gagne, il a gagné. Si son frère essaie, il le gagne. S'il n'accepte pas, qu'il prenne deux ou trois témoins afin que toute déclaration soit réglée sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Il dit que s'il n'écoute pas, dis-le à l'église. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on vient dans un lieu, on veut dire. Il dit qu'on vient dire à l'assemblée des saints, des frères. D'accord? Il dit que s'il n'écoute pas l'église, vous avez vu, dont l'église parle. S'il n'écoute pas l'église, dont la décision que les frères vont prendre, considère-le comme un païen, un publicain. Pas un républicain. Tu es américain, toi, frère? Et un publicain. Donc, un publicain. D'accord? Donc, quelqu'un de mauvaise vie. Parce que quelqu'un de bonne vie devait savoir, devait considérer ce que le frère dit. Parce que les frères parlent par l'Esprit de Dieu, en présentant le corps de Christ. D'accord? Maintenant, regarde attentivement. Donc, c'est la deuxième mention de l'église là-bas. Donc, il y a l'église que le Seigneur Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 16, qui est l'église générale. Donc, tout le corps. Quand il dit, je bâtirai mon église, il parle de cela. Mais ici, on dit que le frère dit cela à l'église. L'église, ce n'est pas l'église générale. Parce que quand il se plaint ici, les autres membres qui sont à New York, pas le monde entier, ne savent pas cela. Or, quand l'ordre du Seigneur Jésus est donné à l'église, tous les membres sont concernés. Amen. Donc, il y a donc l'église en gros. Tous les chrétiens du monde entier forment dans l'église. Et les chrétiens qui sont déjà morts depuis les apôtres de Pierre, depuis eux jusqu'à le dernier. Tout cela forme dans l'église qu'on appelle le corps de Christ. Maintenant, donc le corps de Christ est formé de membres vivants et morts. C'est ça, frère? Oui. Maintenant, alors ça veut dire quoi? Dans Matthieu chapitre 18, on parle de dis-le à l'église. Quand il y a une plainte, un frère se comporte mal, vous réunissez pour parler, c'est ici que ça se passe, n'est-ce pas? Oui. Les autres membres du corps qui sont dans la ville même ne sont même pas au courant. Il s'agit donc ici de l'église locale. Donc, l'église globale du Seigneur Jésus-Christ est localement géographiée sur la terre. Et ça a une façon de se répartir, une répartition géographique de l'église sur la terre. Selon qu'on est dans une ville, on dit église au singulier. C'est pour ça que vous voyez les pasteurs se mettre en priant au pupitre et dire prions pour l'église au Cameroun. C'est faux. Cette parole ne peut pas venir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas dire prions pour l'église au Cameroun. Ça n'a pas de sens. Un peu comme on dit je vais à l'église, ça n'a pas de sens. Parce qu'à l'église, il n'y a pas une seule église. Au Cameroun, il n'y en a pas une seule église. Au langage biblique, il faut associer le langage biblique. Aux choses bibliques, il faut utiliser le langage biblique. La Bible déclare, dans ses Actes chapitre 1, Corinthiens chapitre 6, 16, verset 19, il dit que les églises de l'Asie vous saluent. Regardez la géographie. L'Asie, c'était un grand continent. Donc, l'Asie est constituée de plusieurs villes. Et chaque ville est constituée d'une église. Donc, dans une ville, il y a une église. Éphèse, écrit à l'angle de l'église d'Éphèse, pas des églises d'Éphèse. D'accord? Chaque fois qu'on va parler d'Éphèse, voulant parler de l'église, on va parler de l'église au singulier. À chapitre 20, des milliers, il fit envoyer appeler les anciens de l'église à Éphèse. Les anciens de l'église à Éphèse, il y avait plusieurs anciens dans l'église d'Éphèse. D'accord? Donc, chaque fois qu'on va parler d'Éphèse, ce sera au singulier. Chaque fois qu'on va parler de Corinthiens, ce sera au singulier. Thessaloniciens, Philippe, c'est singulier parce que Philippe, Thessalonique et Corinthiens sont des petites villes, comme Douala. Donc, à Douala, donc, frère, il y a une seule église. Amen. De Jésus-Christ de Nazareth, selon la Bible. Donc, on ne peut pas dire que j'ai pris pour les églises de Douala, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Maintenant, dans le littoral, il y a plusieurs églises, parce que le littoral est constitué de plusieurs villes. Il y a l'église de Douala, l'église de Nkonsamba, l'église de Mbanga, l'église de Loé, l'église de Deya, ainsi de suite. Maintenant, toutes ces églises-là constituent donc les églises du littoral. À Douala, il y a une seule église. C'est ça la parole. Amen. Donc la Galatie est constituée. La Galatie, c'est une province comme la province du Nord-Ouest, où il y a plusieurs villes, la Momo, la Mezam, ainsi de suite, donc le Kutunja, Kambe, ainsi de suite. Toutes ces zones-là qui sont les zones, chaque chrétien, si dans une zone, il n'y a qu'un seul chrétien, que Dieu connaît que c'est un seul chrétien, il constitue l'église locale. Amen. C'est merveilleux. Écoutez très attentivement, attendez, je prends vos questions. Voici Bonabéry, non? Oui. Jésus a dit dans la Bible là-bas qu'il connaît tout ce qui lui appartient. Voici Bonabéry, non? Oui. Ne vous plaignez pas, je prends seulement un exemple. Oui. Si à Bonabéry, il y a deux personnes que c'est Dieu qui reconnaît que voici mes enfants. Oui. Quand Dieu dit église de Bonabéry, c'est les deux là dont il parle. Amen. Amen. Tout ce que vous bavardez en tapant le nom de Dieu là, il ne vous connaît pas. Pas la communauté religieuse. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre la communauté religieuse à l'église locale. Amen. Donc, si Dieu dit, écrit, je suis en train de parler à l'église de Bonabéry, ceux-ci peuvent entendre l'écho, les dénonciations peuvent entendre l'écho, mais Dieu connaît à qui il est en train de s'adresser. C'est ça dont il est question. D'accord? Donc, au Cameroun, on dit, prions pour les églises du Cameroun, parce que le Cameroun est constitué de 10 régions. Amen. On va prier maintenant pour les églises de la région, les églises de la région du Nord, les églises de la région du Centre, les églises, chaque région a plusieurs églises. Amen. D'accord? Chaque ville a une seule Église. Ça, c'est la règle des Écritures. Amen. Amen. Oui, frère. Oui, je voudrais vraiment être très rassasié. Tu te sens bien, n'est-ce pas, frère? Oui. Bon. Mais je te pose une question. Oui. C'est entre nous maintenant. Oui. Comment les apôtres ne peuvent pas comprendre les fondations des apôtres, leurs frères? Il dit aujourd'hui, avec ta réflexion, toi-même qui es apôtre, oui. En voyant les apôtres dehors, comment ils font? Parce que je ne comprends pas. L'apôtre Paul, malgré l'apôtre Pierre prêchait et qu'il voyait qu'il y a des choses que l'apôtre Pierre disait qui étaient bizarres, oui. L'esprit en lui témoignait que celui-là a reçu une plus grande portion. Oui. Mais il ne disait rien qui contredisait ce que l'apôtre Paul disait. Oui. N'est-ce pas? Oui. Comment aujourd'hui, l'apôtre d'aujourd'hui contredit même l'apôtre Paul? Non. Tout en étant apôtre. Si quelqu'un est apôtre connu de Dieu, c'est-à-dire oui. que c'est Dieu qui l'a appelé apôtre. Oui. Parce que c'est d'abord là où il faut comprendre. Oui. Hein? Je suis d'accord. Regardez l'apôtre Pierre. Oui. Lui-même a estimé qu'il y a des points difficiles dans ce que l'apôtre Paul expliquait. Amen. Il reconnaît la difficulté. Oui. C'est comme là. J'ai ressenti une difficulté dans la compréhension. Oui. Mais je sais que ce que tu enseignes est réel. Amen. Le problème à l'époque, je vais t'expliquer vers la fin. Oui, explique-le-moi. C'est que je jaillis de quelque part. Et j'ai grandi. Et peut-être mon éducation familiale, oui. sociale, m'a appris à respecter les aînés, le leadership et tout. Ce qui fait que quand les leaders enseignent et parlent, je regarde. Il y a que, je trouve qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Oui. Mais, comme nouveau venu et comme peut-être inexpérimenté, dans ce cadre qu'on était tout, oui. on dit, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez. Oui. Moi, je ne vois pas ça dans la Bible. Oui. Ça me tique. Non, ça te dérangeait, mais tu n'as pas les fondations. Oui, ça dit que ça ne va pas. Je me rapproche même parfois des conseillers. Oui. Je dis comme ceci. Ils prennent des raisonnements et des philosophies. En quittant la Bible. Non, ils vous convainquent, ils vous en parlent. Bon, vous voyez, vous ne pas plonger dans une espèce de rébellion, je me dis, le Seigneur aura le dernier mot. Amen. Ça dit que les jeunes souvent disent aux enfants avec qui je suis, les frères, que... une des clés pour détecter la fausseté, c'est le temps. Amen. Si tu as affaire à un hypocrite, allons sur le temps. Même s'il se cache comment, oui. Dieu va le découvrir. Dieu va découvrir son vrai visage. Amen. Donc, moi je me dis, si quelque chose est de Dieu, que Dieu m'accorde ce monde un jour sur la terre, un jour je saurai où se trouve la vérité. Amen. Ça c'était ma compréhension en moi. Et quand je t'entends parler, je sens. Et il faut même savoir que, je prends par exemple le tour du ministère. Oui. Avant qu'on commence même à parler ce matin et tout, j'ai même failli décrocher. ce que j'ai dit. Amen. C'est le Seigneur qui sait si je dis vrai. Amen. Amen. Je vais décrocher cette place cette nuit. Oui. Non, si tu décroches, tu ne peux pas avoir l'exemple pour prêcher facilement. Oui, c'est à cause de ça que le Seigneur m'a répété. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur m'a parlé du ministère, déjà l'Église, après avoir donné les enseignements que nous avions eu à l'époque, je suis parti moi-même personnellement depuis que le moment de la vérité a sonné. Oui. Le Seigneur a dit, je veux que tu combattes l'iniquité sur toutes ses formes. Oui. J'ai étudié le mot église dans toute la Bible. Il n'y a pas un verset oui. qui porte le mot église qui n'est pas fait. Voilà. Je me suis rendu compte que ce qu'on nous a enseigné, église et maison physique, ça a un problème. Voilà. Et comment tu t'es confronté? Quand tu t'es confronté, qu'est-ce que tu as alors fait, frère? Non, le problème n'était pas encore là parce que je suis dans une formation où il faut conclure. Ça veut dire que je veux. Ok, c'est un processus. Voilà. Mm-hmm. Et conclure un truc. En ce moment-là, quand je parle, ce n'est pas en tâtonnant. Je maîtrise de quoi je parle. Amen. Oui, c'est un peu ça ma pensée. Sinon, c'est pour ça que je n'ai pas décroché la plaque. Oui. Je me suis dit, il faut que les frères comprennent ce que j'ai déjà compris. Amen. Et s'ils ne l'ont pas encore compris, je suis capable de l'expliquer puisque le Seigneur m'a enseigné là. Amen. Donc, voilà, ça c'était une parenthèse. Amen. Ça c'était une parenthèse. Et le modèle qu'on nous a donné, j'ai encore des petites préoccupations parce que je suis en train d'entrer dans la vérité. Oui. Dans l'ordre de la réunion des frères, oui. doit-on louer le Seigneur en chanson? Ça, c'est l'une de mes préoccupations. Oui. Et oui. Bon, je sais que par exemple, peut-être. Ou bien comment c'est organisé. Oui. Peut-être à l'avenir, on verra comment on prie en assemblée. Mm-hmm. Donc, après avoir su ce qu'est l'Église, il faut maintenant savoir le fonctionnement de l'Église. Oui. Bon, l'ordre de l'Église. Oui, là où je voudrais arriver par la suite et tout. Ok. On verra. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que la vérité ne se contredit pas. L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Amen. Mais nous n'avons de puissance que pour la vérité. Mais ses collègues de Jésus sont venus le confronter. Il y a des choses, non. Il y a des choses que, personnellement, je ne pouvais pas... Par exemple, les frères qui sont ici peuvent témoigner de ce que je veux dire. Je ne pouvais pas leur enseigner que, quand vous allez faire quoi, appeler les gens devant l'autel et dire-leur que vous, ils doivent donner leur vie à Jésus. Oui. Quand moi-même, l'affaire a déjà dit à l'intérieur de moi que je suis pas en paix avec parce qu'il semble que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Et je leur demande cela, sachant très bien que Ce n'est pas piéton. Mais avec tes collègues pasteurs et apôtres et bishops, vous en avez déjà parlé et partagé par rapport à cela. J'ai été saisi par le Saint-Esprit. Oui. Pour y aller, je peux me souvenir. Ils n'ont pas donné le chef, hein? Ils n'ont pas dit du soir. Non, au contraire, le Saint-Esprit s'est glorifié parce que là-bas, ces jours-là, oui, on est revenu sur l'enseignement qu'on nous avait déjà donné en formation. Oui. C'est ça que eux ils soutenaient. Oui. Et moi je leur ai dit, ça portait justement sur 1 Corinthiens 14. Oui. Que la femme ne doit pas enseigner dans l'assemblée. Amen. Et ils ont dit, voilà, un machin truc. J'ai dit non. Si nous comprenons le sens des mots, la parole est claire. L'apôtre ne fait pas d'erreur. Je ne crois pas que encore le Saint-Esprit s'est trompé au travers de Paul. Mmh. Il dit que si quelqu'un doit être inspiré ou est prophète, oui, qui pas demandé à Dieu, qu'il reconnaisse que ça c'est un commandement. Ceci est un commandement. Et je lui demandais aux évêques et les hommes de Dieu qui étaient là, vous savez ce qu'on appelle commandement? Parce qu'on n'a pas, on ne cesse pas d'apprendre. Si vous ne connaissez pas la signification de commandement, je peux expliquer. Oui. Et si on ne s'entend pas, on apporte le dictionnaire et on se rassure. Oui. Ce que je dis, c'est un commandement du Seigneur. Un commandement veut dire un ordre qui est donné. Ça ne se discute pas. Si tu ne l'exécutes pas, il y a sanction. Absolument. C'est ça le commandement. Donc ça veut dire que les hommes de Dieu aujourd'hui doivent être sanctionnés avec leurs femmes. Bon, disons que la gêne nous menace. Oui. Je crois que en tant qu'un ancien, tu vas trouver une plateforme pour qu'on puisse parler au pasteur. Oui. Je suis disponible, je suis envoyé pour le corps. J'en suis capable. Ou ce sera seulement les pasteurs. Il faut mettre des fidèles, parce que ces fidèles sont là, on va les regarder comme ça, là, ils vont avoir honte. Oui. Que ce soit entre nous, qu'on lâche le linger, ça. Que ce soit n'importe où, je partirai. Combien de jours ça va passer, je partirai pour qu'on en parle. Parce que c'est un véritable problème, c'est que, comme tu l'as dit, quelque chose est parti de quelque part. Oui. Tout le monde a hérité de cela. Oui. Il faut que c'est la grâce qui te ramène encore dans la vérité. Oui. Sinon, tel que c'est parti, tout le monde suit. Oui. Homme de Dieu, je vais peut-être parler d'une confession. Les enfants sont là, les frères sont là. Quand j'ai regardé certaines choses. Oui. Il y a beaucoup de choses qui tiquaient dans ma tête dans le milieu religieux. Oui. Par exemple, quand on fait la plaque de l'église, et comme on dit chez nous, la plaque publicitaire. Oui, que la plaque publicitaire. On met la photo de l'homme de Dieu. Oui. Déjà, moi, je me disais que même si la parole avait autorisé la plaque. Oui. Si c'est Christ, on parle de la photo de Christ. Voilà. Et d'abord, même, on n'est pas sûr que l'image est de celle de Christ. Mm. Maintenant, quand je mets la photo, ça veut dire que c'est le culte de la personnalité. Exact. Quand on fait des programmes, on dit que Jésus nous appelle. Oui. Mais je vois la photo de l'homme, et peut-être l'homme avec sa femme. Oui. Beaucoup de choses ne tournent pas rond dans ma tête en ce moment. En effet, frère, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais souvent, si tu veux soulever le débat, si toi-même tu n'es pas d'abord imbibé de la vérité, comme j'ai l'habitude de dire aux frères, si vous écoutez l'enseignement, vous allez le reproduire sans qu'il entre en vous, oui, sans qu'il prenne corps en vous, sans que vous ne vivez l'enseignement que vous voulez donner. Vous allez dire ce que vous avez entendu. Oui. Et vous ne serez même pas convaincu et vous ne pouvez pas convaincre parce que l'affaire-là ne se trouve pas en vous. Oui. Il faut vivre la chose. Oui. Et quand tu vis la chose, tu parles avec conviction. Oui. Ce qui n'est pas le fruit de la conviction est péché. Je défends ces choses parce que je suis imbibé dans la vérité. Je suis capable de le prouver jusqu'au bout. C'est ce qui s'est passé à Boéavès 1 Corinthiens 14. Oui. Quand j'ai tenu la parole de vérité que la femme ne doit pas enseigner à l'assemblée. Oui. Ils ont voulu. J'ai donc pris, j'ai décortiqué, ils m'ont demandé les numéros et, sang de Dieu, le Saint-Esprit a utilisé ça. Oui. Pour me mettre en lumière au niveau de ces réunions. Donc ils vont commencer à avoir le regard maintenant sur toi. Aujourd'hui. Amen. Amen. Ils sont prêts que si je dis que c'est ici. Qu'ils marchent. Non, ils vont prêter attention à ce que je suis en train de dire. Amen. Et il y a d'autres événements qui ont suivi. Amen. Et on est allé toujours dans le même sens. Oui. C'est pour ça que, comme tu constates, j'ai soif. Amen. Nous buvons ensemble, pas vrai frère? Amen. Donc, souviens-toi de ce qu'il dit. Oui. Tu as ses responsabilités devant eux de leur faire connaître la vérité. On n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau. Oui. Fais ce qui est de ton devoir pour que ceux qui sont de la vérité comprennent la vérité. Beaucoup sont, comme tu lis 1 Corinthiens 14, tu vois que l'expression que j'ai donnée, certains sont surpris. Oui. Parce qu'ils ont cru de modèle quelque part d'autre et on continue avec. Oui. parce qu'ils ont vu le modèle sur les gens sans aller jusqu'au bout. Je vous explique quelque chose. Quand j'étais en maîtrise, et ça c'est un événement, parce que tu as expliqué cela, ça m'est revenu. Quand j'étais en maîtrise, on avait, je ne sais pas si en maîtrise ou en licence, parce que j'ai fait la physique à l'université. Il y a des épreuves de physique où, s'il y a un exercice, si tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas bouger le bic. C'est-à-dire que c'est déjà des exercices. Si tu n'as pas vu comment ça commence, comment on a posé la question là, c'est comme ça que tu vas laisser ça. Tu vas laisser la partie, tu vas dire exercice 2, tu soulèves, tu laisses ça tranquille. C'est déjà des exercices. Alors, on a donné une épreuve, et c'est une ancienne épreuve des années précédentes, antérieures. Alors, cet exercice-là avait été donné sur l'épreuve et on a photocopié la correction. C'est-à-dire que voici l'épreuve, on a corrigé ça quelque part. Et la correction, donc, chacun doit avoir la correction pour bûcher, pour comprendre ce qu'on dit dans l'exercice. Et dans l'exercice, donc, en traçant un schéma, je ne sais pas si c'est dans l'original de tout, il n'y avait pas cela. Quelque chose où, en photocopiant au fur et à mesure, il y a un schéma, on a tordu quelque chose. Ça ne s'est pas effacé, on a ajouté quelque chose. Peut-être que quelqu'un peut avoir voulu mettre un stylo, ça a traversé sur le schéma. C'est fait qu'on reproduisait avec ces schémas. On donne l'exercice. Le professeur voit comment tout le monde, parce que là-bas on appelle le fax, parce que quand on mettait quelque chose dans le fax, ça sort comme ça de l'autre côté. La personne, on a reproduit le schéma avec la personne. Le professeur voit le schéma, il dit mince. Comment tout le monde a le même schéma? Et il a produit ce problème, il dit mais lui ne veut comprendre ce qui se passe dans l'exercice, c'est pourquoi il y a ce petit truc là-dessus qu'il a traversé. Lui vient en club, il dit mais il dit hein. Vous avez fait le devoir en commun. On dit non. Il dit, mais ils sont la feuille de n'importe qui. Il dit, le problème, c'est commence. Oh, nous tous, on a ri à l'école. On a ri. Et on rit comme ça, c'est un problème. Parce que c'est maintenant qu'ils sont de voir maintenant devant vous que c'est un problème. La correction, la première correction qu'il avait donnée comme modèle, il n'y avait pas ces problèmes. Mais quelqu'un a photocopié, il a ajouté quelque chose sur sa photocopie. On a commencé à photocopier plutôt cette photocopie. Ça induit tout le monde en erreur. Alors que la copie originale n'avait pas cette erreur. Ça a surpris son initiateur. Que d'où vient ceci? Alors qu'initialement, il y en avait. Je crois que c'est ce que l'église n'en devait pas subir. Je crois que Dieu m'a même fait passer dans cette chose-là. Pourquoi je passe ça maintenant? Parce que une erreur qui est faite, vous prenez l'erreur, vous continuez avec l'erreur. Il faut aller à l'original. Dis à ton voisin, allons à l'original. Allons à l'original. Laissons les photocopies. Voilà, c'est comme ça. Non, frère, j'ai constaté. Quelqu'un a la question, oui. J'ai constaté là-bas que eux également, il y en avait qui étaient victimes comme moi. J'ai préparé. Oui. J'ai constaté que il y a un. Ils ont été induits en erreur. Il y a un autre oui. Dirigeant principal, oui. Oui. Oui, de ce groupe-là. Appelé évêque. Oui. Il s'est tenu l'autre jour. Après que j'ai eu une conversation en privé avec lui, oui. Il est revenu en public dire à l'autre évêque, oui. Et ça devant l'assemblée. Oui. L'assemblée des pasteurs, des gens. Oui. Il dit que je disais à mon frère évêque, oui. Que nous sommes des pharisiens. Amen. Et c'est la vérité. Oui. Vous savez pourquoi? Le problème a commencé à y être dans l'assemblée. Je ne sais pas, une affaire partie comme ça là, il était question qu'on va traiter un frère qui a abusé de toi et le traîner à machin. Oui. Il faut que la Bible a dit qu'on traite celui qui est comme un croyant. Comme un croyant, ils ont cité des choses là. J'ai commencé là-bas à lui dire que si quelqu'un est frère, Christ est contre le fait d'avoir les procès les uns les autres, encore loin, aller même amener chez les infidèles. Oui. Et ainsi de suite. Et j'ai conclu ce premier jour-là, en public-là, en lui disant que celui qui est à l'intérieur du frère, c'est Christ. Oui. C'est Christ que tu as fait tenir au-dedans. Oui. Bon, c'est là où il s'est arrêté. Bon, quand on est allé en privé, notre conversation a continué. Oui. Il y a beaucoup de choses que tu as développé. Oui, que j'ai développé. Quand il est revenu, puisque c'était le point de vue des deux évêques, et théologiquement, ils étaient prêts à nous démontrer avec les Écritures. Citer les Écritures, c'est une chose. Comprendre ce que disaient les Écritures, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Parce que même Satan a cité les Écritures. Je me souviens que quand Satan est arrivé devant Ève, oui. C'est la parole. Il a dit, Dieu a dit réellement, dit. Depuis que les trois étaient dans le jardin, Personne n'a remis en question la chose. Personne n'a prononcé le nom de Dieu. Mm-hmm. Satan était le premier à parler de Dieu. Oui. Si on parle, on va voir. Absolument. Il était le premier à parler de Dieu. Amen. Et après, il menait, il fut le premier à avoir répété la parole mm-hmm. que Dieu a, Dieu a-t-il réellement dit. Or, Adam, lui, n'avait pas, il n'était pas revenu sur la parole de Dieu. C'est là où je lui ai dit que non. Citer les Écritures, c'est une chose. Comprendre ce que ça veut dire, c'est encore l'autre. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a l'esprit de l'erreur. Mm. Voilà pourquoi, si tu pars sur la base que c'est propre dans ta tête et il n'y a que toi, tu risques de faire erreur. Écoute. Et si tu es appelé de Dieu, ce que tu vas écouter, le Seigneur va te dire que non, voici un vrai et voici ce qui vient de moi. Amen. Si ça ne vient pas de Dieu, Dieu va te convaincre que ça, ça ne vient pas de moi. Amen. Amen. Amen. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas occuper toute la. Je crois qu'il y a des gens qui ont des questions qui, qui les brûlent depuis. Après, je souhaiterais peut-être qu'on revienne sur le fonctionnement de la réunion de l'Assemblée. Amen. Ah, je vous redis bonjour frères et sœurs dans la salle. Bonjour. Oui, l'homme de Dieu a parlé de la plaque. Stop that phone. Mais je ne veux Stop pas aller Stop loin. C'est que quand j'ai vu la plaque, moi c'est la plaque qui m'a amené ici. Oui. Je ne peux pas vous mentir. Oui. Parce que quand j'ai vu la plaque, parce qu'à Bertois, là où j'ai beaucoup fréquenté, c'est l'église frontière globale. on m'avait envoyé à Manzo où je suis là-bas comme missionnaire. C'est quoi je me lève pour parler parce que depuis que je suis né, enfant, je suis devenu enfant de Dieu. On ne m'a pas beaucoup enseigné dans le ministère. On ne m'a pas parlé de l'interdiction dans le ministère de femmes. Parce que l'église frontière globale a toujours fonctionné avec le ministère des femmes. Quand il a parlé de l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, c'est dessus où je veux vraiment revenir pour que quand l'homme de Dieu a parlé de séminaire, peut-être même de 6 jours, il dit que moi je serai prête pour suivre ce séminaire. Parce que je suis missionnaire à Bertois, à Manzo. Donc en tant que femme, donc je prêche, j'ai commencé par la cellule et par la grâce de Dieu, c'est devenu assemblée. Donc, voilà. L'homme de Dieu me parle plutôt de ça, si ce n'est même pas aujourd'hui. Voilà. Voilà. Vous savez, restez. Merci, ma soeur. J'aime quand il prêche, il y a les échantillons. J'aime quand il prêche, il y a les échantillons. Pourquoi on passe au cas pratique? C'est ici. Donc, bienvenue, d'accord? Amen. Voilà. Bon, si c'était Fire International Ministry, tu serais entré ici? Non. Je ne serais pas entré. Vous avez vu? Ah, ah. De la même façon, quand quelqu'un va aller, un témoin de Jéhovah va aller dans une région, il cherche d'abord l'assemblée des témoins de Jéhovah. Vous voyez ce qu'elle en est, n'est-ce pas? Non. Bon, avant de venir ici, jusqu'à comme tu as vu la plaque, tu as vu d'autres dénominations? Tu as vu la plaque de d'autres dénominations dans la zone? Non, pas encore. Et depuis que tu es ici à Douala, tu as passé quelque part où tu as vu au moins une plaque? Non, je suis venu à Douala, il y a beaucoup de dénominations. Pourquoi tu ne vas pas dans les autres? Je ne suis pas parti dans les autres parce que dans ma tête, je sais que Global Frontier, c'est l'église où je. Okay. Donc, Global Frontier, c'est l'église que Jésus-Christ bâtit dans les portes de celui de Monoprendon pour contre elle. Non. Donc, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il faut chercher l'église du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ça que je suis dans la Amen. Asseyez-toi dans ma sœur, on va parler. Garde le micro, garde le micro. C'est pour ça qu'il dit j'aime les échantillons. C'est Dieu qui l'a conduit ce matin. Amen. Donc, bienvenue. Peut-être que le Seigneur t'a fait passer ici pour que tu comprennes exactement ta place et ce qu'il en est. Amen. Dieu merci, il ne savait pas que tu n'étais pas que tu es de l'église globale de l'extérieur. Donc, tu es une ambassadrice de l'église globale. Bienvenue donc. En fait, moi-même, je ne savais pas quel nom. C'est pour ça que je suis sorti pour aller regarder ce qui est là-bas. Maintenant, je veux qu'on soit clair. Je veux que vous saisissiez ma question et que vous saisissiez sa réponse. Oui. C'est l'église globale qui t'a envoyé en mission ou c'est le Seigneur Jésus qui t'a envoyé en mission? C'est le Seigneur Jésus Christ qui m'a envoyé en mission. Donc, le Seigneur Jésus t'a dit de façon personnelle que lève-toi, va prêcher. Ça pose problème là déjà. Comme par exemple, comment on me dit? Non, il dit c'est si il dit à cet enfant-ci, va me prendre de l'eau. Ou bien l'une autre personne lui dit va prendre de l'eau. Il y a deux voix qui lui ont parlé. Qui t'a demandé d'aller prêcher globalement? Globalement, c'est un songe. Parce que je me rappelle, quand je suis né de nouveau, j'ai eu le songe, là où Dieu me montrait l'autel. Oui. il avait bâti le temple de pierre. Oui. En pierre, c'est là où j'étais. Oui. Donc c'est à partir de là où j'avais demandé à quelqu'un. Que, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Parce qu'un jour, je suis venu à l'église, on était ensemble. Excusez de vous parler par la grâce de Dieu. Je vais croire en Côte d'Ivoire. Je vais en Côte d'Ivoire parce que je n'ai pas eu de visa au Cameroun. Comme j'ai une famille française là-bas, je vais là-bas pour chercher le visa. Au lieu de visa, je rencontre plutôt le Seigneur. Une soeur m'a dit, quand l'homme de Dieu a parlé, vraiment j'ai donné ma vie au Seigneur. Bon, vu la façon dont je faisais à l'église, il y a un homme de Dieu qui m'a demandé quel était mon appel. Il m'a demandé, je vais expliquer tout ce que j'ai vu comme dans les rêves. C'est là où il dit que oui, effectivement, Jésus t'a déjà bâti sur le roc. Donc l'autel que tu as vu là, donc c'est comme tu as reçu le ministère de Moïse. Donc ça veut dire que ton ministère, c'est que tu dois beaucoup accepter certaines choses parce que tu vas beaucoup passer par les persécutions. Et c'est vrai, j'ai été toujours persécuté. Moi aussi. Continuons. Voilà, tu as dit persécuté aussi, non? Continuons. Jusqu'à présent, tu es toujours dans la persécution. Moi aussi, c'est grave sur moi, oui. Continuons. Oui, ça fait peut-être 2 mois que je ne suis plus dans le ministère. Pourquoi? Frontière globale, parce que selon la parole que vous nous enseignez, ce qu'on m'enseigne et ce que je vois dans la Bible, ce n'est pas la même chose. Non, mais attendez, là ça pose problème. Oui. C'est aujourd'hui que tu es entré ici. C'est aujourd'hui que je suis entré. Toi et moi, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Mais ça fait 2 mois que tu n'es plus dans la frontière globale. Je ne suis plus dans la frontière. Pourquoi depuis 2 mois? Pourtant, c'est maintenant que tu me connais. Oui, parce que ce qu'on dit, c'est que le leader me dit, oui, ce qu'il m'enseigne. Oui. Et maintenant, quand ça vient à la pratique, c'est le contraire. Oui. Donc, et maintenant, dans les brebis, puisque Jésus a dit que nous devons commencer par les disciples. Oui. Donc, pour moi, quand j'ai eu l'assemblée, j'ai commencé par le disciple-là. Oui. Et qu'il faut que j'aie d'abord le socle de l'église. Oui. Bon, là, maintenant, il fallait, de temps en temps, on parlait à mes brebis, oui, des choses qui sont contraires. Et comme je faisais déjà dans le disciple-là, il venait dire, ah maman, toi, tu nous dis qu'on fait comme ça. Mais on a rencontré le leader, il nous a dit plutôt comme ça. Donc, il y avait beaucoup de problèmes. Et j'ai compris, Dieu m'a relevé parce que dès le départ, quand c'est devenu ministère, l'homme de Dieu voulait plutôt diriger là où je suis. Oui. Mais peut-être Dieu l'a parlé parce que Dieu n'envoie pas sans donner ce qu'il faut. Mmh. Et c'est depuis qu'on avait commencé comme cellule, on m'avait envoyé comme missionnaire, on m'avait jamais aidé, ni même l'argent de transport. Oui. Maintenant, quand ça devient assemblée, ils veulent peut-être venir. Pense, parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je suis d'accord avec le pasteur. Je sais que c'est le pasteur. Dès qu'il avait dit la première fois, je sais que je serai à côté de lui. On va faire la chose ensemble. Oui. Mais par la façon dont il parlait à Obrebi, c'est une façon de le mettre plutôt côté. À côté. J'ai dit, ah, c'est Jésus qui m'a donné ces brebis. Et moi, je m'en vais. Il va encore me donner d'autres brebis. Voilà comment j'ai laissé l'assemblée. Mais vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un prêtre catholique qui est arrivé quelque part. Il n'a pas pu arriver à la fin. Mais chez lui, il reportait toujours la même. La même chose. Elle a fui l'église le global là-bas. Elle est arrivée, c'est l'église le global. Elle est encore en entrée. Ah. Vous ne pouvez pas faire autrement tant que votre modèle n'est pas fondé sur les Saintes Écritures. Amen. Si votre modèle est fondé sur les Saintes Écritures, on traduit la Bible en n'importe quelle langue, vous allez entendre le même langage. Oui. Mais si vous prenez un autre langage, un autre détour, parce que si elle n'est pas quelque part où il n'y a pas l'église française, ou c'est quoi, l'église globale sans frontières, ou c'est quoi là? Frontière globale, elle va pas se sentir à l'aise. Oui. Vous voyez? Mais maintenant, elle va commencer, tout ce qu'elle va commencer à comparer maintenant, c'est comparer avec ce qu'elle a déjà reçu. Oui. De là-bas. Maintenant, il va falloir qu'elle aille plus loin dans la Bible. Ok, maintenant. Et depuis que tu es assis ici, qu'on est en train d'expliquer les Écritures, depuis là, qu'est-ce qui te témoigne dans ton esprit? Homme de Dieu, je vais d'abord dire, qu'est-ce qui m'amène? Quand je vois frontière globale, je parle à ma soeur. Je lui dis, ah, au lieu de rester à la maison et passer le temps devant la télé, je préfère moi aller écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi je viens à l'église. Oui. Parce que depuis, je ne pars plus à l'église. Je prêche seulement individuellement, oui, avec toi. Oui. Voilà ce qui m'amène pour venir écouter la parole. Elle est venue aller. L'église. Vous avez vu comment le mot reste, non? Amen. C'est pour que ça sorte, c'est un problème. Vous devez vous entraîner. Vous allez aller, oui, au bureau. C'est-à-dire que ta bouche, si on ne dit pas, je viens à l'église. Allez. Je ne viens pas à l'église. On ne dit pas, je viens à l'église. Il a pris l'autre synonyme de l'assemblée. Mm-hmm. Bon, c'est en réunion de l'assemblée. La réunion de l'assemblée, d'accord? Maintenant. Je dis, quand tu es assis là depuis ce que le Seigneur nous a enseigné ce jour, qu'est-ce que tu saisis par rapport à tout ce que tu as eu? Chacun a son background, je ne vous connais pas individuellement. Sauf celui-ci que le Saint-Esprit parlait tout à l'heure. Mais je ne vous connais pas individuellement, mais chacun a son background. Pour d'autres ici, on a seulement exploité, on a pris votre argent, vous avez compris plus tard seulement que on était seulement frappé, les pasteurs. D'autres, chacun a son background. D'autres ont été maltraités par les pasteurs, d'autres. Vous êtes nombreux là. Quand tu as écouté, qu'est-ce que tu recevais dans ton esprit? Ce que je recevais, c'est quand vous avez parlé, qu'est-ce que l'Église? Donc, et dans le développement, je comprends très bien que l'Église, d'abord, c'est moi. Oui. Et les frères, donc quand on se rassemble, voilà ce que c'est que l'Église, pas le nom avec les décrets. Voilà. Bon, maintenant, je recommande donc ma question que j'ai posée. La mission, là où tu es allé pour prêcher partout, comme tu dis là, oui. Est-ce que tu peux témoigner devant le Dieu du ciel que c'est le Dieu du ciel qui t'a envoyé toi? Amen. Je témoigne que c'est le Dieu du ciel qui m'a envoyé parce que depuis que je fais dans l'évangélisation, oui. Et quand j'ai commencé par la cellule, je suis devenu assemblée, je parle que de Dieu. Oui, non, ça c'est autre chose. Parce que les satanistes peuvent parler de Dieu. Les faux pasteurs qui sont dehors, tu as un faux pasteur qui prêche sur Satan. Non. Quand il vient pour frapper l'argent de quelqu'un, vous avez vu un jour, on a dit campagne d'évangélisation, venez, Satan va vous guérir. Non. Beaucoup utilisent la puissance satanique envers le nom de Jésus. Jésus. Voilà, donc ce n'est pas le problème. La question c'est, si on veut voir un modèle de fonctionnement, on doit regarder, la référence doit être où? Dans la Bible. Dans la Bible. Ouvre un peu 1 Corinthiens 14, va voir. Pour qu'on voit ce qu'il en est, pas vrai? 1 Corinthiens chapitre 14. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Amen. Dieu va nous aider. Amen. 1 Corinthiens chapitre. Je crois que le frère a l'apôtre a posé la question par rapport à la louange, si la louange devait être publique et autre là. Dans une autre session, on va répondre ça si le Seigneur le permet. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. 35. Si elles veulent s'instruire, c'est quelque chose qu'elle interroge leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il le reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. 38. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Va. Dans ta Bible, pendant que tu enseignais les disciples, tu avais déjà traversé sur le passage. Le passage. Oui. Oui, j'avais déjà lu, mais ma référence. J'avais déjà lu ce passage, mais ma référence va à la Samaritaine. Oui. Oui, j'ai dit une femme peut prêcher parce que la Samaritaine, quand elle a écouté Jésus, elle allait appeler les autres qui ont cru. J'ai dit, nous avons un échantillon aujourd'hui. Amen. Voilà. Nous avons un échantillon aujourd'hui. Amen. Donc la référence, c'est la Samaritaine. Oui. Bon, maintenant, Jésus a-t-il envoyé la Samaritaine aller appeler les gens? Non, il ne l'a pas appelé. C'est elle-même qui est allée parce qu'elle a cru à Jésus. Donc ça pose problème. Ça, c'est un. Des deux, nous avons vu que l'église a son fonctionnement. Et ça vient à la naissance, à Actes chapitre 2, en fonctionnant. Depuis un chapitre 2, ça c'est l'ordre à l'église, c'est le commandement dans l'église. Oui. Depuis un chapitre 2, en montant, tu as vu une femme qui fait comme ça? Non, il n'y a pas. Dans ce cas, quel est le problème alors, selon toi? Selon le problème maintenant que je comprends, je vois qu'il y a ceux qui m'ont envoyé. Voilà, donc finalement, ce n'est pas le Seigneur qui t'a envoyé, ce sont les gens qui t'ont envoyé. Donc il faut la repentance. Amen. En fait, il y a même, tu as des oppressions. Suis attentivement maintenant, tu as des oppressions. Oui. Il y a des esprits qui te dérangent. Oui. Donc il te faut la prière aussi. Amen. En dehors de cela, en dehors de la repentance, il te faut la prière. Amen. Mm-hmm. Il y a de l'attaque, même dans le songe, il y a des attaques. Mm. Voici donc l'échantillon. On a l'échantillon devant nous. Chacun peut prendre. Tout à l'heure, on a parlé des catholiques. Oui. Ils ont dit que Jésus a dit tu es pieux, c'est qu'il bâtirait mon église. Il faut qu'il bâtisse quelque chose. Comment on va construire cela? L'église, on prend un. Pierre, c'est le premier pape. Donc, comme il avait parlé à Pierre, c'est à nous qu'il parle. Deux, le corps de l'apôtre Pierre est enterré à Rome. L'église, comme l'église a bâti, voici le basilique Saint-Pierre. Donc, Jésus voulait bâtir son église sur le cadavre. C'est ça, frère? Que l'église catholique est bâtie sur le tombeau, c'est pour ça qu'on appelle ça basilique Saint-Pierre de Rome. Donc, c'est la basilique là que Jésus est venu sauver. Donc, vous voyez comment la folie humaine. Jésus dit qu'il est bâti sur toi, j'ai bâti mon église. Il dit qu'ils ont enterré les règles de Pierre là-bas. On a construit l'église sur pied. Donc c'est ça que Jésus parlait. Donc il est venu mourir pour l'église, la basilique Saint-Pierre de Rome. Et donc là, comme la fondation est positionnée comme ça avec l'église catholique, vous voyez comment ça va grandir dans le mensonge. C'est ainsi dans toutes les dénominations. Toutes les dénominations, vous allez voir, maintenant voici une autre chose au milieu du corps de Christ. Vous allez voir, quelqu'un va dire que voici la vision du ministère. La vision du ministère, c'est comment? Après, on va dire, d'autres vont mettre Hébreux chapitre 13, verset 8, jusque le même lieu au jour éternellement. L'autre dit que lève-toi, brille quand ta lumière apparaît. L'autre dit ceci. L'église du Seigneur Jésus-Christ a au sein, à son sein, les cinq personnes, le groupe dont ministère, des Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui doit fonctionner dedans. Et des diverses grâces, celui qui a le don de présider, de donner, avec la liberté d'exhorter, au sein, dans le corps, ce n'est pas à l'extérieur du corps. Et tout soit fonctionner avec cohésion. Si on touche le cas des ministères, on va voir maintenant qu'il n'y a pas de ministère qui est séparé. Comme vous entendez comme ça, Global Wide Ministries. Parce que c'est le nom en anglais. Quand on dit Worldwide, je dis que wow. Worldwide, ça veut dire que c'est international. Ça n'a pas de sens biblique. Parce que le ministère n'est pas un lieu. Le ministère, ça veut dire service. Le service qu'un saint rend, c'est ça son ministère. Mais aujourd'hui, on a écrit maintenant ministère, on met ça sur la plaque. Quelque chose ne va vraiment pas chez les gens. Il faut les délivrer. Il faut les délivrer. Quand tu entends Global Worldwide Ministry, Fire Ministry, Mountain of Fire Ministry, Ceci Ministry. On croit en milliard de ministères, c'est un peu comme le ministère de l'éducation nationale. C'est comme ça qu'ils comprennent. L'apôtre Paul dit qu'il a été appelé au ministère pour les saints. Donc il sait, pendant qu'il sait, il a rendu son ministère comme ça pour les saints, sur son service qu'il rend pour les saints. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de ministère physique. Le ministère n'est pas physique. Le ministère, c'est le travail, le service pour lequel Dieu t'a appelé de faire. Si Dieu t'a appelé d'aller prêcher aux gens de Dieu, quand tu prêches, tu as de faire le ministère que Dieu t'a demandé là-bas. Amen. Donc, si c'est la prière, c'est comme ça. Donc, ma soeur, bienvenue. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Il faut la repentance d'abord. Même là, je vais revenir sur le songe dont tu as parlé de l'autel. C'est quoi l'autel? Qui a une idée de ce que la Bible appelle par autel? Ce que je connais de l'autel, lorsque Dieu a appelé Abraham, oui. C'est que lorsque Abraham est arrivé dans la terre où Dieu l'avait promis, oui. La chose qu'il a posée premièrement comme un signe de remerciement, c'était l'autel. Oui. En fait, dans tous les lieux où Dieu, où Abraham est arrivé, où Dieu s'est révélé. Où Dieu s'est révélé à Abraham, il posait là un autel. Et il donnait un nom attaché. Il donnait un nom à chaque endroit où il posait cet autel. Oui. En fait, pour moi, à ma compréhension, c'était en fait comme un signe. Soit des remerciements, puisque sur le tel, plus tard, la longue, dans la loi, on va révéler à quoi servait le tel. Oui. Bon, maintenant, dans le Nouveau Testament, vous avez vu un endroit où on parle de l'autel? Non. Prenez en Hébreux chapitre 7, chapitre 13. Lisons cela. Lisons rapidement là, il veut dire quelque chose. Ce n'est pas le thème, il veut seulement expliquer quelque chose. Il est par rapport à son songe. Hébreux chapitre 13. Lisons le verset 10. Hébreux chapitre 10. Chapitre 13. Verset 10. Pardon. Tu y es, frère? Allons-y. Hébreux. Vous avez dit Hébreux 13, verset 10. Hébreux 13, verset 10, là il est écrit. Nous avons qu'un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Vous avez entendu ça? Nous avons un autel, nous. Nous avons un autel. Les chrétiens ont un autel. En différenciation de l'autel, l'ancien autel, où on mettait les sacrifices, il dit que l'autel des chrétiens, parce que le sacrifice qu'on amenait là-bas, on ne les jetait pas. C'était fait pour les sacrificateurs qui pouvaient manger, c'était leur droit. Il dit dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, donc il y a un autel. Il dit que ceux qui font le droit n'ont pas le droit de manger. Votre autel, il y a quoi déposé sur ça? Maintenant, est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a un autel sur lequel il y a un sang qui en est découlé? à l'heure où on se retrouve maintenant, à l'autel, il y a le chèvre au ciel. Avec le... Oui, c'est ça. Avec le sang qui en est découlé. Vous savez ça, frère? Et l'autel là même parle. Vous savez ça? Il dit l'autel qui au ciel, ça parle. L'autel est vivant. C'est dans la Bible. Vous pouvez sous les yeux de vous, vous allez voir cela. L'autel parle. L'apôtre Paul interdit qu'on offre le sacrifice parce que ce qu'on offre maintenant c'est au démon. Il dit que je ne veux pas que vous ayez le communion parce que derrière l'autel se trouvent des êtres. Bon, on a arrêté beaucoup de choses donc, en mélangeant l'Ancien Testament parce qu'on n'a pas compris la signification avec le nouveau maintenant. Mais au ciel, il y a l'autel. L'autel, s'il y a un autel, il faut qu'il y ait un sacrifice qui doit être déposé. S'il y a un autel, il faut qu'il y ait un sacrifice qui doit être déposé. Nous avons un grand autel. Le Seigneur Jésus a traversé les cieux pour nous, pour inaugurer au travers du voile de sa chair, pour poser l'agneau sacrificiel pour nous, afin que nous ayons la propitiation. Amen. J'ai dit que c'est même pas pour nous, c'est pour les pasteurs. Il y a des gros morceaux pour les pasteurs. Où on va prêcher, quelqu'un va déchirer ses touches comme les serviteurs sacrifiés faisaient. Je vous le dis. Quelqu'un va arrêter son manteau, regarder son frère comme ça là. Déchirer ça comme ça, jeter avant de dire qu'est-ce qui m'arrive. Parce qu'il y a des choses pour secouer les gens dans cette Bible-ci. On a hérité de beaucoup de choses qui sont hors de la Bible. Le vrai problème, c'est qu'on ne se rend pas compte, comme l'Esprit a dit là, qu'on est dans l'ignorance. Donc, ça va aller, d'accord? Ça va aller. Il faut maintenant admettre qu'on était dans le tort. C'est pour ça qu'il a dit un don du zèle. Remarque très bien comment j'ai dit que tout ce qui était faux, c'est la repentance. Enfin, tout à l'heure, on a dit cela. Ce qu'il faut, c'est la repentance. Quand tu te rends compte que tu faisais fausse route en marchant pas comme Dieu voulait, il n'y a pas deux voies. C'est la repentance. Amen. Quand tu te repens maintenant, tu te demandes au Seigneur, Seigneur, je reste, j'attends maintenant que tu me dis ce que je dois faire. Je crois qu'il y a une question par ici. Devant, il y a une question. Oui. Amen. Amen. Thank you. I have three questions. One is that. Je crois qu'il faut donner l'autre micro là pour qu'elle puisse parler un peu à haute voix. I wrote that and I believe and I have the faith that you are coming to this ministry or this assembly. Yes, for the will of God. Amen. Secondly, what I want to understand is that there are many challenges in life that we, in Christian, we go through without knowing, through ignorance. And I know when you are a child of God, and when you really trust that God that you are serving, that God was directing their path. Amen. Because when man of God was speaking, in fact, I was sharing things because I made a statement last time when you came here that what we are suffering today is because of our mentor. Yes. The foundation we grow up with Christianity causes us haggard and problems in our Christianity life. But I know that when you are with God, is that God, no matter the deliverance, God is going to carry your path. Yes. My man of God has passed through persecution, trials, tribulation. But I know this 2016 and the year coming ahead, God will make it for him. Amen. As you have spread your leg before, amen, I know that things will go normal. Amen. Because the problem with that is not to listen the message or listen what is coming out from the Bible. Yes. But it's to understand it and put it into practice. Amen. That is the main problem in our life. Amen. If we can listen it and put it into practice as it has come out, God will surely help us to come through. Amen. Okay, one thing again I want to ask a question is that the environment that I'm staying with Muslim. Yes. So I want to know because they might think that I hate them. I don't hate them. Yes. But I don't have a relationship with them. Yes. Concerning feeding, changing things with them. Yes. But I don't know how I can avoid them with my children because it made me to feel so bored in yes. my life. Yes. The second one I want to ask you to help us because we know building a foundation, if you don't have solid ground, you cannot build a good foundation. Yes. So as if your word is coming out, I know the foundation will be built. So many things concerning all that. Yes. And the most thing now that is disturbing us, it will be the life of Christianity. Yes. Because in the night, I feel somehow when I heard a message when my husband was telling me, I said, don't worry, this is their time. Because anything that is hidden under the sun, God must surely make it to explode. Yes. So that is my question that I want to just ask because of the foundation of altar. Yes. Because what you are just saying now concerning this altar of Jesus. Yes. That is altar in Jesus as an altar. Yes. Anyway, you said it, I said it somehow because you know what our people are suffering today, even in Nigeria. Yes. My father died because of that issue. Yes. And when my father died because of all that, he went and abandoned. Yes. He did not come to Christ. He did not go through deliverance. Yes, he did not go through deliverance. Yes. But he took it because he had heard the good news of Christ. Yes. He just took it like this and turned it. Yes. And that's not the way he's supposed to do it. Yes. That's why the other turned now against him. Yes. So people don't know that altar is something very, very delicate because that's why altar of God is the same like sacrifice of the unbelievers. Yes. Because in the village, those who worship that altar without coming to Christ, their life is better. Yes. But when they leave it, worshiping God, worshiping the altar, it becomes worse to them. So that's why I'm begging you people to help us to cut all those altar because we are not particular of those things. Amen. Now that we know that we are light, I want that altar to look. Amen. So that the light of God, the work of God should go ahead. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. I hope every of you have listened to what she's saying. Yes. In fact, je pense que ce que maman a dit rentre dans la question qu'on a gardée la dernière fois. Oui. Et rentre aussi dans comment un homme connaît l'appel, comment il est appelé de Dieu. Oui. Et quels sont les signes? Merci. Tout ça, parce que cela rentre aussi dans ces histoires d'hôtel où, oui, quand Dieu les sort de ces situations, ils ne savent même pas que c'est vraiment Dieu. Oui. Ah. I think I better take this issue of altar first before dealing with this Muslim issue, because the Muslim issue is really quite simple. En français. Je parle plutôt en français. Ok, non, elle comprend, elle est mieux à saisir. Ok, l'affaire de l'hôtel, écoutez très attentivement. Je ne sais pas si c'est ce que je prêchais, je ne sais pas si c'est ici. Si quelqu'un a posé la question, j'ai dit, parlant d'Ézéchiel 18, que l'iniquité de Père, quelqu'un a posé, c'était ici, c'est ça non? Et j'ai dit que l'idolâtrie, c'est l'atteinte à la souveraineté des dieux. L'idolâtrie. Vous avez remarqué que quand les juifs faisaient n'importe quoi dans le désert, Dieu tolérait. Il tolérait, il ne frappait pas à la résistance. À l'instant où ils ont fait le veau d'or, ils avaient poussé le bouchon trop loin. À l'instant où ils ont fait ça, Moïse a dit, vous avez commis un grand péché. Il a dit, je vais voir maintenant si Dieu ne va pas vous pardonner. Et en fait, il allait demander pardon là-bas. Souvenez-vous que Dieu ne leur a jamais pardonné cela. Souvenez-vous, Dieu ne leur a jamais pardonné cela. Au jour de sa vengeance, il va revenir là-dessus. Donc faites attention, faisons attention, d'accord? Donc le problème de l'hôtel, c'est un problème. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, avant de toucher le cas dont il a parlé de son papa, où il est son oncle, c'est le papa qui est allé parce qu'il a entendu la bonne nouvelle et courir aller prendre l'hôtel du village. Quand on parle de l'hôtel du village, ça veut dire que les pieux ou bien les trucs sacrés, qui était l'alliance avec la famille. Oui. C'était cette idole-là que la famille servait. Oui. Avec le zèle, il allait prendre, aller jeter et ça l'a tué. Oui. J'aimerais bien avoir dit beaucoup de choses par rapport à cela. Mais je vais dire ceci, beaucoup de personnes, sinon la totalité des Africains ont un hôtel. Oui. Vous êtes du littoral, vous êtes attaché avec les hôtels des eaux. Oui. Vous êtes de l'ouest, vous avez les arbres verts. Vous êtes du sud, vous avez des choses. En fait, tous ont chacun son Dieu en réalité. Alors lorsqu'on quitte une famille, comme j'ai dit la dernière fois concernant ces choses-là, quand on quitte une famille et que vous étiez sous une protection familiale dans le village, il se pourrait que vous soyez poursuivi par cet esprit-là. Ceux qui sont dans l'ouest, ils ont les Bamileke, on se danse, qu'on danse avec les masques. À Bafoussam, il y a des gens qui dansent le nyan-nyan. Tous les garçons qui sont passés par Bafoussam et qu'on les a initiés, ils leur font la délivrance. Si vous ne faites pas la délivrance, dites que vous êtes chrétien. Ne vous inquiétez pas que ce soit 20 ou 30 ans, vous allez y revenir. Ils doivent passer par la délivrance. Parce qu'on fait un processus pour les intégrer là-dedans. On appelle donc ça initiation. C'est la sorcellerie. Et donc là, on ne sort pas souvent en disant que je te donne ma vie, Seigneur. Jésus. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut une séparation. La lumière doit jaillir pour te faire quitter la puissance des ténèbres pour la lumière. Si c'est pas comme ça, là, tu es en train de blaguer. Beaucoup de personnes, dont beaucoup de c'est pas seulement les Africains, hein. C'est parce que pour les Africains, c'est le fétichisme. Chez les Blancs, ils ont essayé de blanchir leur magie. Ils disent maintenant magie blanche. Que la magie blanche, c'est pour faire le. Et même les Noirs disent que non, la magie des Blancs sont bien parce qu'ils font les avions. Ils ont les sorceleries plus que les Africains. Je vous le dis. Ils ont les sorceleries plus que les Africains. Alors, c'est quelque chose d'universel. Parce que Satan, c'est un sorcier. Alors, toute son inspiration, les différentes églises qu'il a créées dans la famille. Donc, vous ratez dans la famille, vous venez dans les dénominations, vous êtes non dans la version religieuse de cela. Donc, vous fuyez dans la famille en disant que non. C'est que Satan, Satan ne peut plus rien me faire. Vous allez quitter le camp de Satan pour le camp de Satan. C'est pour ça que ces choses-ci arrivent. Mais si vous venez dans la puissance du Saint-Esprit, aucune puissance de ténèbres ne peut tenir. Même si vous n'êtes pas conscient du fait que vous avez la présence du Saint-Esprit sur vous, ça ne peut pas tenir contre vous. Mais le problème, c'est qu'on quitte un groupe, c'est-à-dire le groupe d'initiation au village, pour adhérer au groupe religieux. Pas une relation personnelle, intime et étroite avec le Seigneur. Si on quitte de ce groupe-là pour le Seigneur Jésus-Christ, dans la relation étroite, Jésus-Christ va dresser contre toute barrière qui va se dresser contre nous. Vous saisissez? Donc, ce qu'il a, l'expérience ici, c'est qu'on enseigne aux gens comme ça, comme il a dit, là, et beaucoup de pasteurs même sont même morts comme ça. Les gens sont morts parce qu'ils sont allés au village pour aller tenter de prendre la pierre sur laquelle on versait le sang ou bien le truc pour aller jeter. Vous faites ça, vous dressez. Ce sont les esprits qui sont dedans. Quand vous voyez les enfants, un père vient, il dit que grand-père, on n'était pas oublié. C'est pas le grand-père qui est là-bas, c'est un esprit qui les a pris en captivité. Il veut l'adoration. Pour que vous soyez coupables devant Dieu, vous allez tous en enfer. Alors, quand le premier grand-père, le patriarche de la famille vient, il vient en signe de représentation de toute la famille. Donc, toute personne qui se trouve dans son ventre, qui va accoucher plus tard, sont amenés à l'idolâtrie. Tous. Et c'est pour ça que vous comprenez. Je vais expliquer ça pour que vous compreniez. Je recommence encore. Je suis en train de dire que, mais voici, je suis un parent. Les enfants qui vont accoucher se trouvent dans mon ventre. Parce que c'est moi qui porte la sémence. C'est pas la femme. C'est moi qui porte la sémence. Je vais devant une image taillée. Et dans cette image taillée, ils disent que voici le Dieu de la famille, celui qui protège la famille. C'est une divinité qui se cache derrière, c'est pas la statue qui est le problème. Lorsqu'il me prosterne comme ça, je prosterne, comme mes genoux sont au sol, toute la famille ont les genoux prosternés devant cette tête-là. Tous les genoux. Maintenant, regardez votre Bible. Si vous lisez votre Bible correctement, dans le livre de Hébreux, chapitre 7, lorsqu'on parle de Melchisédek, puis on touche le patriarche auquel Abraham a donné la dîme. Puis on dit qu'en réalité, pourquoi Abraham a payé la dîme? On dit Lévi qui perçoit la dîme aujourd'hui l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Vous avez cela? Voici Melchisédek. Et puis on explique que quand il était dans les règnes d'Abraham, son père, lorsqu'Abraham allait devant Melchisédek. Voici Melchisédek. Quand Abraham va au devant de lui, Abraham va engendrer Isaac. Isaac va engendrer Jacob. Jacob va engendrer maintenant les autres et puis Lévi va être là-bas. On dit là que quand Abraham partait, Lévi était à l'intérieur de lui. C'était Lévi qui tendait la main pour payer la dîme à Melchisédek. Faites attention. Vous voyez ça, frère? Donc faisons attention. Alors, quand quelqu'un voit que j'ai donné ma vie à Jésus, si vous n'avez pas rencontré, vous n'êtes pas sûr à 100% que vous avez la puissance du Saint-Esprit sur vous, n'allez pas confronter la puissance des ténèbres. Parce que la Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les dominations. C'est les autorités, ce sont les puissances terribles que nous avons à lutter. Donc, au nom de Jésus-Christ, ça va tenir lorsque vous êtes revêtu de l'autorité du Seigneur Jésus. D'accord? Sinon, ça ne tient pas, sinon tu vas bavarder. Après, tu vas avoir un mot de tête. Le soir, il vient te visiter dans le sommeil. Alors, beaucoup de Bamileke, dont particulièrement, rêvent, ils voient comment les masques les poursuivent. Ça veut dire qu'il faut la délivrance par rapport aux danses traditionnelles. Les danses traditionnelles sont les initiations. Beaucoup d'autres, ceux qui sont du littoral, vont rêver comment ils sont dans l'eau et eau là-bas. Il faut les faire couper les liens entre eux et les esprits des eaux. C'est le signe, tout simplement, dans le sang pour montrer qu'il faut la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui donnent, ils rêvent seulement que chaque fois se trouve au village, dans un endroit au village, comme si grand-père a connu au village. Dieu leur montre qu'il y a quelque chose qui a été causé avec toi au village et tu en étais témoin. Il faut que ça soit séparé. Si ce n'est pas ça, tu vas tourner en rond dans la vie chrétienne. Alors, Remarquez dans le livre de Josué au chapitre 6, vous allez voir que Gédéon n'est pas allé détruire les pieds de son père sans l'ordre du Seigneur. C'est Dieu du ciel qui lui a dit que va, prends le pied de ton pied, coupe le petit taureau là-bas, détruis-moi cela. Il allait détruire, tout le village s'est levé, parce que tout le village sont les serviteurs de cette divinité. On a vu que tu as tué notre Dieu, l'autre a dit, mon ami, si ce Baal est Dieu, qui se lève, il se défend. Comment vous voulez défendre un Dieu? C'est Dieu qui doit se défendre. Dieu a calmé leur ardeur. D'accord? Mais maintenant, dans l'Ancien Testament, les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation des démons. Les gens qui vivaient dans l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation des démons. C'est ce que je veux dire. Oui. Ils n'avaient pas la révélation des démons. C'est à partir de Matthieu, Marc, Luc, qu'on commence à voir qu'on chasse des démons sur quelqu'un. Vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas les démons là-bas. Dans l'Ancien Testament, vous ne voyez pas de démons. C'est très rarement qu'on fait le même. Même dans le livre de Genèse, on ne parle même pas de Satan là-dedans. Dans tout Genèse, on ne parle pas de Satan. On voit seulement comment il agit. Au fur et à mesure, Dieu met en lumière pour montrer ses œuvres, que c'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière. C'est dans Matthieu qu'on commence à voir maintenant qu'ils habitent même dans le corps des gens. C'est ça, frère. Alors, donc, ne vous aventurez pas à aller confronter les puissances des ténèbres sans être revêtu de l'autorité. C'est pour ça qu'il pose la question à cette dame si tout à l'heure, c'est Dieu l'a envoyé. Parce que aller dans le champ des missions, c'est une mission dangereuse. Vous venez pour délivrer les puissances, les gens de la puissance des ténèbres. Et puissance des ténèbres veut dire vous confronter les démons. Ou tu peux venir annoncer l'évangile à quelqu'un en rentrant, tu peux avoir 4000 démons qui marchent directement devant toi. Tu rentres les problèmes, alors tu dis les persécutions. Qui t'a envoyé? Regardez la festivité davidique lorsqu'ils sont allés dans 1 Corinthiens 13, dans 1 Chronique 13 pour aller prendre l'âge de la lampe pour ramener à de qui d'Ajari pour ramener à Jérusalem. Quand ils sont partis, ils chantaient non? Ils rentraient chanter non? Après ils ont quitté là-bas, ils sont allés à l'enterrement de Uza. C'est pas vrai? Dans la chanson, là, le programme du parti, il y avait le programme de mort de Isa. Isa a programmé sa mort. Dieu est entré au milieu, il a frappé pour montrer que si vous n'êtes pas avec lui, il n'est pas avec vous. D'accord? Alors, ça veut dire quoi concrètement? Si c'est Dieu qui t'envoie, il va te soutenir. S'il y a n'importe quoi qui arrive, c'est sous sa responsabilité. Donc, on ne doit pas s'aventurer. Donc, beaucoup de chrétiens sont attachés à des hôtels parce que les chrétiens sont, on appelle ça la superstition, mais c'est la superstition démoniaque parce que derrière, ils sont les esprits. Alors, on est attaché au village. Vous voyez quelqu'un dit que va te laver au village. Il y a des gens, voici des exemples. Des gens vont quitter carrément la ville pour venir au village pour se laver. Payer des millions pour aller se prostituer avec les esprits des autres. Payer la lumière, payer de l'avion pour venir. D'autres vont aller sur la tombe de leurs parents pour dire papa, je n'étais pas oublié. C'est qu'en Europe, c'est dur. Ouvre-moi les portes. Lui-même, il est là comme ça. Ça le dérange là où il se trouve. Il dit ouvre-moi les portes. Lui, s'il pouvait ouvrir les portes, pourquoi il n'est pas sorti du tombe? S'il pouvait ouvrir les portes, il devait rester là-bas. Juste parce que tu veux enlever sa tête pour aller enterrer dans une maison de craie. Vous voyez que quelque chose ne va pas chez les gens. Tu enlèves sa tête, dans sa tête maintenant, non, il mange dans sa tête, ses yeux. Après, on porte maintenant, il mangeait la nourriture préparée. Maintenant, on veut verser l'huile sur sa tête. Vous ne comprenez pas que les gens sont tenus captifs là? Il dit seulement quand il était vivant, il mangeait le ndolé, il mangeait du poisson bien préparé. Et maintenant, vous voulez verser le sel. Donc, dans l'autre monde, on mange seulement le sel. Satan veut tout simplement que tu sois en contact, que tu es prostitué, ce que Dieu dit. Il dit que dans ce Lévitique chapitre 20, le verset 6, il a dit si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. D'accord? La Bible donc dit interdit donc qu'on ne peut pas parler aux morts. Et donc tu peux parler aux morts, tu t'es prostitué. Et par conséquent, tu t'es souillé. Donc tu es possédé. C'est le langage biblique de l'Ancien Testament. De te souiller avec eux. Ne savons pas que c'est celui qui s'attache à la possession et un seul corps avec un. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. D'accord? Alors, de la même façon, donc quand vous quittez le cadre familial, vous venez dans le cadre religieux, dans la religion, comme on a décortiqué aujourd'hui, chacun s'est bâti des hôtels. Et maintenant, des pasteurs véreux vont donc prendre la magie, c'est Satan. Construire des hôtels, mettre des magies en bas. Parce que cet esprit leur a donné l'ordre que faire venir les gens ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors le pasteur a l'ordre que quand vous voulez prier, allez à l'hôtel là-bas, prier que personne ne monte à l'hôtel de n'importe quelle façon. Parce que l'hôtel est spécial. Quand vous allez vous communier, vous allez commencer à vous procéder devant les idoles. C'est que tu as fui dans la famille, tu viens te trouver maintenant masqué sous le nom de Jésus. Voilà l'une des raisons, frère, pour laquelle la dénomination a fait ces choses-ci. Vous allez voir beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire qu'on a accusé, beaucoup qui enterrent les bébés, beaucoup qui font des sacrifices, beaucoup. En fait, il y a un monsieur, je crois que si vous voulez, je vais mettre la vidéo maintenant, ça se trouve là. Il y a un pasteur, il y a un marabout en Côte d'Ivoire, il est venu dans son église, en plein dimanche comme ça au quartier, les gens sont sortis. Il a dit que remets-moi mon argent ou bien tu me remets mon idole. Il appelle ça my God. Le pasteur s'est fâché, il dit que ton idole ne fonctionne même pas. Après, quand la session sera là, je vais mettre ça, vous voyez. Pour que vous me voyez, vous voyez. L'autre là, il dit que j'ai donné la magie là, au moins à 1500, c'est au Ghana. au moins à 1600 pasteurs et ça fonctionne. Tu peux pas me dire que ça fonctionne. Je t'ai appelé au téléphone que tu remets mon argent, tu ne m'as pas remis et tu m'as dit que ça ne marche pas. Pourtant, je viens voir le client ici. Le marabout vient demander son argent. Il dit, je viens voir le client. Parce qu'il dit que quand il a ouvert son église, le gars dit que quand ça a attiré l'attention, la police est venue que c'est quoi. On l'interrogeait, il disait. Il dit, je suis allé chez lui parce que mon église ne fonctionnait pas. C'est quelqu'un qui m'a envoyé chez lui. Il m'a donné son joujou, il appelle ça joujou. Le diable a dit que donne-moi mon joujou. Il dit que j'ai pris le joujou pour que l'église fonctionne. Ça ne fonctionne pas. J'ai dit, je vais servir le Dieu des chrétiens. Voilà quelqu'un qui a servi avec la puissance satanique. Et c'est en tenant ce dimanche-là, il y a au moins 200 personnes qui sont venues. La personne sait qu'est-ce qui les a attirés là-bas. Tout ce qu'ils vont entendre de la Bible ne viendra pas du Seigneur Jésus. Or, tout à l'heure là, je rends grâce à Dieu que j'ai apporté l'ordinateur. C'est là. Quand tout ce qu'il va dire, et qu'il va dire que Dieu va vous bénir, ou quelqu'un va sortir, si Dieu le prophétie, ça va sortir de ce démon-là qu'il a intégré à l'intérieur. Donc quand tu vas venir, il va dire qu'il va toucher une femme ici. Quand il va tendre la main, c'est cette femme-là, c'est cet esprit-là qui va aller toucher. Mais il va annoncer ça au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez jusqu'à où l'homme est parti. Et là, maintenant, il a moins 200 fidèles. Il a dit, il a pris, devant la caméra, il a dit que voici, ça prend tard, je ne suis plus dans ton joujou, mais il avait servi le Dieu des chrétiens. Il croit qu'on ne se sépare comme ça. Il est possédé. Alors, ça, c'est le poste, parce qu'on l'a vu. Ceux qui vont, il y en a plein. Il y a ceux qui n'ont pas vu. Il y a l'autre là qui est mort en 2015 par suite de l'accident de circulation, Chinoudou, au Nigeria. Il ne fonctionnait pas. Son église ne fonctionnait pas. Je crois qu'il y a un enseignement là-dessus. Il y a un enseignement là-dessus. Son église ne fonctionnait pas, il allait voir un général Obasia, toujours au Nigeria. Il a dit, tu as le cœur, il a dit, j'ai le cœur. Il a dit, tu as le cœur, général Obasia. Il a dit, il veut t'amener quelque part. Ils sont allés quelque part, on l'a amené en pleine mer, en bordure de mer, à porte à côte, en Lagos. Il a invoqué, il a parlé en langue, il dit que tout ce qui vient, ne craint pas. Une femme est sortie de l'eau, venue faire l'amour avec lui. Il a dit que désormais, tu vas avoir la puissance, ne t'inquiète pas. Après, il a sorti quelque chose de son vagin, mettre sur son visage, le signe de croix sur son visage. Il a dit que quand il était en bordure de mer, il a vu plusieurs pasteurs cette nuit-là qui faisaient la même chose. Ça, c'est cette nuit-là. Parce qu'il était témoin. Et la nuit précédente, c'était comment? La nuit quand il est parti, c'était comment? Il dit, faites attention de ceux qui viennent du Nigeria. Amen. Alors quand il est rentré, il dit que ce soir-là, il est allé. On lui a dit que tu dois devoir coucher pour entretenir l'onction. Tu dois coucher avec des vierges. Comment il dit comment il veut faire pour avec les vierges? Le dîner au Vassi, il lui a dit, je vais te trouver des vierges. Cette nuit, l'esprit lui a donné l'huile d'olive. C'est l'huile. Il a dit que touch and follow. Que quand tu touches quelqu'un avec, il te suit seulement. D'autres, le style de lui, c'est quand il parle, l'assemblée écoute. Et quand, il a dit que quand il a touché, première semaine, comme il avait seulement 150 man, ils ont commencé à venir. Il allait monter plus de 1000. La question c'est, ces 1000-là, ils disent, I'm born again. Ils sont born again. Non. Donc faisons attention. Alors il a continué comme ça. Là, il dit la soirée là, il était surpris de l'onction qu'il était suivi. Et on lui avait dit que chaque fois qu'il va aller prêcher, tu dois coucher avec une vierge avant de la laisser te laver. Donc quand il entre comme ça avec sa veste, il lève le manche, les gens tombent, il donne les prophéties. La question c'est, avec le nom de qui? Après il a continué comme ça là, à chercher, il a voulu chercher la délivrance, les esprits l'ont tué, il est mort comme ça. Il dit qu'il a trahi Dieu. Alors voilà donc l'église là on se retrouve maintenant. Il dit que c'est un général Obasia qui a donc les branches partout, même au Cameroun, même à Douala. Et qui affecte ses pasteurs, qu'il a déjà consacré aux esprits des eaux. Oui. Et qui vient ici, prêche la prospérité, et puis les gens tombent. La question, vous êtes mal barré, mes chers amis, si vous ne cherchez pas des relations avec le Seigneur. Si vous ne cherchez pas des relations avec le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes mal barré. Parce que si vous voulez voir avec vos yeux pour savoir que, ok, quand il tend la main comme ça, c'est quoi? Vous êtes mal barré. Vous devez avoir une relation avec le Saint-Esprit pour que quand vous vous asseyez, le Saint-Esprit vous dit que celui-ci n'est pas de moi. Il faut que vous connaissiez d'abord cette voie-là entre vous et Dieu. Pour quand vous asseyez, si ce n'est pas comme ça, si ce ne parle pas distinctement, les miracles apparents vont vous tromper. D'accord? Donc beaucoup d'hommes ont pris dans l'hôtel comme ça. C'est d'où sont venus. L'église originale, vous lisez le Nouveau Testament, vous ne voyez nulle part un hôtel où les chrétiens prêchent. Non. Et ça ne se trouve pas dans la Bible, pas vrai frère? Ça ne se trouve pas dans la Bible. Alors la question c'est, comment est-ce que ça entre au milieu chrétien? Il faut donc aller en dehors de cela. D'accord? Amen. Prenez l'église catholique, n'importe quelle église, on va vous dire que quand vous entendez Saint Thomas, le nom des saints qui est là-bas, c'est parce qu'il y a une relique qui est enterrée en bas. Vous savez ça au moins, n'est-ce pas? Oui. Donc partout, on enterre quelque chose. C'est pour ça que l'hôtel est consacré. Donc quand tu te prosternes dans ton hôtel, là, l'église est réveillée, le cadeau se prosterne aussi parce qu'il y a l'hostie aussi derrière, se prosterne aussi. Vous êtes identiques, fille d'une même mère, Babylone. D'accord, frère? Maintenant. Touchons le cadre de Dieu. On va y revenir dans un autre enseignement, Dieu voulant, parce qu'il y a des enseignements par rapport à cela. Donc, tout ce qui n'est pas biblique est à rejeter. Parce que tout ce qui n'est pas biblique est diabolique. Et toute réplique qui n'est pas biblique est diabolique. Ça veut dire qu'il faut détruire tout ce qui n'est pas biblique. Amen. Maintenant, par rapport à la relation entre toi et tes voisins qui sont musulmans, Le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, aime ton prochain qui croit en moi comme toi. Le prochain, dans la Bible, il a donné la parabole du Samaritain pour signifier exactement qui est son prochain. Et il a pris justement le cas des Samaritains et des Juifs qui étaient en inimitié. Amen. Pas ça, frère. Cet enseignement devrait nous donner la règle. Il n'a pas dit aime la personne qui t'aime. Parce qu'il a dit que dans ce livre de Luc, c'est ce que nous avons lu la dernière fois. Il dit que si tu aimes celui que tu aimes, qu'est-ce que tu fais de nouveau? Les païens font de la même façon. Donc tu dois aimer même tes propres ennemis. Encore que les musulmans ne sont pas nos ennemis. Si Dieu leur accorde la grâce, ils vont sortir. Parce que toi-même, tu as reçu seulement une grâce. Si tu étais initialement païen, tu as eu la grâce pour être sauvé, tu es sauvé dans la lumière. Si tu n'as pas reçu cette grâce-là, il sera chez Satan dans un domaine dit musulman, tu seras chez Satan dans un domaine dit païen. C'est le compartiment d'une même cellule. Vous savez, n'est-ce pas? Les chambres de la même maison. De la même maison, donc maison commune, chambre à part. On se rencontre seulement au salon chez Satan. Vous savez, n'est-ce pas? Mais maintenant, prenons un exemple. Tu ne parles de le fait que tu veux protéger l'enfant autour de ton voisinage. Quand ils vont à l'école, tu sais qu'ils côtoient qui? Quelle mesure tu vas prendre à l'école? Si on dit que si tu vas t'asseoir avec Aboubakar, comment tu vas faire? Si c'est Aboubakar qui est son voisin, tu vas aller à l'école pour dire qu'il ne veut pas qu'il s'asseoir avec Aboubakar. Bon, mais si dans l'école là-bas, celui qui enseigne la géographie, c'est un musulman, Mohamed, tu vas refuser que Mohamed ne l'enseigne pas? Donc, il faut enseigner la voie, l'enfant, comme on a vu, selon la voie qu'il doit suivre. Mais maintenant, voici la chose. La communion avec eux ne doit pas être brisée au sens strict du terme. C'est-à-dire quoi? Leur fête, vous pouvez ne pas assister. Mais leur nourriture, ça ne souffre d'aucun cas que vous mangez. Ça ne souffre d'aucun cas. Remarquez que le Seigneur qui entrait chez les pharisiens, s'asseyait et mangeait. Chez les publicains, ça scandalisait les gens. Il dit qu'il est entré chez les gens de mauvaise vie. Il a dit justement, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est pas ça, hein? Il allait vers eux. Alors, ceux-là, je vais vous dire quelque chose. Vous venez sur le territoire des musulmans avec l'intelligence. Le maître, c'est le maître intelligent. Le maître de la ruse. On les brise et les gagne par l'amour. C'est l'amour. Parce que tout ce qu'ils font, c'est l'hypocrisie. Vous ne pouvez pas aimer comme Dieu veut si vous êtes chez Satan. Vous aurez filé, vous ne pourrez jamais avoir le souvenir de Dieu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est les saluer, partager, et quand tu es dans le calme, prier pour eux. Ne crains rien. La rédemption a été acquise une fois pour toutes. Ne crois pas qu'un jour, ils vont convertir tes enfants. Et même s'ils sont destinés à être convertis, ils vont convertir. S'ils sont destinés à passer par là, on est revenu. Tu ne peux rien. Même si tu vas fuir que ton papa dit que je suis en train de fuir maintenant, il faut qu'on quitte le quartier ici. Tu vas aller tomber que le papa, tu vas tomber que dans le quartier à Ossa. Souvenez-vous que dans la tradition musulmane, quand la mosquée est mise dans un quartier, ce quartier-là est considéré comme un musulman. Oui. Quand ils ont mis leur mosquée quelque part, du coup, Babadé, c'est pour vous. Dans leur tradition, ils savent que le quartier, c'est le quartier musulman. Vous entendez cela, n'est-ce pas? Oui. Donc, Dieu ne nous a pas mis en guerre contre les musulmans. En fait, les musulmans ne sont pas en guerre contre nous. C'est qu'il y a un esprit derrière qui veut prendre la place de Jésus. Amen. Et donc, nous devons présenter l'amour du Seigneur Jésus-Christ à tous ceux, pas seulement à eux, tous ceux qui ne vivent pas avec nos croyances. Jésus ne nous a pas dit qu'on va vivre toujours dans l'environnement où les gens vont nous croire, où les gens vont croire à lui. S'ils ont la grâce qu'ils doivent être sauvés, il faut qu'ils voient tes comportements. Il ne faut pas que plus tard, il va quelque part et dit que je connais un chrétien qui était dans la maison qui faisait comme ça. Alors que ton Dieu dit que aime ton prochain comme... Il va t'enseigner ta Bible à ce moment-là. Donc, aimez-les tout simplement, d'accord? Aimez nos voisins et laissons le Seigneur être juge. S'il veut les amener, il les amène. Quant à vos enfants, dites-leur clairement que si vous allez là-bas, c'est comme ça. C'est ce que Dieu dit. Ne les en empêchez pas, d'accord? Ne les en empêchez pas. Mais pour ce qui est de leurs festivités, ce sont les divinités, n'en participez pas. Amen. Ni de près, ni de loin. Amen. Parce que les cultes idolâtrés ont des démons. Amen. Oui. Donc, on peut joindre ceci. On fait comment? On prend une pause ou bien vous êtes fatigué ou bien? Qu'est-ce qu'on fait? Si ils veulent prendre une pause, après on continue. Comment mon cher? Parce que de toute façon, il y a la sauce. On peut continuer. On peut continuer. On peut continuer là maintenant. On peut continuer. Après, une pause. Là. Une pause s'impose alors. Une pause. Ok. On prend donc une pause et puis on revient. Voilà.